Bon, bah, pas de changement pour David Guetta, toujours numéro 1 des clubs en Europe. David Guetta, Showtek avec Bad depuis 18h, c'était l'Eurodance 25. Eurodance 25 sur Fun Radio. 20h tout pile. Et oui. Mon tambour. Peu de bah moyen. Oui. Peu ce qu'on peut. Tu veux que je te mette un tambour? Allez, vas-y. Attends, j'en ai un là. T'as pas une pelle plutôt? Si, ça je peux te le mettre. Tu l'as plus sous la main en tout cas. Voilà, oui. Merde, c'est pas celui-là, pardon, attends pour moi. Voilà. Ah. Allez, hop, roulement de tambour pour. La dernière émission avant les vacances. Oui. Et pour la finale de la Coupe d'Europe. Oui, du monde même. Du monde, exactement. Parce que l'Argentina qui va perdre, bien entendu, en tout cas, on va voir. T'es pour qui toi, Allemagne ou Argentine? Bah, je peux pas dire que je suis pour l'Allemagne, mais je pense qu'ils vont gagner 2-0. Seulement? Oui. Ah d'accord, ok, très c'est bien. C'est une finale. Oui, bah je sais bien, mais bon, en demi-finale, ils ont bien fait les scores. Hein, ouais, bon, on verra bien. 2-0. Bon, et ben retour de l'Eurodance la semaine prochaine. Ça sera l'Eurodance la semaine prochaine, et demain des 20h, je serai là pour un party fun en mode été, en mode exactement, vacances. Exactement, très bien. Bon, bah bonne soirée, alors on bonne semaine également. Et bah, j'espère. Salut Miko. Allez, ciao, et puis nous, on est parti en direct jusqu'à minuit sur Fun Radio. Écoutez, oui, c'est à vous que je parle. Si hier soir, vous avez préféré dormir, regarder la télé ou tirer votre cou, vous avez raté ça. Aurélien ! Ouais, et tu sais que l'hippocampe, mais on ne sait jamais dans quel camping. Ça, c'est drôle, j'aime bien. T'es toujours en vie ? Oui, je suis toujours là, ouais. Et tu as rencontré Georges aujourd'hui ? Ouais, franchement, il est dégueulasse, hein. Oh non ! Victoria ! Ça se fait pas ! Mickaël No Limit, pour rester connecté et ne rien rater. Mickaël officiel sur Facebook, Twitter, Instagram et maintenant en live. Sur Fun Radio. On est en direct sur Fun Radio, 20h tout pile. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Ça y est, on y est, c'est la dernière de la saison. Et oui, l'ultime émission de la saison. Et oui, on reviendra en pleine forme, évidemment, au mois d'août, bien entendu, le dimanche 20h minuit. Et la semaine de 23h à 2h du mat. Toi, va bien, on passe un bon week-end. Oh, magnifique. Très bien, pas trop triste de quitter tes amis, là, ceux-là. Ma main dans ta gueule aussi, tu vas l'avoir, non? Ah bah voilà, c'est ça, hein. Tellement de rencontres cette année. Je nique ta mère. Hein. Voilà. Que tu es, encore hein une autre rencontre également. Tu devrais faire autre chose au lieu d'emmerder le monde. Voilà, et puis ce tout nouveau que nous avons rencontré jeudi. Trou de balle. Voilà, c'était comme ça pendant 9 fois d'affilée, hein, donc je vais pas vous mettre les 9 fois, évidemment, ça risque peut-être de vous saouler un moment ou un autre. Mais les derniers appels malveillants pour la saison qui reviendront la saison prochaine. Ah oui. Évidemment, appels malveillants avec encore plus de dingue. Donc dès la rentrée, hein, mois d'août, on sera là, donc 20h minuit le dimanche, 23h, 2h la semaine. Polo également qui va enfin pouvoir partir en vacances avec les doux, hein, il part en camping. Enfin non, je vais tout seul et les doux partent de leur côté, après ça va être mal interprété. Ah non, mais bon, t'es leur chef de leur c'est chef vrai de campement. C'est vrai, on y va, général, tout le bordel. D'ailleurs, justement, en parlant de doux, on va en avoir certainement ce soir, hein, les derniers de l'année là qu'on va pouvoir adoubir. C'est ça, je rappelle que les doux sont les auditeurs de Fun qui n'ont pas encore mué ou qui ont moins de 15 ans. Voilà. Bon, et puis on aura aussi des maillots de foot à vous offrir. Ce soir, la totale, le maillot, le haut, le bas de l'équipe de votre choix, le ballon de foot officiel FIFA et les crampons qu'on vous offre également. Le tout vaut un peu plus de 450€. Donc si vous voulez gagner ça, c'est offert par Fun Radio et par Pro Direct Soccer. Je vous poserai une petite question dans quelques minutes et si vous avez la réponse, eh bien vous allez peut-être pouvoir être tiré au sort. Et je peux vous dire que ce soir, si vous êtes derrière votre radio, vous avez toutes vos chances de gagner puisque demain c'est 14 juillet férié et puis surtout il y a la finale de la Coupe du Monde. Il y aura donc moins d'auditeurs que d'habitude, donc forcément vous aurez plus de chances de gagner. Donc ne bougez pas, n'allez pas trop loin. On salue également Cédric qui dit pauvre Toff. Ah bah oui, ça oui, c'est sûr. Hein. Merci. Jojo qui dit enfin temps de retrouver Mickaël pour la dernière de la saison. Vous allez manquer pendant les vacances. Bah oui, mais on sera connecté, Facebook, Twitter, Instagram, tout ça. Yaya aussi en mode Mickaël officiel, nos limites ce soir, histoire de se taper des barres en attendant la belle victoire de l'Allemagne. La douce fada aussi, ça va faire un gros vide sans vous pendant les vacances. Oh, il y aura party fun. Bah oui, voilà, c'est ça, vous allez pouvoir bouger le cul comme ça, hop là, hein, à gauche, à droite, pour être méga bonasse pour la rentrée. Voilà, parfait. Exactement, ça sera cours de sport. Xavier aussi, bonjour Mickaël, Toff, Polo, Sandro, j'écoute l'émission depuis le mois de février et j'aime beaucoup, c'est Xavier d'Auxerre. Bah salut Xavier d'Auxerre, merci pour ton message, c'est très gentil. Et puis dites-nous encore, hein, voilà, vous nous appelez 01 42 48 5000, 02 851 4x0 depuis la Belgique si vous voulez réagir. Et puis bien entendu, Facebook, Twitter et Instagram, vous tapez M-I-K-L officiel pour nous rejoindre sur le Facebook. J'ai mis une belle photo d'ailleurs ce week-end sur Facebook. Ah oui, C'était mignon. Oui, avec de quoi? Avec le décolleté? Oui. Ah bah oui, bien sûr, avec le décolleté, l'arrêt des fesses. Donc si vous voulez aller voir, bah, vous avez déjà été plus de 11 000 hein, depuis hier à aller voir la photo. Donc retournez-y si vous l'avez pas encore. Enfin, allez-y plutôt si vous l'avez pas encore vu. Vous tapez Mickaël officiel sur le Facebook de l'émission. On est 468 000 là en même pas un an. C'est cool. Merci beaucoup d'être aussi nombreux à avoir pris le chemin du Facebook de l'émission. Le Twitter fonctionne et l'Instagram également. Et puis on a aussi David avec nous là, qui est avec nous de Limoges. Salut David de Limoges. Salut, ça va? Ça va et toi? Tranquille. Tranquille. Tu vas rattacher des meubles à l'occasion? Pardon? Je dis, faudra t'acheter des meubles à l'occasion. Pourquoi? Bah parce que ça résonne. On dirait que t'es dans une pièce vide. Ouais, bah c'est... Non, bah c'est pas le cas, non. Ah bon, bah on dirait, c'est bizarre. Non, c'est juste très grand chez lui. Bah c'est... peut-être que t'habite dans un château, va savoir. Bon, dis-moi... Ah, alors t'as le kit main libre ou le haut-parleur, David? Oui, c'est ça, oui. Ah bah voilà, bah faut enlever, hein, kit main libre et haut-parleur. Voilà, fais ça comme ça au moins le son sera meilleur. Tiens, en attendant, il y a Nicolas qui dit je peux avoir un message de bienvenue s'il te plaît. J'écoute depuis octobre, bah évidemment. Tu vois le bonhomme en face de toi ce qu'il va te faire. Il va te niquer toi et ta mère et puis ta bande de connards. Voilà, tous ces gens évidemment qui étaient là pour toi, bien entendu. Un plein d'amour David. En plus et de tendresse. David, ça y est? Oui, ça y est. Parce qu'il y a toujours l'écho derrière où t'as la radio allumée encore en plus. Non, j'ai pas la radio allumée, mais par contre, je suis effectivement dans une pièce qui est assez vide. Ah oui, bah effectivement, je te confirme. Bon, bah écoute, alors on va parler de quoi dans un instant avec toi, David? Bah, de ma copine, en fait. De ta copine? Bah, en fait, tu te souviens bien, c'était moi qui t'ai passé la dernière... En fin d'émission la dernière fois et je t'avais dit que ma copine elle m'avait affiché devant tout le monde là. Oui, ah bah oui, je t'avais dit qu'on te rappellerait ce soir également, puisque tu devais la voir samedi, je pense, c'est ça? Bah elle est à côté de moi là, elle me tient les épaules. Ah bah parfait, alors bouge pas de là, tu vas nous raconter ça dans un instant, d'accord? Ça marche. Bon, bouge pas, t'as envie d'écouter un son ou en particulier ce soir? Ah moi j'avoue que maintenant vous l'avez passé tout à l'heure, mais je sais pas si vous aimez. Je sais pas si vous l'avez YouTube de. I can't believe the news today de YouTube. Oui, alors bien sûr. Expliquer que en dessous du logo de Fun Radio, il y a marqué quoi, à ton avis? Le son dancefloor. Voilà, YouTube. Mais alors, c'est. Moi, j'aime bien Bella dans ce cas-là. C'est du son quoi? Dancefloor. Ah bah non, YouTube non. Ah c'est non, YouTube, je sais pas trop quoi. Mais si vous avez Bella, en tout cas, c'est très bien. YouTube, je sais pas trop quoi. Bon, écoute, je vais déjà voir avec Miko de quoi il me parle, de quoi tu me parles. Et si jamais il arrive à me trouver le nom, je te le mettrai tout à l'heure, d'accord? Ça marche. Bon bah bouge pas de là David. En attendant quoi qu'il arrive, il y a prévu Coldplay Sky Full of Stars, produit par Avicii qu'on vous passera dans un instant. Donc vous restez là. Je vous ai calé aussi le nouveau Gilo avec Body, avec Pitbull évidemment. Il y aura aussi Katy Perry avec This Is How We Do. Et puis Kiesa, Hideaway. Et si vous avez envie d'écouter un son, bah n'hésitez pas, hein, vous envoyez simplement votre message. Vous envoyez Mickaël et votre message au 64-900 pour qu'on puisse lire toutes vos réactions. Hein. Y a pas de problème, la Fréterie Alba qui nous salue. Salut à toi, la Fréterie Alba. Jojo qui dit ah oui, la fameuse photo, je l'ai vue ce week-end, je t'ai plié. Et Nicolas qui dit je peux avoir un message de bienvenue. Bah je l'ai mis tout à l'heure. Let's be freaks aussi, ne plus entendre la voix de mon tof, ça va être dur. Quelle horreur. Oh ma chérie. Mais quelle horreur. Mais comment peux-tu? C'est un truc de dingue. Mais si tu veux, on t'appelle pendant l'émission, je te laisserai un message, tu pourras écouter toutes les vacances. Génial. Bon, et puis la bonne nouvelle également ce soir, vous le savez, Chérie, je peux te faire cocu qui va débarquer d'ici une très grosse demi-heure. On aura également le canular et puis tous les appels malveillants qu'on va faire avec Toff, hein, les meilleurs de la semaine qu'on va vous balancer avant minuit sur Fun Radio. Donc vous bougez pas de là. Et puis autre bonne nouvelle également, nous devrions avoir aussi tous les habitués de l'émission ce soir. Ah. On essaye de joindre tout le monde, Jean-Pierre Sauzère, Jean-François si on arrive d'une manière ou d'une autre à l'avoir. On devrait également avoir notre ami Anthony, bien entendu, le fan et le spécialiste du foot qu'on va avoir pour lui demander son avis sur le match Allemagne-Argentine. Et surtout aussi pour qu'il nous donne son avis sur le match qui a eu lieu hier, la petite finale entre le Brésil et les Pays-Bas, où le Brésil a donc pris 10 buts en 2 matchs en n'en mettant qu'un seul. Il y a, ça beau. Il y a un libraire, enfin un mec qui est un éditeur de bouquins, pas un libraire, qui a fait faillite à cause de la défaite du Brésil. Et il avait dit je fais 10% de réduction par but encaissé par le Brésil. Du coup, rupture de stock et faillite. Eh bah tu m'étonnes. Bon bah 20h09 en tout cas, et puis demain c'est le 14 juillet. La fête nationale, bien sûr, en Belgique sera le 21, mais là en l'occurrence la France est avant. Donc le défilé sur les Champs-Elysées, les balles de pompiers, etc. Donc venez nous dire ce que vous faites pour la fête nationale, est-ce que vous avez prévu un truc demain, vous faire chier, regarder ce magnifique défilé. Ou alors Putain, ça commence super tôt en plus. Ouais, ça commence super tôt. Ouais. Oh donc bah dites-nous 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique. Vous restez là juste après la pub. Dans une petite minute, je vous poserai la question pour savoir pour que vous puissiez répondre et savoir justement si vous allez ou non repartir avec la Total Foot, le maillot de foot, le haut et le bas, le ballon de foot officiel FIFA et les chaussures officielles Adidas, Nike ou Puma, vous choisirez. Ça vaut 450 euros au total et je vous offre ça juste après ça sur Fun Radio. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. 01 42 48 5000. Mickaël, nos limites. De 20h à minuit sur Fun Radio. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Le premier de nos deux qui rira aura une tape. Aïe! Tu te barres tellement avec Mickaël No Limit que tu pourras jamais gagner. Aïe! Mickaël No Limit. De 20h à minuit sur Fun Radio. On est en direct sur Fun, 20h11. Allez, c'est parti maintenant. La question pour repartir avec la Total Foot. La Total Foot, donc, c'est comme je le disais, le maillot, le short et le maillot, donc le short et le t-shirt, quoi, de l'équipe de votre choix. Il y a également le ballon officiel et les chaussures avec crampons, bien sûr. Hein, chaussures de foot qui valent au total 450 euros le pack. Je vous l'offre maintenant pour la dernière de la saison. Il faut simplement répondre à cette question. Vous envoyez je, J-E-U et la réponse au 64 900. Quel est le nom du capitaine de l'équipe de France actuellement, évidemment. Donc quel est le nom du capitaine de l'équipe de France? Si vous avez la réponse, vous repartez avec la Total Foot de 450 euros. Vous envoyez je, J-E-U et la réponse au 64 900 ou alors au 63 22 si vous êtes en Belgique. Je vous souhaite évidemment bonne chance. Et puis à la 22h12, là, c'est parti. On écoute le son de Coldplay sur Fun Radio. A Sky Full of Stars. On récupérera David aussi qu'on a eu jeudi en fin d'émission avec sa meuf qu'il a affiché. Il est avec sa meuf. On en saura donc plus. Ça, c'est le côté bonne nouvelle. Allez, c'est Mickaël No Limit, la dernière de la saison. On est en direct jusqu'à minuit sur Fun Radio, c'est Coldplay maintenant. Cause you're a sky, cause you're a sky full of stars. Le son de Coldplay à l'instant sur Fun, 20h15, c'était A Sky Full of Stars. Bon, allez, bienvenue si vous arrivez. Il y a Tristan qui a envoyé son message qui dit où est-ce qu'il est. Vous allez trop me manquer, mais vous aussi, vous allez nous manquer, mais on sera connectés encore. Vous inquiétez pas, hein, sur Twitter, Facebook, Instagram, on postera. Et puis voilà, on se retrouve tous ensemble au mois d'août à la cool. Voilà, vers mi-août. Let's Be Freak, il y a un message de mon taf sur mon répondeur. Je veux. Ah oui. Bon, bah, Let's Be Freak, laisse ton numéro de téléphone et ton code secret de ton répondeur. On te laissera un message personnalisé. Comme ça, tous ceux qui vont t'appeler vont pouvoir entendre cette horrible voix de tof sur ta boîte vocale. Donc Let's Be Freaks, envoie ça sur mon mail. Voilà, ce sera plus simple. mikael@funradio.fr. Tu m'envoies ton numéro de téléphone et ton code secret pour qu'on puisse changer ton message répondeur. Voilà, on compte sur toi. Il y a Agathe aussi qui dit je vous écoute et je peux vous dire que sur Versailles il pleut comme vache qui pisse. Très bonne journée sous la pluie. Je vais faire des crêpes, c'est Agathe. Oui, bah bon hiver à vous, hein. Ah oui. Bah bon hiver à vous. Ouais. Laura aussi, bonsoir, je suis en retard. Bravo Laura. Hein, coup de pelle, tout ce que tu mérites. Et Ryan aussi, pas loin de la rue Bayard, il y a plein de gros camions militaires depuis une semaine. Les touristes doivent flipper. Ouais, bah tu m'étonnes. Là ils ont tout fermé encore hein, sur les champs là. Le Doumou aussi, il manque le dance floor à la cérémonie de la fête nationale. Ouais bon, ça c'est pas pour demain, hein, le son dance floor à la fête nationale, mec, je peux te dire que. Tu vas un petit peu attendre encore, on sait jamais, mais tu risques d'encore un petit peu attendre, pardon. Bon, David, de retour, t'es là, David? Oui, vous disiez là le son dance floor à l'armée, si, ça existe, hein, moi je confirme. C'est quoi, c'est trompette, son dance floor à l'armée? Ah non, nous on a le droit de se réveiller avec n'importe quel son, donc résultat... Mais non. Ah ouais, ça c'est du son dance floor, ça, hein. Putain, non, bah, c'est vrai que ça te fait bouger, hein. Je vous dis, je me couche en vous écoutant, donc résultat, bah, on se réveille en vous écoutant aussi. Ouais, mais bon, est-ce que tu penses que demain, il y a moyen de faire le défilé du 14 juillet avec le son d'Enflore à la place de... Ouais, bon, bah, avec David Guetta sur un char. Avec David Guetta sur... Non, avec Toff, le presque DJ sur un char. Alors là, c'est vrai que ça a commencé à devenir tendu. Bah oui, voilà, c'est ça. On va en parler à l'Assemblée nationale, pourquoi pas. Écoute, j'en toucherai un mot. Bon, alors, réexplique peut-être pour ceux qui n'étaient pas là jeudi. Attends, David, faut vraiment que tu coupes ta radio, enlève le haut-parleur, le kit ma libre et tout, parce que là, il y a un écho dégueulasse. Ok, attends, bouge pas. Voilà. Comment ça marche? Voilà, top. On enlève, on fait tout, parce qu'à chaque fois, il y a de l'écho. Tu m'entends là? Ah ouais, là ça va mieux là, ouais là ça va en direct, t'as acheté des meubles en 30 secondes là. Ah bah là c'est nickel là. Bon, alors explique-nous un petit peu ce qui s'était passé. Donc jeudi tu nous avais appelé avec ta meuf qui t'avait affiché, tu devais la voir ce week-end, là maintenant elle est là, donc explique-nous tout. Attends, parce que moi je te trouve pas là. Vas-y. Oui, c'est mieux là. Ouais, c'est parfait, on t'écoute. Ouais, Bah alors en fait donc la meuf elle m'a en fait je t'explique, on était couchés dans le canapé avec il y avait deux de mes potes, ouais, et puis il y avait ma copine avec moi, donc on était à quatre dans le canapé, enfin bon bref voilà, et puis on a commencé à causer et tout, et là elle m'a sorti devant tout le monde, bah de toute façon j'en ai rien à foutre ou quelque chose comme ça, t'as une petite bite, voilà c'est ça. Et aussi après, ce qu'elle a fait, c'est que elle l'a montré à tout le monde. Elle m'a dit comment ? Non, je dis elle l'a montré à tout le monde. Mais non, mais c'est pas ça. Elle m'a appelé par prénom de son ex. Ah oui. Ah, et en plus, ouais, c'est ça. Donc petite bite et prénom de l'ex. Note, ça veut dire qu'elle pensait à l'ex quand elle a parlé de ton petit sexe. Ben, je sais pas. Ouais, sûrement. Ouais. Bah passe la moi, on va lui demander. Ce sera plus simple. Bah attends, elle est là. Vas-y. Comment elle s'appelle ? Marie. Marie. Bah passe-nous Marie. Oui, allô, salut. Allô Marie. Bonjour. Bonsoir Marie, comment ça va ? Ben bien. Visiblement, tu aimes les gros sexes. Combien mesures-tu, Marie ? Combien mesures-tu, Marie ? Ta taille. 1m57. Combien pèses-tu, Marie ? 49 kilos. Quel est ton tour de poitrine, Marie ? Toujours, vas-y, c'est plus ça. 90D. D comme Denise. Quoi? D comme Denise. Ouais. Ah oui, D comme des énormes boobs. Et la taille du dernier pantalon que tu as acheté? Hein? La taille du dernier pantalon que tu as acheté? 36. Ah oui. Oui, bon, effectivement. Bon, moi, alors, Marie. Je voulais juste dire un truc à David. Quand on a une meuf comme ça, on ferme sa gueule. Voilà, peu importe s'il y a une petite remarque déplacée, c'est pas très grave. Bon, Marie. Oui. Bon, rapproche-toi du téléphone et coupez ce kit main libre ou le haut-parleur, par pitié. Ah, mais là, y'a rien, là. Y'a rien, alors, là. Hein. Bah, alors qu'elle se rapproche. Mais comment vous êtes à deux au téléphone, alors? C'est parce que le volume est à fond. Bon, rapprochez-vous du téléphone quoi qu'il en soit. En tout cas, Marie. Bon, qu'est-ce qui s'est passé, Marie, là? Qu'est-ce que t'as foutu? Alors, pourquoi t'as parlé de ton ex? Ben, je sais pas, sorti comme ça, tout seul. Mais ça fait longtemps que t'es plus avec ton ex? Quoi? Ça fait longtemps que t'es plus avec ton ex? Oui, mais ça fait 4-5 jours que j'ai plus couché avec lui. Ça fait 3 semaines, là. Ah, oui, oh, d'accord, c'est tout récent. Oui, oui, donc... Non, mais, attends, faut que j'explique un peu. Vas-y, explique. Mais le truc, c'est qu'on est déjà sortis ensemble avec Marie. Ouais, et alors? Et ça s'est terminé, et elle est sortie avec son Pollux de merde, là. Parce qu'il avait une Pollux. Ah oui, il s'appelle Pollux, j'avais oublié. Ah ouais, j'avoue. Mais Marie, comment on peut sortir, excusez-moi, avec un mec qui s'appelle Pollux? Ben, je sais pas, j'aime bien les chiens, en fait. Du coup, je me suis dit, oh la salope. J'aime bien les chiens. alors qu'un mec aurait dit, ouais, parce que moi, j'aime bien les chiennes et tout, là, ça aurait été le scandale, ouais, t'es un salaud, vous êtes des connards. Bon, bon, en grosso modo, ça va, mais est-ce que tu pensais, quand il a dit, ouais, de toute façon, t'as une trop petite bite, tu pensais à ton ex ou tu pensais à lui? Je pensais à mon ex. Ça, c'est bien beau rattrapage. Ça, bravo pour le rattrapage. Hein. Bon, bah du coup, l'affaire est pliée, David, c'est pas très grave. Oui. Bon, ça vous est déjà arrivé, vous, cela dit, de donner le nom de votre ex, Toff, là? Non, moi je donne jamais de nom, comme ça je suis sûr de pas me tromper. Ouais, dans son téléphone d'ailleurs, il n'y a jamais de numéro. Il n'y a jamais de nom, que des numéros. Mais ça, c'est récent, ça, c'est ouais. Un ou deux ans. Avant, ouais. Il avait toute la liste et tout, maintenant il n'y a plus rien, ouais. Tu vois des numéros qui s'affichent et tout. Ouais, c'est ça, téléphone sonne, c'est que des numéros. C'est parfait, ouais. C'est parfait, comme ça, pas de problème. Pas d'embrouille. Et c'est Apollo, il nomme Toff, c'est juste P. Voilà. Ouais. Voilà. Puis après, c'est P. Enfin, que la première lettre avec un point. Et c'est voilà. Ça, ouais. Je mets toujours les propres. Comme ça, je sais pas pourquoi. D'accord. Donc j'ai pas envie qu'on s'imagine que je fréquente ce mec-là. Ouais. Je comprends. C'est clair. Et non, mais dites-nous si ça vous est déjà arrivé de vous tromper de nom avec votre copain ou votre copine en prononçant le nom d'un ex ou d'une ex ou même de quelqu'un à qui vous pensiez. Hein, ça peut. Je sais pas. Imaginons que vous êtes en train de baiser avec Toff, les filles. Je sais que c'est difficile à imaginer, mais faites un effort. Vous êtes en train de baiser avec lui et puis tout d'un coup vous pensez à George Clooney et il a fait ah oh, George. Bon, c'est pas un ex, mais vous avez quand même dit Georges. C'est vrai. Voilà, donc est-ce que ça vous est déjà arrivé ou pas? Marie, hormis Pollux, ça t'est déjà arrivé d'autres fois ou pas? Non, jamais, franchement jamais. Ah bah voilà, tu vois, elle a fait sa première fois avec toi, David, c'est quand même pas mal. Ouais, c'est déjà pas mal. Voyons le côté positif. Bon, voilà. Miguel. Ouais. J'ai épluché les patates. Comment? Ah, t'as épluché les patates? Ah bah oui, je t'avais dit d'éplucher les patates. Bah t'as bien fait, tu vois. Ça y est, c'est fait. Eh bah très bien, ouais. Bravo, eh bah garde à vous. Oui, garde à vous. Oui, et voilà. Bon, tu fais le 14 juillet demain ou pas? Comment ? Tu fais le 14 juillet demain en tant que bon militaire ? Non, j'ai la chance, je suis en perme, donc je défile pas moi. Oh, d'accord. Bon, bah, très bien, ouais, bah, ça va. Bon, bah, tu vas pouvoir fêter le 14 juillet avec Marie toute la journée au lit ? Voilà, c'est ça. Il va faire le lever des couleurs. Exactement. Voilà, ouais. Il va monter son drapeau. Tout à fait. Bah, bonne levée des couleurs alors. Bon, bah, salut à vous deux en tout cas. Michel, ouais. Je te donner un coup de pelle. Alors, elle se reconnaîtra si elle écoute. Un coup de pelle et un trou de balle à Théodora, s'il te plaît. À Théodora, Théodora. Bah oui, oui, oui. Oui, pour Théodora. Voilà. Trou de balle. Trou de balle. Trou de balle. Voilà, je mets une deuxième fois. Voilà, comme ça il a eu 4 au total, voilà, donc la bonne nouvelle. Bon, et bah, très bien. Et ben bah, voilà, c'est impeccable. Et ben bah, salut, bonne soirée à vous en tout cas. Merci beaucoup Mickaël. Salut, salut David, salut Marie, salut. À bientôt, ciao. Il y a Maëva qui est avec nous également de Toulon là. Salut Maëva. Coucou. Salut, comment ça va Maëva? Ça va très bien vous? Bah ça va très bien. Comment ça va le temps là à Toulon là? Il fait beau, il fait dégueulasse, comment ça se passe? Là je suis pas à Toulon, je suis en vacances chez ma grand-mère. Et t'es où? À Castres. Et il fait beau ou il fait dégueulasse? Il fait dégueulasse, il pleut. Hein. Ah putain, bah ouais, il y a Gaël qui dit « Salut Mickaël, on a eu un gros orage sur Angers, les metteurs FM ne marchent plus, donc on ne peut pas écouter ta dernière avant les vacances en FM. » Oh merde, bah attends, mais on va prévenir justement quelqu'un de la technique qui est devant derrière la fenêtre là. Donc à Angers, ça ne marche plus. Bah merci Gaël pour l'info. Bah en attendant, il y a toujours le site de Fun, hein, si vous voulez écouter l'émission en live. Ou même l'application, si vous avez un iPhone ou un iPad, vous pouvez télécharger l'application, c'est gratuit. L'application est Mickaël, nos limites, n'hésitez pas. Et Laura qui dit « Mickaël, tu peux mettre chandelier Saya, s'il te plaît, avec plaisir. » Voilà, je vais le mettre dans pas longtemps. Et si vous voulez écouter un son en particulier, bah vous demandez. Hein. T'as envie d'écouter un son, toi, Maëva, ou pas ce soir? Oui. Tu veux quoi? Le son de Damien. Ah. Oui, qu'on essaiera d'avoir au téléphone le canulariste. Ouais. Mais t'es sérieuse avec cette horreur là? Oui, non, mais c'est pour montrer de sa gueule. Là. Ah, d'accord, ok, attends. C'est le Club Med. Voilà, donc c'est ça, Damien. C'est Damien, le canulariste. Club Med. Club Med. Et puis il y avait également ce célèbre. So good. The bread is fresh. Do you want some bread? The bread is fresh. Voilà. Voilà, bon voilà, donc tu vas écouter un de ces deux sons là, Maëva, je vais voir ce que je peux faire pour toi. Bon, Maëva, alors toi t'as prévu un truc 14 juillet ou pas? Eh bien, le matin. Ça dépend si je me réveille ou pas. Sinon, ouais. Si je me réveille pas, ça m'étonnerait quand même que je me réveille. Non, je vais aller voir le défilé. Hein. Si je me réveille ou pas, on verra bien. Ça m'étonnerait que je me réveille. Si, il y a maman Wallo, tu vas te lever. Je me lève vers 2h. De quoi? D'habitude, je me lève vers 2h de l'après-midi. 2h? 2h? Mais qu'est-ce que tu fous? T'es sérieuse, Maëva? Eh bien oui, parce que je texte avec mes potes et donc on texte toute la nuit et tout. Ah d'accord, ok. Bon, bah, écoute, pourquoi pas. Hein. Ah oui, si tu te lèves à 2h, évidemment, le défilé, c'est mort. Hein. Ouais, tu l'auras bien raté. Là, ils auront déjà tout replié, rangé, ils seront déjà rentrés à la maison. Ah ouais, ça c'est clair. Hein. Ce serait dommage de rater un si beau défilé. Ouais. Ah bah oui, t'as déjà regardé les autres années ou pas? Ouais. Ah d'accord, ok, bon, bah, très bien. Sauf l'année dernière. Sauf l'année dernière, bah voilà, donc t'es une fidèle du 14 juillet. Polo adore ce programme. Hein. Ah bah c'est tous vrai. Tous les 14 juillet, tac, il est sur France 2. Mais parfois en live. Et parfois il y va quand il en a la possibilité. D'ailleurs, d'après l'émission, là ça tombe bien après l'émission, maintenant la radio est à côté des champs, il va déjà prendre sa place, comme ça il sera mieux installé. Ah bah il a sa petite tente. Hein. Et demain, vous le verrez sur France 2, il sera là. J'aime bien quand les légionnaires. Quand c'est le passage des légionnaires, voilà, avec leur barbe et leur tablier. Il sera à côté de François Hollande, si vous le voyez à la télé. Polo sera là, il vous fera un petit signe. Un petit signe de la main. Exactement. Ouais. Ça, bon, bah merci Maëva d'avoir appelé, tu reviens quand tu veux. Hein. Nickel. Oui. Mais vous pouvez pas partir en vacances, c'est pas possible. Hein. Bah oui, mais bon, écoute, qu'est-ce que tu veux là? On nous force à partir en vacances, alors nous on part en vacances. Hein. Nous on revient. Mais vous allez prendre ma carte. Mais c'est gentil. Mais oui, mais t'inquiète pas, on sera comme je te disais, connecté, Facebook, Twitter, photos, tout ça. On sera là indirectement, mais on sera là et puis on sera de retour aussi après avec les horaires normaux, tout ça, ça va être la folie. Et avec les amis de Toff. Trou de balle. Qui seront là. Trou de balle. Je nique ta mère, mon gros bâtard que tu es, hein. Voilà, hein. Mmh. Bon, bah en tout cas, c'est gentil, Maëva, je te fais des gros bisous. Ok, je peux faire des dédicaces. Vas-y, une seule, bien entendu, hein, une seule personne, c'est la même règle pour tout le monde. Vas-y, Maëva. À ceux à qui je parle sur Twitter. À ceux à qui je parle sur Twitter, bah, très bien. On les embrasse tous d'ailleurs, tous ceux qui sont sur beaucoup. Le. Bah oui, je sais, ouais, tous ceux qui sont sur le Twitter avec le hashtag et Mickaël, 20h sur Fun, continue à balancer le message. Avec plaisir. Oui, Maëva. Je peux faire un follow contre le reste du monde. Oh bah on a le temps, hein, c'est dans 3 heures. Mais oui, pas de problème, oui, mais à tout à l'heure, Maëva. Je te fais des bisous. Salut Maëva. Ciao. Bon, on va revenir dans un instant sur Fun Radio avec une autre Maëva, puis avec vous toutes et vous tous en direct avec les appels malveillants là qui vont débarquer pour la première fois ce soir. Et puis je vous rappelle la question pour repartir avec la Total Foot, c'est-à-dire le maillot et le short, donc le t-shirt, enfin la complète quoi, hein, tout simplement. Maillot et t-shirt de l'équipe de foot de votre choix, le ballon officiel FIFA et les crampons qui vont avec. Ça vaut 450€ la totale et je vous l'offre avec Fun Radio et Pro Direct Soccer. Si vous répondez correctement à la question, quel est l'actuel capitaine de l'équipe de France? Si vous avez la bonne réponse, de foot bien sûr, vous envoyez JEU espace la réponse au 64 900 ou alors au 63 22 depuis la Belgique. On tire au sort dans 22h en fait, tout simplement. On saura lequel d'entre vous repartira avec tout ça. Et il y a déjà les auditeurs qui ont reçu les premiers maillots, hein, ça y est. Oh, c'est bon ça. Ça y est, c'est fait. Hein. Ceux de la première et de la deuxième semaine, normalement, ont déjà récupéré leur maillot. Et puis les autres auront ça courant de la semaine prochaine, enfin d'ici 10 jours normalement. Maillot donc à gagner. Quel est l'actuel capitaine de l'équipe de France? Vous envoyez jeu et la réponse au 64 900. Je vous souhaite bonne chance. Il y a le Dumo qui dit: Polo, t'es un génial. Pourquoi tu fais pas partie du défilé? Bah, il devrait. C'est vrai, c'est l'armée des Doux. Mais l'armée, exactement, en tant que représentant de l'armée des Doux, c'est vrai. Ouais. Allez, Gilo, on écoute ça avec Pitbull. C'est Bully sur Fun Radio. Now, baby, you go up. Et le son de Gilo à l'instant sur Fun Radio, c'était Bully. 20h minuit. Fuck. Mickaël No Limit. I don't fucking care. Sur Fun Radio. Fun Radio. Bon, il est 20h32 sur Fun Radio. Benjamin qui dit: moi demain je fête mon anniversaire. Bah bon anniversaire à toi Benji, hein. 14 juillet en plus, c'est pas mal. Drakit, pour la dernière de la saison, tu peux nous faire un mix s'il te plaît? Ouais, ok, d'accord, je vais gérer ça. La douce Fada qui dit: putain les gars, vous pouvez pas partir en vacances, pas de ça entre nous, vous allez me manquer. Mais oui, mais toi aussi la douce Fada, vous allez tous nous manquer d'ailleurs. Mais on sera de retour au mois d'août, vous inquiétez pas. Alexandre aussi, résultat de la finale, 3 pour Mickaël No Limit, 0 pour les autres radios. J'avoue, je suis un petit faillot, effectivement Alexandre, mais c'est gentil quand même. D'ailleurs ouais, finale ce soir, hein, finale de la Coupe du Monde entre l'Allemagne et l'Argentine. On verra lequel deviendra ce soir le champion du monde, hein, quel sera le nouveau pays champion du monde ce soir. Si vous avez d'ailleurs des pronostics, n'hésitez pas, hein, M-I-K-L et votre message au 64 900. Et pour en revenir au foot, puisque je vous ai proposé aussi de gagner votre pack avec la totale maillot de foot, le short et le t-shirt, avec le ballon de foot et avec les crampons, ça vaut 450€. Je vous demandais quel était le nom du capitaine actuel de l'équipe de France. On proposait Evra, joueur de Manchester United. Non, Karim Benzema non plus, Sako non plus, Didier Deschamps non plus. Ça c'est le sélectionneur, Didier Deschamps, c'est pas le capitaine. Ouais. Et Manuel Amoros non plus, c'est pas ça. Bon, si vous avez la bonne réponse, vous envoyez jeu et la réponse au 64 900. Quel est l'actuel capitaine de l'équipe de France de football? Allez-y et puis bonne chance. 20h34 sur Fun. Avant de prendre Maëva, nous allons donc faire les appels malveillants à base de porno transsexuel. Mais oui, parce qu'on s'est rendu compte que 80% des gens qui regardent des films porno trans sont des hétéros. Exactement. Et ça m'a paru tellement ouf. Bah, on en avait parlé lundi justement, tiens. Donc on va appeler les gens là grâce au numéro que vous envoyez sur le mail de Dove, toph@funradio.fr, pour leur poser la question et leur demander si eux aussi ont déjà regardé des films pornographiques transsexuels. Exactement. Eh ben c'est parti. Simple. Allez, on y va, simplement, effectivement, 20h34. Oui, allô? Oui. Oui, bonsoir madame. Voilà, je vous appelle parce que je voulais savoir si vous aviez déjà regardé des films pornographiques transsexuels. Allez vous faire foutre. Mais enfin madame. Allez vous faire voir. Mais oui, mais répondez à ma question, madame. Oui, vas-y. Oui. Oui, bonsoir monsieur, j'étais en communication avec votre femme, elle s'est un peu énervée. Ouais, t'es pas enculé, trop du cul. Ça avait le mérite d'être clair, au moins. Hein. Oui, rapide. Voilà. Bon, attends, on va le rappeler quand même, hein, des fois qu'il a mal compris la question, sait-on jamais. Oui, je m'excuse monsieur, mais on a été coupé. Bon, non, on n'a pas été coupé monsieur, vous nous cassez les couilles. Alors vous oubliez le numéro, s'il vous plaît. Hein, sinon, si vous voulez venir discuter. Je vous attends à la maison, je vous donne l'adresse, je vous attends à la maison, on vient discuter, vous venez discuter avec moi face à face. Mais non hein? Monsieur, je veux juste vous répondre à ma question. Mais je ne peux pas vous répondre à votre question de merde. Mais enfin ça se fait pas monsieur. Je m'en fous pas mal, cassez les couilles aux gens. Mais je vous casse pas les couilles monsieur, je vous appelle, je vous pose une question. Je me casse les couilles. Mais c'est pas vrai, c'est vous qui vous énervez pour rien monsieur. Il avait l'air un peu énervé, j'ai peur pour son cœur. Bah oui. Bon, on va quand même le rappeler. Bon. Hein. Bah oui, je confirme. On va quand même le rappeler. Pour le rassurer. Bah, oui, qu'est-ce que tu veux savoir, moi je merde. Bah, je veux juste savoir si vous aimez, enfin si vous avez déjà regardé un film pornographique transsexuel. Que ça peut te faire? Bah, c'est de la police. Non, c'est non, pour savoir monsieur. Je te dis non, puis c'est tout, voilà. Ah bah voilà, ça. Bah il suffisait de répondre monsieur, c'est pas la peine de s'énerver. Non mais il a raccroché de nouveau, hein. On le rappelle encore un coup? Non. Bah si, encore si un coup. Bon allez. Bon, allez, encore une fois. Après on l'arrête, promis. Dis-moi, moi je merde. Oui, c'est pas la peine de s'énerver pour si peu, monsieur. Je m'énerve pas, c'est toi qui nous énerve. Tu nous appelles pour poser des questions à la con. Mais pas du tout. Des questions à la con, mon ami. Tu vois, tu te les poses à ton tour du cul. Tu te mets devant la glace et tu les poses à ton tour du cul. T'as compris? Bah oui, mais c'est pas très gentil. Oui, mais tu as compris. Mais là, tu fais la manœuvre parce que tu es loin. Mais viens me les poser en face, ces questions. Viens. Mais non, mais monsieur, vous êtes énervé, c'est pas très gentil tout ce que vous me dites. Non, hein. Tu crois que c'est gentil de téléphoner et de casser les couilles aux gens? Mais je vous téléphone pas pour vous casser les couilles, je vous pose juste une question. Tu nous emmerdes. Mais non, monsieur. Et d'abord, le jeu, c'est je t'emmerde, monsieur, pas je vous emmerde. Je t'emmerde, je te remets. Et si j'étais devant moi, je t'emmerde pas, je te fracasse la tête, trop du cul. Bah vous êtes vraiment pas gentil, monsieur. Écoutez-moi bien. Oui. Maintenant, tu me fous la paix. Je vais te le demander gentiment, fous-moi la paix, s'il te plaît. Ah bah voilà, monsieur, c'est quand même plus gentil de parler comme ça. Eh bien, c'est très bien. On se souhaite une bonne soirée, alors, monsieur. Alors, bonne nuit. Allez, vous aussi. Ciao, au revoir, ciao. Monsieur. Ciao, ciao. Bah voilà. Bah oui, c'était... Sur la fin, il était très cordial. Il a gagné au « je t'emmerde ». Et il a gagné au « je t'emmerde » et haut la main. Hein. Ouais. Alors là, il t'a mis une patate, mec. Ouais, un truc de fou. Ah bah oui, je confirme. Bon allez, 20h37, on fera d'autres appels tout à l'heure, évidemment. D'autres appels malveillants. Et puis Nico qui dit mon prolo pour ce soir, le match Allemagne-Argentine 3-1 pour l'Allemagne. Ledoux qui dit Allemagne, évidemment. Et Ouzan aussi qui dit branché depuis 20h sur Fun pour la dernière de la saison jusqu'à minuit avec Mickaël. Bah merci beaucoup, Ouzan, d'être là. Merci à tous les autres également d'écouter l'émission. Et un autre aussi qui envoie Alexandra. Ah, ça fait un an que je vous écoute, je m'éclate toujours autant. Continuez le beau travail, les gars. C'est Alex du Grand Nord, Winnipeg au Canada. Non, Winnipeg, ça alors. Si j'avais imaginé que quelqu'un nous écouterait à Winnipeg, entre deux caribous, grave. Eh bah écoute, bah bienvenue. Et puis merci d'écouter Fun, Alex. C'est cool. Hein. Oui, bah c'est vrai que là-bas, il n'y a pas grand-chose comme radio. Si, y a beaucoup de radio de musique, mais je veux dire, il n'y a pas beaucoup de talk parce qu'on ne peut rien dire. Hein. C'est comme aux États-Unis, on ne peut rien dire au Canada. C'est quand même une violence. D'ailleurs, si comment il s'appelle encore le CSA du Canada, j'ai oublié. Enfin bref, le CSA du Canada, la police des ondes du Canada. Alors eux, je pense que s'ils tombent sur l'émission un jour, ils vont dire, mais quand même, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que ces mais connards? Mais ils disent ça comme ça là-bas, qu'est-ce qu'ils sont cons en France? C'est pas possible, ça. C'est vraiment des crétins en on France. On va leur interdire d'aller... Exactement, non, c'est pas. Quand même n'importe quoi. Hein. Bon, allez, on a... Oh oui. Non. Oh mon Dieu. Oui. Oh mon Dieu. Si. Oh mon Dieu. Non. Oh mon God. Bon, ça me fait le gros bâtard. Le retour de Virginie. Virginie qui a fait le tour de l'année puisqu'on l'a rencontré vers le mois d'août, je crois. Hein? Ah ouais, ça, en août dernier. L'août dernier. Ouais, c'est ça, en mois d'août. Hein, donc, quand on a commencé fidèle, l'émission. Fidèle, restera fidèle. On avait commencé la première émission, c'était le 22 juillet. T'es arrivé au mois d'août. Et puis, avec toute une histoire, puisque, bah, enfin bref, Paulo aime bien résumer cette histoire, l'histoire de Virginie. Alors, écoutez bien l'histoire. Hein, voilà. Si je me rappelle bien, Virginie était venue pour vous. Elle voulait faire un plan à trois avec sa copine Amandine. Attends, ça mérite. Je vous coupe. Justement, je suis elle absolument au domicile d'Amandine. Ah bah voilà, ça mérite une petite musique quand même. Hein. Non. Dans le nord de la France, il y avait Virginie dit gros bâtard qui voulait faire un plan à trois avec Amandine. Donc elle nous appelle, elle cherche des mecs, je crois, on lui trouve pas. S'ensuit une embrouille entre Amandine et Virginie. Virginie veut devenir flic, elle n'arrive pas à devenir flic, elle veut se marier, elle n'est plus mariée. Ensuite, elle retrouve son amitié avec Amandine et puis la voilà de retour. Et la voilà de retour. Bon, alors du coup, on en est où alors, Virginie, gros bâtard? Non, s'il vous plaît, épargnez les grossièretés, ça c'est bon. Oui, ben, tu sais bien qu'on n'est pas comme ça là. Ferme ta gueule, gros bâtard. Ça peut vous faire plaisir, d'accord? Bon bah attends, tu sais bien qu'on n'est pas comme ça. Non. Mais attends. Appel. Bah à non, mais pas du tout. Attends. Ferme ta gueule, gros bâtard. Bon alors. Changez de disquette, je sais pas, mais. Ah si, j'en ai un autre. Des disquettes. De disquette, oui, on va changer de disquette, exactement. Combien de pouces, la disquette? Oui, bah un 44, hein, comme toujours. Bon alors, quoi de neuf, Virginie, du Nord, là? Que du bon. Ouais, bah alors quoi j'ai quelqu'un dans ma vie, ouais. Voilà, Bah si. Ce que je n'ai pas apprécié, c'est que vous rigolez des Canadiens. Parce pourquoi que des Canadiens? Tout à fait. Oh putain, entre vos deux accents, là, je pense qu'il y a quand même moyen de faire quelque chose de drôle. Mais vous là. Vous comprenez quand vous parlez, vraiment? Bah oui, pourquoi? Non, comme ça. Alors? Ah ouais, non, bah c'est bien, c'est bien. Pourquoi tu ramènes ta fraise? Pourquoi bon, tu ramènes alors, ta fraise? Attends, il est du Canada ou il habite en France? Non, il réside en France, mais il est né au Canada, ouais. Toute sa famille là-bas. Il est né dans les Caribous. Caribous, c'est bien. Ouais. Et quoi, quand est-ce que tu déménages là-bas? Oh non. Bah attends, tu veux pas déménager au Canada? Oh, surtout pas, non. Bon, c'est oh, clair non. que quand t'habites à Venelle, là. Évidemment, t'as pas envie de changer, quoi. Entre le cul de la France, ouais. Bah voilà, t'as pas envie de changer, oh, d'aller. Ah oh, si. Eh ben, va au Canada. Venez. Non. T'imagines non. le mix entre l'accent du Nord et l'accent canadien. Oh, ça serait bah, bon, ferme ta gueule, hein, gros bâtard. Oh, ça serait horrible. Oh, ce serait drôle. Bon, et du coup, avec ta copine, alors, un plan 3 ou pas, alors, qui est prévu? Non, c'était un coup de mythe, c'était pour déconner, c'était des mensonges, quoi. Ah. On voulait déconner. T'es pas comme ça, toi? Non, pas du tout. Ah, bah d'accord, ok, bah nous voilà rassurés alors. Non, jamais bon, en dessous de 4 avec eux. Bah voilà. Et comment va la police? Fini? Non. Non, mais t'as été viré, la police? Ils l'ont pas accepté, ouais. Bah oui. Voilà, tout à fait. Parce que t'étais trop vieille. S'il vous plaît, du respect, je suis pas vieille. Ouais, enfin, t'étais trop. La date de péremption était passée, quoi. Respect d'enfoiré, ouais. Non, mais c'est vrai ou pas? La date de péremption. Voilà. D'ailleurs, je tiens à passer un message à toute la police, tous ceux qui sont vers Avenel et tout ça. Notre ami Virginie a dit que vous étiez une bande de sales gros bâtards, toute la police du Nord. Ouais. Oh là là, mais qu'est-ce que tu te plais de dire des conneries comme ça? Non, mais c'est vrai. Attends, Polo, est-ce que je mens? Non, c'est la vérité. Voilà, elle a dit. Oh, salut, moi je m'appelle Virginie et toute la police du Nord, c'est des gros bâtards. C'est le gros bâtard. Voilà, parce qu'ils ont pas voulu me prendre alors que c'est tous des vieux croutons avec un gros bide, alors que j'aurais pu rentrer dans la police. N'importe quoi, franchement. Attends, mais arrête de nier, Respectez les gens qu'il faut. Et respectez les gens qu'il faut respecter la loi. Alors ouais, ta gueule, gros bâtard. Bah oui, évidemment, on respecte, nous, on est toujours, on est premiers sur la police. C'est ouais. Sans commentaire. Eh bien, viva Policia. Ouais, bien sûr. Voilà. Bon, Virginie. Oui. Bon, bah on te rappelle l'année prochaine alors. Oh, malheureusement, vous allez être en vacances. Oh là, on va s'ennuyer. Ah bah oui, je sais. Bah ouais, mais bon. Attendez, y a quelqu'un qui va. Pas de gros bâtard pendant un mois. Qui ça? Non, il y a. Tu peux venir, s'il te plaît, Chouquette. Chouquette, oh mon dieu. Bah c'est Amandine. Ah bah passe-nous Amandine. Ah bah mais je t'appelle, le rapport Amandine, allez tout de suite. Allez hop là. Trou de balle. Dans mon bureau. Trou de balle. Bon, Amandine. Oh là là. Vous voulez son numéro de téléphone? Non. Ah oui. Oui, on veut son numéro de téléphone. Non, mais donne pas l'antenne, Virginie, là. Oh là là, je te jure. Bon, ouais, mais passe le numéro de téléphone. Nickel. Oh, oui. Il n'y a pas de souci. Il y a moyen d'avoir de gratter quelque chose à l'album ou... Bah, tu peux gratter le dos de teuf, si tu veux. Non, s'il te plaît, Mais gratte le dos te plaît. Gratte le dos de teuf. Qu'est-ce qu'elle a dit? Oui, bah, elle a qu'à venir le dire au lieu de parler de loin, là. Il passe demain, tu peux pas filer la parfait, je passerai demain, oui, pas de problème. Bon, Virginie, tu restes au standard, on va te filer le pack fun, d'accord? Ah, cool. Bon, allez, salut Virginie, gros bâtard. Salut, mon... Oh là, elle est complètement bourrée à 20h44, c'est très dur. Quelle catastrophe, elle est complètement morte, torchée, et c'est dramatique à cette heure. Elle est trop bien, là. Ah bah. Ferme ta gueule, gros bâtard. Ah bah bravo. Bon allez, Virginie et Amandine, la bonne soirée, bonne vacances hein. Merci à vous. Salut, il y aura ça dans un instant sur Fun Radio, vous restez bien là. Et il y aura le chéri, je peux te faire cocu. Attention, très lourd le chéri, je peux te faire cocu avec Mimi et Alex. Vous restez sur Fun Radio. Ah bah vous restez sur Fun Radio, on va revenir en direct juste après ça sur Fun. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. 01 42 48 5000. Oh, Mickaël, nos limites. De 20h à minuit sur Fun Radio. Si Mickaël et son équipe avaient vécu dans un autre siècle, ils auraient été exécutés. Car ils sont trop dangereux. Mickaël nos limites. En 2014, ils sont en liberté. Mickaël. De 20h à minuit sur Fun Radio. Bon, il est 20h52 sur Fun Radio. On est toujours en direct. Il y a de best fan of Mickaël qui dit 1-0 pour l'Argentine. Oh bah non, j'espère que pas. Hein. Jordan qui dit, je peux avoir un petit message de bienvenue, s'il te plaît. Bien sûr, Jordan. Balle.

ta gueule. Eh, hey, tu peux demander à Picasso quand est-ce qu'il va revenir faire les murs? Écoute-moi. Eh, hey, toi, tu prends la peine de m'appeler pour me dire que t'es chez un hey du cul, un travelot, là. Hey parce que ça a l'air d'être hey un travelot, ton hey pote, Mimi là. Eh, hey, tu peux demander à Picasso quand est-ce qu'il va revenir faire les murs? Allô, Alex? T'es un cadavre! T'es un cadavre, t'es mort! Mais non, Alex. Ah merde, il a raccroché. Oui, il a un peu énervé, effectivement, Mimi. Il a un peu tendu. Ouais. Ouais, il a l'air un peu tendu. Oh, il est énorme, il est énorme. Tu sais que j'ai déjà été insulté. Oh, mais il est bon. On a déjà été plus qu'insulté. Mais là, c'est la meilleure. Là, là je pense qu'on tient quand même, on tient quand même la palme. Il t'aime, wow. Le mec t'aime apparemment. Ah ouais. Attends, on le rappelle. À sa manière, mais. Bon, je le rappelle. Attends, bouge pas, Mimi. Bouge pas. Je vais arranger les problèmes. Je vais aller chercher 2-3 toxicos. On m'appelle l'arrangeur de problèmes. Ouais. Allô Alex. Aïe. Non, en fait on a été coupé, je sais pas ce qui s'est passé. C'est parce qu'on a le truc là, la B-Box, c'est la nouvelle édition, elle marche pas encore très bien. Bon bref, c'est pas grave. Dis-moi Alex. Ouais. Bon, je voulais t'annoncer une bonne nouvelle. Mais avant ça, j'aimerais que tu t'excuses parce que tu m'as quand même bien insulté. Moi, hein. Je vais m'excuser, moi, espèce de fils de pute, moi, je vais m'excuser. Mais tu vas t'excuser ce soir de toutes les langues, tu vas t'excuser. Mais non, tu mais, quoi mais non, mais tu t'excuses. Toutes les langues de tous les pays du monde. Mais non, mais excuse-toi et je dis rien. Excuse-toi et je fais rien. Mich-mich, la pute, là. Non, c'est Michel. Ouais, Mich-mich, Michel, nique ta race, sale bâtard. Mais non, mais tu dis pas ce que tu penses, là. Tu ne penses pas ce que tu dis. Je vais te piétiner, mais non. Mais oui, mais je rigole. Non, bon, écoute. Tu rigoles, oui, t'es fort derrière un téléphone. Mais non. T'es fort, oui, t'es mais fort. Non, mais attends, mais laisse-moi parler, Alex. Comme un enfant, toi. Alex. T'as pas l'air de comprendre que c'est toi qui vas t'excuser de tous les noms. De toutes les façons possibles. Non, mais tu vas t'excuser. Non, dis juste, hop, pardon. Moi, je vais m'excuser, moi, trou du cul, hein. Mais t'es pas à la masse, toi, je crois. Non, allez, dis. Il faut arrêter de se droguer, hein. Bon, alors, d'accord, ne t'excuse pas. Ne t'excuse pas, mais dis au moins, je m'excuse pour ta mère, parce qu'elle a rien demandé, la pauvre. Moi, je m'excuse pour ta mère. Attends, voilà. On va dire que c'est bon, on va dire que c'est bon. Bon, t'es en direct sur Fun Radio, Alex. Je suis en direct à Fun Radio. C'est le chéri, je peux te faire cocu. C'est un jeu, Alex, du calme. De quel Fun Radio? J'écoute pas Fun Radio, moi. Oui, bah justement, ça tombe bien, comme ça tu nous as pas grillé. Tu me prends pour un con? Tu me fais passer pour un trou du cul à la radio? Mais non, Alex, redescends, c'est pas grave, il s'est rien passé. Oh là là. Bon, annoncez-lui un beau cadeau, là, quand mais même. Mais oui, on va comme te filer la tablette Asus, la MemoPad 10, du coup, qui vaut 200€. Je vous fais les gros bisous tous les deux. Merci. Okay. Oh. Myriam, tu te fous vraiment de ma gueule. Je te jure, c'est quoi tes conneries là? Oui, bon, bah ils vont s'arranger. Ça va bien se passer. Bon, il y a Marianne qui dit Mich-mich, fils de pute maintenant. Et bah oui, je te confirme. Et Aurélien aussi, je vais refaire ta façade avec mon sperme. Tu m'as tué là. La douce fada énorme, le chéri, je peux te faire cocu, je l'adore. Tabarnak. Pour Félix, c'est chaud sur Fun. La Mickaël, 20h sur Fun. Nous avons pas des choses comme ça au Canada, malheureusement. Vive les lois. Eh oui, la loi. Tue la radio. Best of Fan Mickaël qui dit Michou le Travelot. Ah oui, c'est la première fois qu'on m'a dit Mich-mich. Qu'est-ce qu'il avait dit encore? Mich-mich. Mich-mich la pute. Ouais. C'est ça. Ouais, t'as demandé si c'était un Lady Boy aussi. Ouais, hein. Ouais. Mich-mich la pute, ouais. Bon, allez, 21h05 sur Fan Radio. Je vous repose la question dans un instant pour gagner votre maillot de foot et votre pack complet à 450€. Ce sera juste après la pub. Et est-ce que vous vous êtes déjà trompé de destinataire en envoyant un mail ou un SMS? Tiens, c'est la question que je voulais savoir. Parce qu'il y a une Riken qui a envoyé des photos d'elle nue à son père qui l'a pas super bien vécu. Donc venez nous raconter vos erreurs d'envoi et puis surtout comment ça s'est passé après une fois que la personne a répondu à votre message qui n'était pas du tout destiné à lui ou à elle. Appelez-nous maintenant 01 42 48 5000 02 851 4x0 depuis la Belgique. On a eu également tout à l'heure Virginie, hein, une des fidèles de l'émission. On devrait aussi avoir Anthony tout à l'heure, Damien le canulariste. On essaiera d'appeler en direct Jean-Pierre Sauzère qui ne voulait plus passer sur Fun. Il nous boycotte. C'est une star. Voilà, donc on va l'appeler en direct, je lui laisserai un petit message pour la dernière de la saison. Et puis restez sur Fun Radio également puisque je vous cale le son de Saïa dans un instant sur Fun Radio. Ce sera le son de Chandelier. Allez, vous restez sur Fun, c'est toujours 0-0, 6ème minute 40 secondes là pour l'Allemagne face à l'Argentine et on suit le match évidemment pour vous en direct. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. 01 42 48 5000. Mickaël, nos limites. De 20h à minuit sur Fun Radio. Si Mickaël et son équipe avaient vécu dans un autre siècle, ils auraient été exécutés. Car ils sont trop dangereux. Mickaël No Limit. En 2014, ils sont en liberté. Mickaël. De 20h à minuit sur Fun Radio. Toujours en direct sur Fun Radio, il est 21h10. Il y a Megumi qui dit j'ai retenu mal le son pour passer pour une conne. Je demande plus mon son, vous inquiétez pas. C'est dommage Megumi, j'allais justement te la passer ce soir. Non mais sérieux, je me suis dit bon allez pour la fin de l'année, même si on l'a déjà mise et que t'as probablement pas écouté, c'est pas grave, elle voulait Britney Spears, elle met Slay For You. Ah, je me suis justement dit ce week-end, je me dis bah je vais lui mettre le dimanche soir. Bon si tu le veux plus Megumi, bah, tant pis. Hein. Le petit gamer qui dit bonjour, je vous écoute du Québec. Ben bah, c'est un truc de ouf quand même ça. Il y a autant de gens qui nous appellent du Québec là. Et Let's Be Freaks. Il y a tellement rien là-bas. Ouais, on a reçu le numéro Let's Be Freaks hein, oui, qui on a promis un numéro, un message personnalisé sur son répondeur. On va lui laisser dans quelques instants, pas de problème. Et Let's Be Freaks, il n'y a aucune erreur d'envoi, je veille toujours à choisir le destinataire avant d'écrire un SMS ou un mail. Mais le problème en fait, c'est qu'il existe parfois un petit souci, c'est que quand t'es énervé sur une personne et que tu veux en parler à quelqu'un d'autre, par mail ou par SMS, tu penses tellement à la personne sur laquelle t'es énervé que t'écris tout le message à l'autre personne. Alors en imaginant que je suis énervé sur Toff, je vais le dire à Polo, je vais lui écrire ouais c'est espèce d'enculé machin etc et j'envoie à Toff. Et là évidemment c'est le bordel. Bon là, là c'était un exemple drame. Évidemment donc ça peut arriver avec votre copine etc etc, donc là ça peut foutre vraiment la galère. Donc on en parle dans un instant, dites-nous si vous vous êtes déjà trompé de destinataire en envoyant un SMS par exemple. Et puis je vous rappelle qu'il y a toujours le maillot de l'équipe de votre choix à gagner hein. Équipe de France, Argentine, Allemagne qui joue ce soir, Brésil, Portugal, Espagne, bref n'importe quelle équipe qui a participé à la Coupe du Monde cette année. Si vous voulez gagner le maillot de votre choix avec le ballon et avec les chaussures, le tout vaut quand même 450 €. Et bien vous suffit simplement d'envoyer je et la réponse à la question quel est l'actuel capitaine de l'équipe de France de football. Paul Pogba est une mauvaise réponse. On proposait Zidane le capitaine ou Platini. Oui oui. Blaise Matuidi non plus. Didier Deschamps non, ça c'est le sélectionneur. Karim Benzema non. Et Lioros. Et qui est Lioros? Je ne sais pas, je ne le connais pas. Bon bah si vous avez la bonne réponse, bah vous envoyez je, J-E-U la réponse au 64-900 ou alors au 63-22 pour la Belgique. Un petit cadeau de 450 € pour les vacances, c'est quand même cool. Bah oui, ça fait toujours plaisir. Bah plutôt ouais. Donc voilà, bonne chance tout le monde, on donne la réponse avant 22h sur Fun Radio. Et puis on va s'écouter le son de Saya maintenant comme promis. Chandelier, juste après on devrait avoir notre ami Maeva, souvenez-vous c'était flou. Ah non oui. Il y a longtemps là, on va la récupérer ce soir, la plus grande mytho de la Terre. Ah oui. A-t-elle changé ou pas? Nous verrons dans quelques instants. Et puis on appellera aussi le répondeur de Let's Be Freaks là pour lui changer sa messagerie vocale. Vous restez sur Fun Radio, ça y est, c'est maintenant sur Fun Radio, Chandelier. Party girls, don't get hurt, can't feel anything. Et le son de Saya sur Fun Radio, Chandelier. Il y aura les appels malveillants qui arrivent dans un petit quart d'heure sur Fun Radio, donc restez bien à l'écoute. Damien aussi, salut les gars, je vous écoute avec mes potes, tu peux leur mettre un petit message de bienvenue s'il te plaît. Mais évidemment, attends, je vais t'en mettre un petit là. Tu vois, bonhomme en face de toi, ce qu'il va te faire. Il va te niquer, toi et ta mère et ta bande de connards. Voilà, il y a un petit gratos. Trou de balle. Trou de balle. Voilà, et Megumi qui dit ah non, mets-la-moi s'il te plaît, la chanson, je précise, pour éviter les mauvais esprits. Oui, on avait compris, Megumi. Et la friterie Alba qui dit Mickaël, en exclu, je vous écoute en live depuis Charleroi. Bah oui, oui, mais ça, on sait, bah, on est diffuseur FM là-bas aussi, c'est pas comme au Canada, la friterie Alba. Et Stéphanini qui dit ma pire boulette, c'était à cause de Snapchat. Bah raconte, Stéphanini, là, il faut nous donner plus d'infos, là, sinon, nous, on veut savoir. Donc, est-ce que vous avez déjà fait de la merde, en gros, vous écrivez un SMS ou un message à quelqu'un et puis vous l'envoyez à un mauvais destinataire? Qu'est-ce que vous aviez envoyé? Qu'est-ce qui s'est passé? Appelez-nous, on en parle. 01 42 48 5000. Et pour la Belgique, 02 851 4 x 0. Le retour de Maeva, alias Flou. Elle est là, Maeva. Ouais. Comment ça va? Bien, et toi? Bah écoute, ça va. Cette voix de merde. Ça va, ça va. Alors évidemment, explication, retour sur toute l'histoire de Flou racontée par Polo ici présent. Bien Flou, le biographe de cette émission. Hein. Ouais. Flou nous appelle un soir pour nous dire qu'elle a 25 ans, jadis. Il y a très longtemps. Et on se rend compte en fouillant car nous sommes. Elle est partie en Allemagne, habitée en Allemagne avec ses parents et tout. Et donc en fouillant, on s'est rendu compte qu'en fait Flou n'avait pas 25 ans, mais elle devait avoir 12 ans ou 13 ans maximum. Ouais. Et Flou, donc on lui a demandé de nous envoyer une photo pour vérifier sur facture de la gueule de Flou et voir si elle avait effectivement 25 ans. Et elle nous a envoyé effectivement une photo. Tout Flou. Et la photo. D'où le nom. La photo était sur Flou. Était totalement Flou. Et donc depuis ce temps-là, on l'a appelé Flou. On l'a rappelé plusieurs fois. Une fois, elle était malade, elle parlait du nez. Et on n'a pas pu avoir une conversation normale avec elle. Et en fait, on n'a jamais su qui était Flou. Exactement. Donc Flou, voilà. Est-ce que t'es là? Ouais. Bon alors t'as quel âge Flou là maintenant à la fin de l'année, tu peux nous le dire? J'ai 15 ans. Ah, ah. Et ben voilà. Ben voilà, c'est bien de l'avouer. Enfin, enfin. Mais est-ce que t'as déjà 15 ans ou pas encore? Ah si, je l'ai quand même. Ah d'accord, ok. Parce que je sais pas si du coup le, en tant que, on peut devenir doux officiel en dessous de 15 ans. Mais est-ce que c'est 15 ans accompli ou pas? Oui, ah, elle peut, si elle veut être flou. Si elle veut être douce. Elle a déjà un surnom. Ah bah là, pour le coup, le surnom est déjà tout trouvé, effectivement. Ouais. Ouais. Bon, alors flou là, quoi de neuf depuis, depuis le début de la saison? Rien de spécial. Ah bah, toujours en Allemagne? Non. Et pourquoi tu nous avais raconté cette histoire d'Allemagne d'ailleurs? Puisque maintenant, on dit les vérités. On maintenant. Peut tous dire maintenant. Maintenant parce on peut que tous je dire. Voulais passer sur Fun. Mais attends, mais il suffisait d'appeler, tu passais sur Fun. Ouais, mais... Fallait pas raconter n'importe quoi. En plus, on t'a grillé. Alors, en plus, c'est, j'adore aller... Et le coup de la photo, on voit une photo, que t'envoies la photo floue, là, je pense que ça a été le meilleur moment, j'ai ça. J'ai changé depuis, hein. Ah, bah ah, t'as oui. changé ah, bah quoi, physiquement ou t'as changé le contraste un peu. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. T'as pris Instagram, t'as mis des filtres. Hey, envoie-nous une photo floue, mais une vraie là. Ouais, une vraie. On la publie pas, on la garde pour nous. Ouais, qu'on voit enfin à quoi tu ressembles. Bah, quand vous voulez, si vous voulez, vous pouvez la publier. Hein. Merci. Ouais, non, mais après, ça c'est comme tu veux. Mais voilà, à la base, c'est pour nous. Ouais. Je m'en fiche. On dirait ma nièce qui parle, ça n'a rien à foutre. Bah ouais. Bah ouais, mais je m'en branle, qu'est-ce qu'il y a ici, tu me dis, hein. En plus, attends, tu l'as pris pour qui? Ouais, c'est ça, deux claques là, tac, tu vas voir. Rien du tout, ouais. Bon, envoie-moi la photo floue du coup. Et t'habites dans quel coin alors? Du côté de Bordeaux, en Marais. Du côté de Bordeaux. Et quand t'as décidé de dire que t'habitais en Allemagne, enfin que t'allais partir en Allemagne, pourquoi l'Allemagne? Parce que c'est mes origines. Ah, t'es allemande. Ah, donc t'es pour l'Allemagne ce soir, le foot là. Ah, mais largement, de toute façon, ils vont écraser l'Argentine. Bah, pour l'instant, c'est 20 minutes 0-0. Mais. Ah, 20 minutes et. Ils vont gagner. Ouais, ouais, mais enfin là, il y a Higuain qui vient de mettre un tir là, juste à côté. Donc ça aurait pu faire un 0 pour l'Argentine. Mais toujours 0-0. Donc voilà. Bon, pour l'instant, tout va bien. Bon, bah parfait. Bon, flou. Bah, merci d'avoir donné des nouvelles. Hein. Bon, tu restes à l'écoute, j'espère. Mais bien sûr, tout le temps. Ah, parce qu'on n'avait plus de nouvelles, à un moment on s'inquiétait. Très bien, bon, allez. Et pour Flou et pour l'Allemagne, attention, musique d'Allemagne. Choucroute pour fait... tout le monde. Attends, on se tournée met, de bière, on Christophe. Se met la musique d'Allemagne. Ah. Et je rappelle que si l'Allemagne gagne ce soir, ce sera la musique de Polo contre le reste du monde. Ah oh non, et tournée de choucroute. Et tournée de choucroute pour tout le monde. Une choucroute, une saucisse ou pas de Francfort, dis-moi, Flou. Une saucisse. Oui, d'accord. T'aimes la saucisse, Flou. Oui, mais de Francfort, uniquement, bien entendu, évidemment. Bon, allez, Flou, bonne soirée, bonnes vacances. Tu fais quoi pour les vacances? Ben, rien, je vais aller à la plage. Hein. Ah bah, écoute, d'accord, ok, ça va. Puis, elle dure la vie, hein. C'est genre comme si elle allait travailler, tu sais. Ouais, c'est ça, je vais à la plage. Hein, oh, je me fais chier. Ouais. Bon, salut alors. Hey, c'est comme ma nièce. Alors, je vous explique l'histoire. C'est-à-dire que ma nièce râle parce qu'elle part en vacances. Devinez ah, où. Non, mais attendez. Non, mais devinez où. Bon, elle part avec ses darons et son frère, hein, d'accord. Oui, bah, mais, normal. Oui, oui, bah voilà. Mais à votre avis, où elle va et pourquoi râle-t-elle? Elle va au Portugal? Non. En Espagne? Non. En Grèce? En Argentine? Non. En Italie? Non. En Croatie? Non. En Belgique? Non, pas à côté de l'Europe. En France? Non. Ah, Tunisie, Maroc? Non. Corse? Non. Sardaigne? Non. Ah bah cherchez plus loin là, t'as déjà été là. Malte. Ah, en Égypte? En Égypte. Donc elle part en Égypte et pourquoi râle-t-elle? Parce qu'il n'y a pas de wifi. Chaud. Parce qu'elle aura trop chaud. Ah, bon. Ah oui, non, mais elle a donc, raison. Voilà. Elle a raison, moi je serais d'accord avec elle. Non, mais attends, mais ça va, je veux dire, c'est bon, elle part déjà en vacances 10 jours gratos, enfin gratos évidemment, mais je veux dire, piscine, il y a tout plein de trucs, je veux dire, c'est un club et tout, ça va. En plus, à son âge, et elle râle. Et c'est bien en plus d'aller en Égypte, quoi, il y a tout le truc historique, il y a les pyramides ça, et tout. Je peux dire qu'elle s'en bat ouais, les couilles. Ça, par contre, ouais, non, ça, par contre, pour le coup, c'est bien. Mais elle s'en bat les couilles, hein. Alors là, je peux te dire, c'est comme Maëva, tu fais quoi? Pff, bah, je vais à la plage, hein. Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? Bah, ouais, de toute façon, genre. Tu t'emmerdes, Maëva, les journées, là. Bah ouais. Bah ouais, donc bah y'a rien à faire quoi. Donc tu vas à la plage quoi. Et non mais le plus drôle ça sera le 2 septembre quand elle va faire. Fais chier, faut aller à l'école. Ouais, alors que j'étais bien à la plage là. Hein ouais. C'est ça? Ouais. Et c'est tellement vrai. Ouais ouais. Bon, allez, Maëva. Salut Maëva. Salut. Ciao à toi Maëva. Bon, bah voilà, on a eu flou là maintenant. On va quand même essayer d'appeler Jean-Pierre Sauzère. Ah oui, ah, non, ouais, parce qu'il faut que... Attendez. Alors avant d'appeler Jean-Pierre Sauzère, il faut quand même que je vous le présente parce qu'il y a plein de nouveaux auditeurs qui sont pas. Alors Jean-Pierre Sauzère est un auditeur de Fun, grand auditeur, qui passait il y a très longtemps à l'époque où Max animait les soirées de Fun Radio. Et puis, bah là maintenant. Il y a 20 ans, plus de 20 ans. Il y a longtemps, ouais. Et puis, bah, il nous avait rappelé en début de saison. Jean-Pierre Sauzère, c'est celui qui chante ça. Et qui chante vraiment, hein. Enfin, il faudrait que je demande à Damien Canulari ce qu'il en pense. Il fait de la chanson aussi, hein. C'est vrai, c'est vrai. Voilà, écoutez, grand compositeur, Damien. C'était Jean-Pierre Yvon d'Orland. Ah, écoutez, attends, ça va arriver là. Vous savez quoi, je vais mettre le refrain directement. Je suis Jean-Pierre, au pays des merveilles. Le chapelier fou veut me croquer les orteils. Je suis Jean-Pierre, au pays de mes rêves. Le grand lapin blanc veut me croquer ma merveille. Voilà. Bon, je vous laisse quand même un petit peu le... Voilà, donc on sent directement le. On entend directement le, l'état d'esprit de la chanson. Donc on va quand même essayer d'appeler Jean-Pierre Sauzère qui ne souhaite plus passer sur l'antenne de Fun Radio. Je ne sais pas pour quelle raison d'ailleurs. Hein. Il ne nous aime plus. Bah peut-être. On va quand même l'appeler, hein, ne fût-ce que pour lui dire bonjour et voilà, lui dire prendre de ses nouvelles. Bah prendre de ses nouvelles. Voilà, ça fait longtemps plus qu'on l'a plus au téléphone, là, Jean-Pierre. Bon, allez, tu vas voir qu'il n'y a pas décroché. Oh là là. Sûr qu'il écoute là, il se... Oui, décroche pas. Je ne décroche pas, je ne passe pas sur la radio de con. Oui, je n'irai pas sur ces connards là. Allô ? Allô Jean-Pierre ? Oui. C'est Mickaël ? Non, mais tu crois que c'est Mickaël ? Je ne crois pas. Bah enfin, t'es en direct à la radio Jean-Pierre, c'est Mickaël, t'es sur Fun Radio. Mais si Jean-Pierre. T'es sur... Mais moi, papa, moi je passe plus sur Fun Radio, Mickaël. Oh Jean-Pierre Je ne passe plus. Mais pourquoi ? Parce que, c'est tout, mais j'ai parce rien que... à dire. En plus, je viens de mettre ton morceau, une Vondorland. Ouais, ben c'est bien, tu peux passer mon morceau, mais entièrement, sans pub, ça me fera de l'argent qui rentre dans la SACEM. Ouais, non mais d'accord, ok, mais, non, mais c'est bien, mais je le mettrai, c'est pas un problème. Mais pourquoi tu passes plus, je comprends pas, on a toujours fait ta promo, t'es venu la fois passée au El Patio, tout ça, on a fait la soirée ensemble. Non, mais moi j'ai pas été rémunéré par El Patio, moi. Ah bah oui, mais ça, j'y peux rien, moi. Vous avez touché 4000 euros, moi. Quoi ? Non, pas un dollar. 4000 euros ? Je sais pas qui t'a raconté moi, ça, mais... On a touché 4000, c'est vrai, mais roupies, hein. Ouais. Parce que je peux te dire qu'on les a on pas a rien touché, Jean-Pierre, je t'assure. Je te laisse, parce que je suis sur l'antenne, je m'entends, là. Salut. T'es l'antenne de quoi ? Fun Radio. Bah oui, t'es sur l'antenne de Fun Radio. On vient de te le dire. Bah oui, je sais. Bah voilà. Non, mais Jean-Pierre, ça nous a déçu que tu viennes, tu passes plus à l'antenne. Bah oui, mais tant que tu déclareras mes chansons à la SACEM, mais je viens moi tant que tu les passes. Bah oui, mais bon, c'est toi qui dois les déclarer, moi je suis pas... Non, pas... bah écoute, moi j'ai des invités, je regarde le football. Oh là là, qui est à la radio là ? Au revoir. Qui est à la maison ? Oh, il se la ramène ! Attends, comment il se la pète ? Attends, on va le rappeler. Pas de ça entre nous, Jean-Pierre. Ah bah oui, attends, on va pas de ça entre nous. Attends, on le rappelle. Il va venir avec un fusil. Hein. Ouais, c'est pas grave, c'est tough. Il fallait bien quelqu'un le tuer un jour ou l'autre. Hein. Bah oui. Bah oui. Oh, comment il se la ramène, Jean-Pierre. C'est mauvais pour son image, c'est dommage. Là, les gens commencent à devenir fans et tout. On va lui laisser un message. Bah évidemment. Bah oui. J'ai des invités. Genre, il a des invités maintenant. Salut, bonjour, c'est Jean-Pierre Sauzère. Je suis à... Même le répondeur, il y a le... Veuillez me téléphoner sur mon portable au 06. Mais... Vas-y, on l'appelle sur son portable. 80. À bientôt, merci. Une fois toujours avec le sifflement, hein. Toujours. C'est comme ça qu'on le reconnaît. Ouais, Jean-Pierre, dis-moi, écoute, moi je voulais passer le morceau là, mais on a été coupé malheureusement. Il ouais, y a eu un problème de téléphone. Il y a eu un problème de téléphone à cause du sifflement là. Après, c'est dommage, il y a plein d'auditeurs qui m'ont dit qui étaient contents de ta voix en disant oh putain, Jean-Pierre, ça fait plaisir. Et puis là, cette réaction de Starlet là, ça se fait pas, Jean-Pierre. Ouais, là. On aurait pu dire que ces sons étaient disponibles sur iTunes maintenant. Mais voilà, mais là, ah ouais, non, là malheureusement, là c'est pas possible. Là, tu viens de tuer ta carrière, Jean-Pierre. Ça se fait pas. Tu vois, tu prends les médias de haut et tout alors qu'on t'appelle pour passer ta chanson Oh, c'est dommage. Tu te la racontes, Jean-Pierre. C'est pas bien, Jean-Pierre. C'est grave. Je vais devoir appeler Max pour remettre les pendules à l'heure, moi. Hein. Et puis, tu vas te faire engueuler, tu vas te faire enguirlander par Max. Tu vas pleurer. Et puis, qu'est-ce que je te dise, moi. Et puis, tu reviendras en rampant. Et puis, tu vas revenir. Tu vas te retrouver sur tes petites radios. Et puis, voilà. Qu'est-ce que tu veux faire, Jean-Pierre? Alors qu'on voulait lancer ta carrière. Hein. Polo voulait devenir ton producteur. Ouais. Toff, ton manager. Et puis, voilà. Qu'est-ce que tu veux faire? Oh là là. Bon, écoute, Jean-Pierre, tant pis. Hein. Bon, attends, on va te rappeler sur ton portable en même temps, comme ça. Bah reste avec nous hein, sur le répondeur, comme ça tu t'entendras. Comme ça tu entendras si jamais tu décroches à quel point tu es désagréable, Jean-Pierre. Ah, écoute bien, c'est toi là, écoute. Si tu décroches, évidemment. Attends. Ouais. S'il décroche, on peut se marrer, parce que s'il décroche pas d'un côté, mais qu'il laisse son numéro et décroche de l'autre. Ah, sacré Jean-Pierre. Pendant qu'il y a Schweinsteiger qui vient de prendre un carton jaune, ça ne se fait pas. Bon. Bonjour, Jean-Pierre, je m'en porte. Mais appelez-moi sur mon fixe. Votre message après le 8. Vous approchez du temps maximum autorisé pour l'enregistrer. Vous pouvez raccrocher la suite. Vous tapez dièse pour le modifier. Ouais, Jean-Pierre, on a été coupé. On a été coupé avec le premier message. Voilà. Bon, écoute ton message sur ton fixe, comme ça au moins, Jean-Pierre. Bah, rappelle-nous si tu veux avant la fin de l'émission, là, qu'on rigole un peu, là. Bon, allez, Jean-Pierre, tant pis. Sinon, je passe pas ta chanson, donc pas de SACEM, donc pas d'argent, donc voilà. Bon, salut, Jean-Pierre. Eh, Damien. Ouais. Ça va, Damien? Ouais, tranquille, ouais, vous. Bon, qu'est-ce que tu penses de Jean-Pierre Sauzère? T'as écouté sa chanson, là? Toujours dans une cathédrale? Je la vois bien dans un dessin animé de gamin. Oh, Jean-Pierre, Damien, ça se fait pas de critiquer comme ça, là. C'est vrai, c'est désolé, quoi. Bah oui, c'est pas bien, là, le pauvre. C'est assez, franchement. Ouais, ça fait des années, hein. C'est vrai que ta musique est 100 fois meilleure, Damien, hein. Ouais, elle est plus moderne. Ah bah, mieux produite, non? Elle est produite, au moins il y a de l'électro dessus. Ah, il y a de l'électro, parce que je rappelle que pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ça, hein, donc la chanson de Damien. C'est le Club Med. Et but de l'Argentine. Eh merde. Club non, annulé, pardon. Club Med. Ah, et Higuain tire la gueule, hein. Je sais pas ce qu'il a dit en espagnol, mais je crois qu'il a dit. Enfin, un truc mal. Voilà, donc ça c'est la chanson de Damien. Ça aurait été bien de demander l'avis de Jean-Pierre Sauzère sur la chanson, mais enfin bon, il a décidé de faire l'autruche hein, avec sa tête dans, dans le salle. En plus, il a fauché un 4-0 en plus. Et en plus quoi, Damien? Il nous a fauché un 4-0 au répondeur. Quoi? Un 4-0? Au répondeur. Ouais, ouais, d'accord, ouais. Ah oui, ouais, bien sûr. Damien, bon, tu vas faire un petit canular là, tout à l'heure là? Ouais, je vais faire le coup comme Jean-François Cristal et tout. Ah d'accord, ok, bah c'est très bien. Bon alors Damien, reste avec nous hein. Vous bougez pas, il y aura les appels malveillants d'ailleurs de Toff qui arrivent. Félix, il dit message de bienvenue pour moi, un Québécois s'il te plaît. Bah bien sûr. Trop de balles. Voilà. Salut, je peux avoir un message de bienvenue, c'est Camille. Tu devrais faire autre chose au lieu d'emmerder le monde. Voilà, et Mimi 08, bonsoir l'équipe, je suis dans le camping, mais j'ai trouvé un moyen de vous écouter, vous gérer, ne changez rien. Est-ce que je peux avoir un coup de pelle avant que vous partiez? Mais évidemment, Mimi. Tiens, voilà le coup de pelle avec plaisir. Bon, vous restez sur Fun Radio, on se fait le son d'Ariane Grande maintenant avec Break Free. C'est Mickaël No Limit, on est en direct jusqu'à minuit. C'est la dernière de la saison, donc profitez-en et appelez-nous. Et Ariana Grande à l'instant sur Fun Radio, c'était Break Free. 20h minuit. Fuck Mickaël No Limit. I don't fucking care. Sur Fun Radio. Fun Radio. Bon, vous restez bien là puisqu'il y a Kessa qui arrive dans un instant avec Hideaway. Donc si vous voulez écouter un son, hein, ah bah vous demandez « Hey Mickaël, espace votre message », vous envoyez ça au 64 900 par SMS. Ou alors Twitter, ça fonctionne aussi avec le hashtag « Hey Mickaël, 20h sur Fun ». Il y a Megumi qui dit « Un jour mon prince, Mickaël reviendra sans polo, j'espère ». Oh, mais oui, bien, je Megumi, t'aime, Bolgori. Yvan qui dit « Salut Mickaël, ce soir 3-1 pour l'Argentine, vive la Belgique, le Portugal et l'Espagne ». Et Corentin, ouais, le caviar du caviar, le chéri, je peux te faire cocu de tout à l'heure. Ah oui, il était effectivement très très lourd. Bon, avant de faire les appels malveillants, je vous rappelle la question pour repartir avec l'ensemble foot, donc le pack foot qui vaut 450€ quand même hein. Donc pour le gagner c'est très simple, il suffit tout simplement de nous donner la réponse à la question suivante. Quel est donc l'actuel capitaine de l'équipe de France? On proposait Griezmann, non c'est pas ça, Louis Reis. Pas. Patrice Evra non plus, c'est pas la bonne réponse. Si vous avez la bonne réponse, pour vous donner un indice, c'est le gardien. Donc voilà, c'est lui le capitaine de l'équipe de France. Donc mais comment s'appelle-t-il? Vous envoyez je, J-E-U et la réponse au 64 900 ou alors au 63 22 pour la Belgique. Vous repartirez donc avec Fun Radio et Pro Direct Soccer avec le pack complet de du joueur de foot, hein, tout simplement. Le maillot national de l'équipe de votre choix, le ballon officiel bien entendu FIFA et bien sûr les chaussures officielles de ce mondial 2014. À vous de jouer, jeu et la réponse au 64 900, on donne la réponse dans un peu plus de 25 minutes et puis on va également se faire maintenant les appels malveillants. Mais oui. à peine malveillant, mais à base de... polygamie. À base de polygamie. Bah, oui, parce qu'il paraît, selon une étude très poussée de l'OMS, que la polygamie serait bénéfique pour la santé des hommes. C'est vrai. Et donc, comme je suis pour la polygamie, j'ai essayé de trouver des alliés. Bien entendu. Allez, c'est parti, on y va, on appelle le premier maintenant, là, 21h36 sur Fun Radio. Allô ? Oui, allô, bonsoir, monsieur. Allô ? Oui, bonsoir, monsieur. Ouais, bonsoir. Oui, bonsoir, voilà, en fait, je vous appelle parce que je voulais savoir si vous seriez pour la polygamie, monsieur. C'est quoi cette connerie, c'est la radio ? Non, pas du tout, monsieur, pourquoi vous dites ça ? Non, mais tiens, taré ou quoi ? Bah, pas du tout, monsieur, enfin, je comprends pas. Ouais, bah, je te réponds, c'est un peu niqué de tes morts, non, petite pute ? Mais je vois pas le rapport, monsieur. Non, mais... Enfin, ça a aucun rapport avec ma question. Non, est-ce que vous avez bien compris la question, monsieur ? Ouais, est-ce que j'ai bien compris la réponse ? Bah, pas tellement, monsieur, parce qu'elle avait aucun rapport avec ma question. Non, mais écoute, que tu me casses les couilles, là. Bah, je vous casse pas les couilles, monsieur, je vous pose une question. Mais j'en ai rien à foutre, ta question, que tu m'emmerdes. Bah, d'accord, vous en avez rien à foutre, mais vous pouvez y répondre, monsieur, c'est la moindre des politesses. Non, je réponds pas, et qui est la moindre des politesses de quoi, le con de ta grande à la pute. Attendez, monsieur, je comprends pas, moi je vous appelle... Maniquer tes morts, tu as compris, non ? Bah, est-ce non. que tu comprends ? Bah, non, parce que ça n'a Maniquer aucun rapport, monsieur. J'ai rien à foutre, ta mère, voilà pourquoi je suis, c'est bon ? C'est-à-dire, vous êtes... Est-ce que tu comprends ? Non, tu me poses une question, je te donne une réponse. Tu m'en poses ta question, je l'ai compris, là je suis en train de te répondre. Et c'est quoi votre réponse, monsieur ? Parce que j'ai du mal à saisir le rapport avec ma question. Bon, écoute, je commence par fermer ta gueule, et puis après on verra, c'est bon ? Oui, mais ça répond pas à la question, ça, monsieur ? Ah, il a raccroché, c'est dommage. Bon, c'est dommage, pourtant, il avait l'air sympa. Oui, moi, je sentais un bon feeling passer entre nous. Bah, va niquer tes morts, hein, encore une fois. Hein. Oui, si vous voyez. Bah, ça faisait longtemps, tiens. Bon, on rappelle. Allez. Allô ? Oui, bonsoir, madame. Bah, allez vous faire enculer, hein. Mais pourquoi vous me dites ça, madame ? Bon, on ne saura jamais, hein, malheureusement. Voilà, bah la première avait l'air rock'n'roll, cela dit au passage. J'ai pas réussi à lui expliquer pourquoi j'appelais. Mais... Eh ben non, effectivement. Bon, bah c'est bien dommage. Hein. Tant pis. Mais en parlant de canulariste et en parlant de canular d'appel malveillant, bah déjà on en fera d'autres tout à l'heure dans moins d'une heure. Mais surtout, on prend Damien. Allô, Damien. Le spécialiste. Ah, allô, spécialiste des canulars. Bon, Damien, alors, avant de faire les canulars dans quelques minutes, là, quel est le thème du canular de ce soir ? On va prendre Georges aussi dans un instant, là, qui était très fidèle, surtout sur la fin de la saison. Je vais faire le coup du. Un truc comme Cristal, Marissa et Jean-François, un peu le même style. Mais tu veux qu'on appelle qui ? Un pervers que je fais se passer pour une fille avec une copine à moi. Ah, d'accord, ok, très bien. Bon, je rappelle que notre ami Damien s'est donc autoproclamé canulariste, et donc un terme qui n'existe pas, mais où il se dit être quelqu'un de qui fait des canulars. Oui, voilà. Voilà. D'ailleurs, ça sera au Larousse et au Petit Robert l'année prochaine. Oui, le canulariste. Le canulariste, donc. Bon, ah bah, t'es prêt, on y va ? D'accord. Allez, oh là là, je pense que... Essaye un peu avant pour voir, là, pour voir si la voix est excitante. D'accord. Ah ouais, je pense que c'est bon. Là. On est pas mal là. Ah là, je pense qu'on est parfait là. Bon, on y va, on appelle. Ah. Ça a décroché là. Allô ? Ouais, allô ? Allô, coco, on dit chaud, ça va ? Oui. Comment je ne comprends pas. Comment tu t'appelles, on dit chaud ? Roger. Roger. Comment ? Crie le plus fort. Mais tu veux que je crie quoi plus fort ? Crie le plus fort, dis-toi non plus fort, ça m'excite. Oui, mais vous êtes qui, madame ? Je m'appelle Isabelle. Tu t'appelles ? Isabelle. Ah ouais, ouais. Et tu m'appelles pourquoi, Isabelle ? Je t'appelle parce que j'ai envie de toi. Ah oui, oui. Mais t'as envie de moi comment ? Je sais pas si on peut coucher ensemble, je suis en train de m'amouiller. Bien sûr, mais bien sûr, on va coucher ensemble. Je suis une femme, je vous promets, regarde, je vous la mouille. Oui, oui, ah bah oui, tu mouilles fort, là, je le sens. Qu'est-ce qui est mauvais ? Dis-moi ton nom. Comment ? Dis-moi ton nom. Ah, il a raccroché. Bon, c'est pas grave, on le rappellera après, on va essayer d'en appeler un autre, d'accord ? D'accord, là, je vais faire le coup du master de 8. Ouais, mais t'as été parfait, là. Attends, tu vas faire le coup du quoi ? Je vais faire le coup du master de bite maintenant. Le master de bite ? Bon, alors, Damien, reste avec nous, on fait ça, on fait d'abord le canular, et puis après, on te reprendra, d'accord ? D'accord. Bon allez, bouge pas, il y a Georges également qui est avec nous là. Salut Georges, le dragueur. Salut, ça va ? Le célèbre. Oui, c'est moi. Bah dis donc Georges, t'es pas le même. Si. Non, il a changé sa voix là. Ouais, t'as un peu changé la voix Georges, t'es devenu Georges Clooney, là, tu parles en mode Georges Clooney. Oui. Ah. Mais pas normalement. Et essaye de parler normalement pour voir. Yo man. Ah, normalement. Ouais, ça va. Allô. Ouais, allô. Georges, t'es là ? Oui, c'est moi. Ah bah voilà, là ça va mieux, là, ça va beaucoup mieux. Là on te reconnaît, là, évidemment. Bon, alors Georges. Oui. Bon, quoi de neuf depuis la dernière fois qu'on l'a dragué là? Enfin, que t'as dragué? Rien de spécial. Ah, rien? T'as rien rencontré? Que dalle, peanuts? Que dalle. Oh putain. Oh là là là là là là là là. Mais qu'est-ce qu'on va devenir? Mickaël? Oui. Est-ce que je pourrais faire la fin avec, comment il s'appelle à la fin? Roger, c'est Roger contre le reste du monde tout à l'heure à la fin de l'émission, c'est ça? Je veux le faire. Oui, bah d'accord, ok, très bien, bah, bien sûr. Il dit oui en plus. Mais il y a des preuves avec les prénoms, je sais pas si vous avez remarqué. Mais oui, bien sûr. Donc tu veux faire Roger contre le reste du monde en fin d'émission tout à l'heure, c'est ça? Oui. D'accord, ok, très bien. T'aimes bien Roger ou pas? Oui. Qu'est-ce que t'aimes bien chez lui? C'est marrant. C'est marrant? Ouais. Ah bah tant mieux. Et quoi, c'est quoi le fait qu'il envoie tout le monde à la merde ou... Quand il envoie tout le monde dans la merde. Ah, dans la merde, oui, d'accord. Dans la merde, oui. Oui, tu l'envoies dans la merde, bien sûr. Très bien, bah écoute, alors parfait. Bah écoute, on te reprendra tout à l'heure, Georges. Hein. Et puis en attendant, encore une fois, bah si vous avez, si vous êtes une fille, que vous êtes éventuellement intéressée par Georges, qui est bien sous, tout rapport, hein, n'hésitez pas d'ailleurs à nous appeler, évidemment, 01 42 48 5000. Oui, Georges. Est-ce que vous pourrez me... Là, je vais à la fête, et est-ce que vers 22h30, vous pourrez me rappeler ou c'est chaud? Oui, oui, mais tu vas où, là? À la fête. Au feu d'artifice. Feu d'artifice de quoi? Le 14, le 13. Ah, parce qu'on est le 13 là, hein, on n'est pas le 14 encore. Non, mais il tire le feu d'artifice. Ah, il tire avant? Oui. Ah, oui. C'est moins cher. Ouais. Ah, bah bien sûr. C'est dimanche, c'est pour ça. Ah, ouais. Et il tire à 22h30? Oui. Ah bon? Donc pas à minuit, non, avant? Non, en fait, il y a la retraite au flambeau et à 22h, 23h, il y a le feu. Ah, d'accord, ok. Génial, parfait. Bon, et eh ben on t'appellera tout à l'heure alors. Ok. Bon, salut Georges, et bon feu d'artifice, hein. Merci, vous me rappelez sûr? Oui, on te rappelle sûr, pas de problème. Salut Georges, ciao. Bon, et puis on va, ce serait bien d'avoir Gilou aussi ce soir, là. Gilou, si tu nous écoutes, là, appelle-nous, n'hésite pas. Pareil pour Jean-François, hein, ce serait bien qu'on l'ait une dernière fois quand même. Bah oui. Bah oui, on peut, bah, la dernière, en fait, ça fait longtemps qu'on l'a plus parce qu'il a plus de téléphone et on lui a coupé sa ligne. Et donc, bah, forcément, lui, on n'arrive plus à le joindre, quoi. Donc voilà, c'est un peu la merde. Appelle Jean-François, si donc Jean-François, limite, va dans une cabine, on te rappelle. Enfin bon, bref, peu importe. Enfin, si tu trouves encore une cabine, évidemment, 01 42 48 5000, voilà. Il y a Stéphanie qui dit « Georges le tombeur, il me laisse rêveuse ». Mika, attendez, Corentin qui dit « Ouais, le caviar de tout à l'heure ». Corentin, un autre qui dit « Je pourrais avoir un message de bienvenue, s'il te plaît. Et donne-nous 5 coups de pelle à Toff, car il l'a bien mérité ». Oui, ça c'est vrai, ça. 1, 2, 3, 4... Et 5, et le message de bienvenue avec plaisir également là. De connard, de mange-merde, de trou du cul que tu es. Voilà, vous restez bien sûr Fun Radio évidemment. Il y a le canular dans un instant qui va débarquer, qui va être lourd également, bien sûr, comme tous les canulars ou presque que nous avons fait pendant toute la saison là. Et puis on va se faire aussi le son de Kessa qui arrive sur Fun Radio avec Hideaway. Ça va arriver dans un instant sur Fun Radio, vous restez branchés évidemment. On est là jusqu'à minuit en direct avec dans quelques minutes. Et ben. Le pack foot qui sera à gagner, je vous repose la question une dernière fois juste après la pub. On revient en direct dans quelques secondes sur Fun Radio. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. 01 42 48 5000. Oh, Mickaël, nos limites. De 20h à minuit sur Fun Radio. 20h minuit. Fuck Mickaël, nos limites. I don't fucking care. Sur Fun Radio. Fun Radio. Ouais, il est 21h50, il y a le canular qui arrive et Stéphanie qui dit s'il y a Gilou ce soir, je vais absolument lui parler. Oui, il y aura Gilou. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Gilou, c'est également quelqu'un que nous avons rencontré cette année de très sympathique, de légende. Oui, legendary. Exactement, et ça c'est, je pense que c'est... Parce qu'on peut le dire comme ça, hein. Une vraie légende, quoi. Ah, c'est la légende. Bah, Gilou, c'était ça, quoi. Tu pourrais pas me toucher un peu de... Ah, voilà, c'était ça. On va faire l'amour, voyons. Bah oui. Je te sucerai le sang et tout, tu vois. Voilà. Oh, tu aimes le sperme. Etc, etc. Est-ce que tu pourrais me faire un baiser à la coque, s'il vous plaît? Voilà, donc ça, c'est tout à l'heure. On l'aura dans quelques minutes, enfin dans quelques minutes, vers 22h30 à peu près ce soir. Donc, no stress, il arrivera tout à l'heure. Et puis, je vous rappelle également qu'il y a toujours les maillots de foot, le pack foot, qui vaut 450 euros, avec le maillot de foot, le short et le t-shirt de l'équipe nationale de votre choix. Les crampons, qui, bah, que vous pouvez choisir, hein, Nike, Adidas ou alors Puma. Et puis, il y a également le ballon de foot officiel FIFA. Si vous voulez gagner tout ça, vous répondez simplement à la question. Donc, quel est le capitaine actuel de l'équipe de France? On proposait Fabien Barthez. Mauvaise réponse. Mamadou Sakho non plus. Toff, bah heureusement que non. Valbuena n'est pas la bonne réponse non plus. Vous envoyez donc JEU espace la réponse. Vous envoyez ça au 64 900. Et si vous êtes tiré au sort dans une dans quelques minutes, voilà, bah vous pourrez repartir peut-être avec le pack complet qui vaut 450 euros. Et tout ce que je vous souhaite évidemment, c'est bonne chance. Bon,

Rémi. Pourquoi il y a un chat dans le cadre? Comment le dire? Bah c'est le bordel chez moi, vas-y. Rémi, il n'y a pas la place pour tourner ça ici, faut qu'on s'en aille, hein. Mais toi, ça commence à faire le fou là, je vais pas te dire. Regarde, la chienne est contre le mur, elle a la tête dans la pièce d'en face. Rémi. Quoi? Débarque chez toi dans 5 minutes, là, je sonne chez toi. Alléluia, enfin une bonne décision. Mais là, je débarque en bas chez toi là, j'arrive. Tu m'as 37%. Bon, on arrive alors, hein. Et merci beaucoup, hein, Rémi. Hein. Bon, de rien. Est-ce que vous pensez que votre mère pouvait se mettre un peu en latex? C'est quoi? Est-ce que éventuellement ta mère peut se mettre un peu en latex? Peut se mettre quoi? Est-ce que en tenue latex, sexe noir cuir? Ouais, mais alors bien du bon latex quand même, hein, parce que sinon après ça irrite. Oui, bien sûr, non, mais on vient avec le matériel, hein, vous inquiétez pas, on a l'habitude. Il y a un gros tube de vaseline aussi. D'accord, nous sommes équipés, il n'y a pas de problème. Hein? Est-ce que ça ira également avec votre sœur ou pas? Ouais, ma sœur aussi, hein, c'est bon. Et je viens avec mon cousin, c'est bon. Non, on cherche vraiment que des filles, hein. Que des filles, ouais, c'est bon, alors c'est bon. Voilà. Est-ce que vous voulez participer vous-même, éventuellement, encore en tant que guest? Ouais, en tant que quoi? En tant que guest. Guest, ouais, c'est bon. Bon bah c'est parfait alors. Et Jonathan, est-ce qu'il habite loin? Non, juste derrière ma rue, juste derrière. Bon, c'est parfait. Alors on remballe tout ce bordel, on rabille la salope et on y va. Très bien, merci. Merci beaucoup Rémi. De rien. Bon bah voilà, très bien, le temps d'aller là et puis on va se faire la suite là dans un instant, on le rappellera dans quelques secondes là, restez sur Fun Radio évidemment. Et puis on va également donner le gagnant là, on va appeler le gagnant, la gagnante. C'est parti pour le foot, j'avais dit 22h et 22h03, ça va. On rappelle là aussi pour la finale, vous rappelle également que sur la finale de la Coupe du Monde là, toujours 0-0 et c'est la deuxième mi-temps qui démarre dans quelques secondes. Oh, c'est un numéro à l'étranger ça on dirait là. Oui, on appelle loin. Mais c'est bizarre. Oui. Allô, bonjour. Ouais. C'est Mickaël, t'es en direct sur Fun Radio, comment tu t'appelles? Je m'appelle Armand. Armand, t'es à l'étranger Armand là? Ouais, je suis en Belgique. Ah, ok. Non mais t'es avec un numéro belge? Non, j'ai un numéro français, parce que je suis français mais expatrié en Belgique. D'accord, D'accord, je comprends plus rien. Bon, et t'as envoyé quoi? T'as envoyé jeu au 64-900 ou au 63-22? Au 64-900. D'accord, ok. Bon, change pas tout, plus loin. Tout ça est logique. Non, clair. C'est pas la peine de chercher. Bon, on va pas chercher plus loin, c'est pas grave. Comment tu t'appelles encore? Rappelle-moi, j'ai oublié. Armand, oui, voilà, c'est ça. Bon, Armand, alors, quel est le capitaine actuel de l'équipe de France de football? Bah, je dirais que c'est Hugo Lloris. Bravo, bravo. Bon, Armand, du coup, tu veux le maillot de quelle équipe? Bah l'équipe de France hein. L'équipe de France, alors on va t'envoyer le haut, le bas, on va t'envoyer les chaussures également de l'équipe de France et puis on va t'envoyer également le ballon officiel FIFA, tout ça offert par Fun Radio et Pro Direct Soccer. C'est le dernier maillot qu'on offre ce soir, on en aura d'autres l'année prochaine j'espère. En tout cas bravo Armand, ça vaut 450€ le cadeau quand même hein. Oh purée, merci beaucoup, ça fait super plaisir en tout cas. Eh ben plutôt, bon t'es où là actuellement là? T'es dans quelle ville en Belgique? Je suis à Louvain-la-Neuve. Ah d'accord, ok, tu vas te marier. Si, je connais bien sûr, mais attends, moi je suis belge, j'habite à Bruxelles, coco. Ah ouais? Ah bah bien sûr, Toff il habite à Dilbeek. Bah oui, voilà. Bon, vas-y, on t'attend à Louvain-la-Neuve alors. Eh bah écoute, très bien, mais alors plutôt pour vers la rentrée. Ouais, vers semaine 1, y'a pas de soucis. Voilà. Plutôt à ce moment-là parce que c'est là, c'est plus drôle. Il a un petit détour à faire. Ouais, okay, c'est plus drôle, ouais. Bon, eh bah écoute, bah merci d'avoir appelé, merci d'écouter Fun, et puis bah tu rappelles et tu rejoues avec nous quand tu veux, hein. Ça marche, mais merci à vous en tout cas, bonne soirée. Avec plaisir, salut à toi, ciao à toi. Bon bah voilà, une bonne chose de fait, tiens. Récupération dans un instant de Damien. Et puis ce qu'on va faire également, bah c'est la suite dans un instant du canular. On se fait le répondeur également là de Let's Be Flex. Ah oui, bah oui. Écoute, j'avais promis à Let's Be Flex de lui faire son répondeur pour qu'elle puisse avoir un message personnalisé. Parce que soi-disant on allait lui manquer ses vacances. Et donc elle voulait que Toff lui fasse un message personnalisé, oui. Donc on y va. Donc ne décroche pas Let's Be Flex, hein. D'abord qu'elle va décrocher. Parce qu'il faut qu'on tombe sur son répondeur. Elle nous a donné son code pour qu'on puisse rentrer dans sa messagerie et pour qu'on puisse la modifier. Voilà. Et il a failli y avoir un but de l'Argentine là, mais c'était à 30 centimètres du poteau. Allez. Ah ouais, on va le changer. Ouais. À votre messagerie. On va le changer. Elle est pourrie. Voilà, donc là on a le code. C'est bien parce que ceux qui arrivent à reconnaître le bip bip bip. Vous avez un message sauvegardé. Ouais, on s'en fout. Fin des messages. Menu principal. Voilà. Pour l'annonce d'accueil incluant un message au bip sonore, enregistrez votre message. Voilà, on y va. Puis appuyez sur dièse pour arrêter l'enregistrement. Je mets la musique. Oui, Virginie n'est donc pas disponible hein, puisqu'elle fait autre chose. Vous n'avez pas envie de te répondre. Eh bien, maintenant, tu peux lui laisser un message. Et puis, sinon, moi, Virginie, je voulais te dire que tu nous manques beaucoup. Il faudrait que tu tweetes plus. Donc, envoie-nous des tweets le soir dans Mickaël Nos Limites sur Fun Radio. Voilà. L'annonce d'accueil incluant un message personnalisé est en service. Pour l'écouter, faites le 1. Faites le 1. Oui, Virginie, mais donc pas c'est l'horreur. Elle fait autre chose, vous n'avez pas envie de te répondre. Eh bien, maintenant, tu peux lui laisser un message. Et puis, sinon, moi, Virginie, je voulais te dire que tu nous manques beaucoup. Il faudrait que tu tweetes plus. Donc, envoie-nous des tweets le soir dans Mickaël Nos Limites sur Fun Radio. Oh, qu'il est mauvais. Ah ouais. Bon, enfin bon, pas l'affaire. L'annonce d'accueil incluant un message personnalisé est en service. Eh ben voilà, servisson, c'est parfait. Hop là, eh ben voilà. On en fera d'autres si vous voulez. Bon, pas 150 000 parce qu'on va pas passer la nuit non plus à faire ça, évidemment. Hein. Bon, ben comme ça, au moins vous le savez. Allez, restez sur Fun Radio. On va revenir avec. Qu'est-ce qu'on va se mettre dans un instant? Le son de Katy Perry, tiens. This is how we do sur Fun Radio. Et la suite du canular aussi dans un instant. C'est sur Fun Radio, 22h08. On est tranquille avec dans une vingtaine de minutes les appels malveillants. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. 01 42 48 Samy. Mickaël, Nos Limites. De 20h à minuit sur Fun Radio. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Le premier de nos deux qui rira aura une tape. Aïe! Tu te barres tellement avec Mickaël Nos Limites que tu pourras jamais gagner. Aïe! Mickaël Nos Limites. De 20h à minuit sur Fun Radio. Toujours en direct évidemment, là, 22h10, il y a Aurélien qui dit putain, on dirait une bonne scène de boule. Bah oui, c'est ce qu'on faisait avec le canular, on va faire la suite dans un instant. Laura qui dit je suis pliant en deux de rire avec le canular, on dirait un zoo. Nadia aussi, moi en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est un grand merci pour tous ces énormes moments de radio. Là, on remet ça à la rentrée, avec plaisir, et plutôt deux fois qu'une. Nico également en tof, tu fais très bien le producteur italien de films pour adultes. Bah, c'est pas tof, c'est. C'est Roberto. C'est Roberto, Roberto, merci, vous n'êtes pas italien. Merci. Bah non, je suis pas italien, je suis du Brésil. Mais qu'est-ce qu'ils sont bêtes, vos auditeurs, que c'est des crétins. Bah oui, mais écoutez. Mais oui, ils ne comprennent rien de mon travail, de mon art, que c'est beau, que c'est magnifique, ouais, que c'est magnifique. Que j'ai fait. Bon, enfin, restez là, on va vous reprendre dans un instant, bougez pas. Hein. Vous voulez pas, je parle de mon nouveau film. Non, après. Il y a Louis qui dit salut Mickaël, j'ai convaincu ma classe de t'écouter aujourd'hui pour leur faire savoir ce qu'ils ont raté cette année. Un grand message de bienvenue pour eux 7. Alors Louis, ah bah tiens, tu es dans une classe de 7 déjà, c'est pas mal. Bon, alors Louis, alors attends. Bah déjà, tes amis, s'ils ont pas écouté depuis le début, ce sont des... Trou de balle. Mais vous me direz chez qui je t'enculais là? Je nique ta mère, hein, mon gros bâtard que tu es. Voilà, hein, c'était tous les appels de notre ami Toff, hein, Sané. Hein. De mange-merde, de trou du cul que tu es. Eh oui. Ferme ta gueule, gros bâtard. Voilà, on en fera d'autres évidemment dans une vingtaine de minutes. Donc restez là pour les appels malveillants. Et bienvenue également à toute la classe, là, aux 8 en l'occurrence, qui viennent de débarquer. Là, merci à vous en tout cas d'écouter Fun Radio, même si c'est que pour ce soir. Et même si c'est ce soir la première fois, on sera de retour le 17 août, 20h minuit sur Fun Radio le dimanche soir. Et 23h, 2h tous les soirs de la semaine, évidemment. Allez, bon, on va se faire Katy Perry maintenant. This is how we do sur Fun Radio, 22h11. Et la suite du canular Jackie et Michel, c'est juste après ça sur Fun Radio. Ah bah Katy Perry à l'instant, je l'ai promis, This is how we do. Il y aura Kesa à suivre, Bose également avec Straight Out Line que je vous passerai avant de partir. Eh oui, il est là. Et Kesa, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ça. Ah, la Kesa avec Hideaway, ça va débarquer sur Fun. 55e minute de jeu et toujours 0-0 hein, entre l'Allemagne et l'Argentine. J'avais dit que je vous tiendrais au courant. Eh bien, c'est donc chose faite. Bon, avant de récupérer toute la clique, là, il y aura notamment Damien, le canulariste, évidemment, hein, pour faire la suite du canular. Eh bien, on va se faire surtout maintenant la suite du canular. Hein, suite du canular. On va donc te laisser dans ta merde, du coup, maintenant, hein, qu'on a foutu bien le boxon avec ton pote et la famille, là. Ouais, bah, merci beaucoup. Ah, non, rien, c'est toujours avec plaisir. Eh, putain, il est difficile à croire persuadé, hein, ton pote. Hein. Oh là là. En fait, le problème, c'est qu'il était avec tous ses potes, ouais. Donc il pouvait pas faire style, j'y crois à 100%, non, mais parce que. Tu vois. En plus, si t'avais les potes derrière qui étaient en train de lui dire, tu sais, ouais, c'est ton rêve, vas-y, nique pas ça. Ouais, c'est clair. Ah, il est con, hein, putain, c'est une opportunité en or. Bah oui. Tous les jours, il nous en parle. Mais ouais. Attends, on va demander à Sandro, ça va être la secrétaire, mon assistante, qui va rappeler pour avoir l'adresse exacte. Ouais. Parce qu'on n'a pas l'adresse exacte. L'assistante de qui, hein? L'assistante de Michel. L'assistante de Michel. Moi, je suis l'assistante de Roberto, donc t'es l'assistante de l'assistant. L'assistante de l'assistant de Michel. Non. L'assistante de l'assistant de Roberto. Donc t'es mon assistante, mais moi, je suis son assistant à lui.

Vous avez besoin d'autres informations? Non, ça va, c'est bon. Allez, on y va, on tourne, on perd du temps là. Ça ira, ça ira. Bon, Rémi. Ouais. Bon, Rémi, ça va, ça va, ça va. T'en veux pas quand même à ton mec, à ton pote? Non. T'es sûr? Ouais. Tu veux ta chance dans le porno? Pourquoi pas? Bah, je sais pas, je demande. Hein. T'aimerais vraiment la voir? Bah ouais. Bon, parfait. Écoute, on va essayer de t'aider. On va essayer de t'aider parce que t'es sur Fun Radio là. Eh oui. Bon, et Rémi. Ouais. Bon, par contre, il faudra dire que t'as plus de 17 cm hein, parce que c'est un peu léger, 17 cm quand même. Hein. Hein? Bah oui. Jonathan, il nous avait expliqué que tu rêvais de faire des films de cul. Bah pourquoi pas. Bon bah voilà, bah pourquoi pas. Bah écoute, très bien, on va essayer de te filer un coup de main si quelqu'un nous écoute et qui est intéressé éventuellement à faire un petit film. T'as déjà fait des films ne fût-ce qu'amateur avec ta copine ou quoi? Non. Non, ouais, j'ai déjà fait avec ma copine. Ah, bah écoute, alors il faudrait que tu nous envoies la vidéo pour qu'on puisse juger. Qu'on se rende compte quoi du potentiel que t'as. Voilà, pour voir le potentiel. Et ça passe en direct là? Bah oui, évidemment, Rémi, je crois qu'on est où là? Oh putain. Affiché par tout le monde. Ouais. Bon ben voilà, si vous êtes une meuf, vous avez envie de faire du porno avec Rémi, il est disponible. 17 cm apparemment en vrai. Bon ben Jonathan et Rémi, ben merci à vous d'être passés en tout cas. Rémi, on va te filer ton écran plat que t'as gagné sur le dos de Rémi, parce que lui il repart avec rien du tout. Hein. Ah mais il a niqué sa carrière. Mais ben, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a Rémi? J'ai gagné quoi? Toi rien, mais Jonathan il a gagné un écran plat. Tu le veux toi l'écran plat? Bah ouais. Ouais? Et donc Jonathan il l'a pas alors? Bah non. Il va faire foutre. Il a fait une blague, c'est moi la victime. C'est vrai. Bah non. Bah tu resteras victime jusqu'à la fin. Bon, arrangez-vous avec Sandro, hein. On va continuer à faire la guerre pour voir lequel d'entre vous, lequel des deux peut choper l'écran plat là. C'est bon. Bon allez, bonne soirée tous les deux, hein. Oui, je vous dis juste une petite dédicace. Bah vas-y. T'es une grosse salope. À tout le Gazélec de Nice. Et même sur les Ajaccio, bah c'est pas grave, mais Gazélec de Nice et la brigade Sud. Très bien, eh ben, le message est passé. Bah, salut à vous deux, à bientôt. Salut, ciao. Merci les gars, ciao. Bon, et si vous voulez faire un canular, on sera de retour à la rentrée évidemment au mois d'août. Vous n'hésitez pas, hein, si vous avez envie de gagner des cadeaux, tout ça. Je sais pas si tu auras encore à gagner à la rentrée. Bah, évidemment, l'iPhone 6 qui sortira d'ici là et qui sera bien sûr à gagner en primeur sur Fun Radio, comme d'habitude, évidemment. Bon, 22h23 sur Fun. Stéphanie qui dit Georges Tombeur qui me laisse rêveuse. Et oui, on l'aura dans quelques instants, tout comme Gilou qu'on va avoir aussi d'ici quelques minutes. Les appels malveillants qui vont revenir. Il y a également Corentin qui dit ouais, le caviar de tout à l'heure là. Il y avait quoi aussi, Grégory? Salut, c'est la première fois que je vous écoute et je m'éclate tout seul. Merci pour le bonheur que vous me donnez. Bah de rien, merci à toi Grégory d'écouter. Et Marilyn, salut Mickaël, je peux avoir un message de bienvenue s'il te plaît? Je vous surkiffe, l'équipe Love You. Bon ben merci à toi en tout cas. Petit message de bienvenue, tu l'as demandé, bah tu l'auras. Hein. Je nique ta mère, hein, mon gros bâtard que tu es. Hein. Et ben voilà, évidemment. Bon alors, Damien canulariste. Ouais. Bon, t'as entendu un petit peu le canular, comment il faut le faire là? Ouais, je sais, ouais, sauf que là, je vais appeler 118 là. Tu vas appeler 118-218, c'est ça? Ouais, pour faire l'appel malveillant, en leur demandant le numéro du téléphone rose. C'est pas mal. L'idée est quand même très très bonne. C'est vrai? Oui. Ouais. Elle est magnifique. L'idée est impeccable. Bah, écoute, on les appelle maintenant si tu veux. Ça marche. Bon, allez, c'est parti, on y va, bonne chance, hein. D'accord. Allez, sois bon, hein. Et n'oublie pas de placer pas de sang entre nous. Et voilà, c'est bien. Ce sera déjà pas mal. Allez, vas-y. 118-118. Allez, à toi. Si vous êtes un consommateur, pour nos tarifs, tapez 1. Sinon, merci de rester en ligne pour joindre un conseiller. Vas-y, hein. Pour une fois, on appelle vraiment un numéro. 118-118, bonsoir, quelle est votre demande? Oui, bonjour, je voudrais un numéro. Oui. Oui, ok. Je voudrais avoir le numéro de téléphone rose. Et rigole. Un instant, je vous prie, la recherche est en cours. Non, bien, je tiens plus de téléphone rose. Je veux tout de suite, s'il te plaît, passe entre nous. Je tiens plus de téléphone rose, connaissez-vous le nom? Le téléphone rose, c'est à Paris. Je tiens le premier numéro chez Clara. Téléphone rose, le numéro national, veuillez rester en ligne, le numéro vous sera annoncé. Non, pas entre nous, je voudrais le numéro de suite, moi, s'il vous plaît. Non. Je vais acheter Clara, le premier numéro. Veuillez rester en ligne, le numéro qui sera annoncé. Ah, mais tout de suite, passe entre nous. Tu me donnes tout de suite, putain, bordel de merde. Veuillez rester en ligne, je mets en relation avec mon chef d'équipe. Merci de votre appel. Ah, le chef d'équipe. Attends, il y a le chef d'équipe qui arrive. Il y a un chef qui arrive. Et l'autre, il parle encore, là, évidemment. 218. Bordel. Allô. Ah bah non. Ah ouais, allô, tu t'es fait raccrocher par le 118-218, mec. Si ça, c'est pas la honte. Bravo, hein. Un pote, je le rappelle. Ah bah oui, bah attends, on appelle un autre, on va appeler... On va appeler un autre. Attends, vas-y, hein. Appelle 118-712. Oui, on s'en fout, de toute façon, hein, tu vas te faire. Bienvenue au 118-712. Ah bah voilà. Pour nos tarifs, tapez 1. Un allez, c'est parti. Va vous répondre. Sois bon, hein. D'accord. 118-712, bonsoir. Là, le mec, oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger. C'est pour savoir si je peux avoir un numéro. Numéro de quoi, monsieur, vous demandez? Est-ce que je peux avoir le numéro du téléphone rose, si possible, s'il vous plaît? On n'a pas de téléphone rose, on a téléphone si, vous avez... orange. Si, vous avez un si. Passe entre nous. Passe entre nous. On a pas la tête ou quoi? Passe entre nous. Te casser les couilles. Quelqu'un ça ici, on se fait la bite. Ouais. On va voir. Alors, on passe la police directement. Ça c'est marche. Le 118-712 vous met en relation avec le 01. Ouais. Alors. Il a mis. Ah, je crois que c'est le commissariat. Merci de votre appel. Vas-y, laisse courir. Je sais pas où on atterrit là. Bonjour. Allô? Oui, bonjour monsieur. Oui? Oui, bonjour. Je vous appelle pour savoir si vous avez le téléphone rose. Au revoir. Ah, attendez, passe entre nous, raccroche pas là, sans couille. Oh là là, bravo Damien, quel talent! Oh là là là là là là là là là là, un vrai talent là. Bon, on en fait l'autre si tu veux Damien là, dans quelques minutes. C'est quoi? Vous dites, on en fait l'autre dans quelques minutes? Ouais, c'est que j'ai pas tendance à me reposer parce que j'ai pris un sacré médicament. Bon, sinon à la rentrée, Damien, comme ça t'as le temps de t'entraîner. T'as le temps attendez, de te reposer. Attendez, c'est un message de bienvenue. Oui, bah vas-y, alors un message de bienvenue. Tu veux en faire un? Je préfère que ça vous coûte. C'est celui du Jap. Mais d'accord, écoute. Trou de balle. Voilà. Trou de balle. C'est celui du Jap. Non, attends, c'est déjà le celui avec la file. Oui, c'est ça, ouais. Hé, te fais enculer. Voilà. Ah, j'avais d'en refaire un autre finalement. Ah bah voilà, bah finalement, ouais. Non, bah attends, on va à la rentrée, Damien, hein, point trop d'infos. Bon, salut Damien. Allez, bonnes vacances, hein. Au revoir, merci. Salut à au toi, revoir. Damien. Oh là là là là là là, ce talent, ce talent, non, ce talent. Bon, c'était bon, c'était exceptionnel, bon. Exceptionnel. Ah ouais, exceptionnel. Enfin. Bon, les appels malveillants, on va les faire dans un instant la suite, bien sûr. Et puis, on va se faire enfin le son de Megumi, là. On l'avait déjà mis une fois, elle avait pas entendu, donc on va le remettre. Le son de Britney maintenant, tiens, avec I'm a Slave for You. Voilà, comme ça, toi, va se mettre en cuir. Ah oui. Et ils vont se mettre bien. Ouais, mais c'est pas celui-là. Bah, c'est celui-là qu'elle veut. Oui, mais le cuir, c'est pas celle-là. Oui, mais ça n'empêche pas de mettre en cuir. Bien sûr, allons-y. Bah, voilà, Britney Spears qu'on écoute maintenant sur Fun. Michael No Limit jusqu'à minuit. I'm a slave for you sur Fun. All you people look at me like I'm a little girl. Like that. Et bah voilà le son de Britney à l'instant, Slave for You sur Fun Radio. Bah voilà, Megumi qui nous le demande depuis le début de l'année, là, comme ça au moins elle l'a eu. Elise qui dit, vous revenez quand exactement? Parce que vous avez trop manqué. Oh, c'est gentil, Elise, là, gros bisous à toi. On sera de retour le 17 à partir de 20h, dimanche soir, 20h minuit, et puis tous les soirs de la semaine, hein, comme d'hab, un retour avec les horaires de l'année entre 23h et 2h du mat, toujours 0-0 entre l'Allemagne et l'Argentine. Donc, on va voir comment ça va se passer, là. J'espère que ça va pas être une vieille finale. Genre tir au but. Ah ouais, non, pas tir au but. Ah ouais, putain, j'espère que ça va quand même être quelques buts là quand même, hein, parce que là toujours 0-0, c'est un peu décevant quand même. C'est parce qu'ils ont tout mis au Brésil, du coup ils ont plus ouais, rien. Bah je sais bien, mais enfin bon. Bon, il y a les appels malveillants là qu'on va faire maintenant là. Appels malveillants, alors attention, c'est parti, à base de, je me souviens plus. De paix. Ah oui, de paix, exactement. Parce que, oui, voilà, bête. On nous avait dit que c'était bon pour la santé de péter. C'est vrai. Ouais. Et donc du coup, bah, je suis allé voir combien de fois les gens pétaient par jour. Quoi. Exactement. Allez, bah c'est parti, on y va, on appelle maintenant la suite des appels malveillants. C'est tout de suite sur Fun Radio, 22h34. Allô? Oui, allô? Oui. Oui, bonsoir monsieur. Oui, bonsoir monsieur. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, en fait, je vous appelais parce que je voulais savoir combien de fois vous pétez par jour, monsieur. Mais espèce de connard. Là. Mais pourquoi vous dites ça, monsieur? La gueule. Mais enfin, monsieur, ça se dit pas? Ah, non, mais écoute, il n'était pas ouvert au dialogue. Non. On va donc rappeler quand même, hein, pour être certain. Oui, allô, monsieur. Qu'est-ce que t'as, connard? Mais j'ai rien, madame, je voulais juste savoir combien de fois vous pétez par jour. Et toi, combien de fois tu te fais sodomiser? Alors maintenant, t'arrêtes tes conneries, je te préviens, parce que mon mari travaille au commissariat de police. Bah oui, mais ça n'empêche pas de répondre aux questions, madame, enfin. Oui, oui, c'est ça. Je te préviens, encore une fois, tu nous appelles, c'est simple, je téléphone au commissaire. D'accord, mais je croyais que c'était votre mari. Le hasard comme par hasard. Ouais, bizarre. Ils ont la détente facile pour le téléphone. Bon, on rappelle encore une fois, là. Oui, allô. Je croyais que c'était votre mari, le commissaire, madame. Oh, déception totale, là. Ah bah merde, oui. Putain, moi je m'attendais à ce qu'on puisse avoir quelqu'un et bah, tout, qu'on, là. Qu'on parle au commissaire qu'on direct. Qu'on parle au commissaire, bien sûr. Comme Damien le canulariste. Déception. Samuel qui dit, oh putain, le Damien qui se fait raccrocher au nez par tout le monde, là. Saras, qu'est-ce qu'il est con. Et Drakid, pour le moment, c'est une finale de merde. Oui, bah je suis assez d'accord, hein. 0-0, il se passe pas grand-chose, là. C'est un peu décevant, mais bon, qu'est-ce que vous voulez. Bon, tant pis, c'est pas grave, hein. On a Gilou maintenant. Oh mesdames et messieurs. Comment ça va, Gilou? Gilou, coucou, ça. Ah, bon alors, Gilou, on est content de te réentendre, Gilou. Ben oui, ben. Eh ben depuis le temps, dis donc. J'étais en pleine ménopause. Ah bah oui, forcément la ménopause. Oh, ben oui. Oh, et qu'est-ce que tu veux, ça arrive au meilleur, hein, Gilou, hein. Ça me fatigue beaucoup. Bah j'imagine. Bon, t'as regardé un peu le foot ou pas là? Tu suis la Coupe du Monde? Ah, je suis, oui. Ah bon, alors 0-0. Ah bah 0-0, là. T'es pour l'Allemagne ou l'Argentine? Oh, que le plus fort gagne. Ah oui, bah tu... Allemands. Ah bah tu te mouilles pas, donc c'est le principal, alors. Hein. Non, je me mouille pas. Bah voilà, c'est ça. Bon, Gilou. Oui. Oui, tu allais dire quoi? Non. Je mouille, oui, j'ai peur, je mouille. Ah oui, d'accord, ok. Ah, et juste pour info, on essaye de retrouver notre ami Jean-François. Jean-François, mais il y a des malotrus qui essayent de se faire passer pour Jean-François. Oui, qui nous donne des numéros bidons. Exactement, mais nous gérons tout ça, bien entendu. Hein, donc attention, on ne se fait pas avoir. Bon, Gilou, il y a Stéphanie qui voulait te parler, là. Une ancienne auditrice aussi. Enfin, une ancienne, une actuelle, mais je veux dire qui écoute depuis longtemps. Ça va, Steph? Laquelle? On est deux. Eh ben toi, en l'occurrence. Moi, de Brive-la-Gaillarde, Stéphanie. Hein. Bon, alors, Steph, tu voulais dire bonjour à Gilou, toi? Bah oui. Ah bah, il est là. Bonjour, Gilou. Bonjour, ma chérie, comment vas-tu? Ça va très bien, et toi? Il est chaud, Gilou. Oh, il est chaud. Mais oui. En pleine forme. Ah bah, toujours. Hein. Ah, ça va, depuis le temps que je veux te parler. Oh, bah, tu sais, pour pas te gêner avec moi. Ah bah, oui. J'ai envie de faire l'amour et tout. C'est vrai? Ouais. Et toi, t'as pas envie d'un homme? Ah non, j'ai juste envie de toi, Gilou. Ah, mais viens me voir, mon amour. Oh. Oui, je vais venir, mon Gilou. Tu me ferais quoi si je venais? Il est de retour, Gilou, en pleine forme. Bisous partout. Oh. Ah, je te ferai voir le père de mes enfants. Tu es amoureuse? Non. Pourquoi? Qu'est-ce que tu aimes chez les hommes? Plein de choses. Dis-le, bah dis-le. J'aime un homme qui me fasse bien l'amour. Eh bien oui, ben moi je suis capable. T'en sens capable, Gilou? Oui, t'es capable? Oui. Alors? Ah, il a passé. Gilou? Allô? Ah, oui. Ah, oui. J'ai eu peur. Ah, j'ai cru que je t'avais perdu, Gilou. Ah, bah nous aussi, hein. Là, ils nous entendent pas. Hein. Oui, c'est voyeurs. Ça. Bon, tu m'as pas répondu, qu'est-ce que tu veux? Tu fasses un baiser à la coque. Ça fait longtemps, ça. Tu aimes faire l'amour? J'adore. Oh, de quelle façon? Bah, sur mon bureau avec toi, non? Par hasard. Violemment. Violent? Oh là. Ouais. Tu aimes ça, Gilou? Oh, ouais. J'ai un petit fouet et tout, je te taperai sur les fesses et tout. Ah oui. Oh. Il a un fouet, Gilou. Mais non. Oh là là. Ah, ça serait bien. Oh ouais. Oh. Et tu me feras un baiser à la coque? Je te ferai un baiser à la coco. Ah, génial. Et toi aussi, hein. Ah oui, oh. J'en rêve, Gilou. Oh. Ouais. Comme ça, je pourrais la mettre entre tes seins. Ah oui, mais bon, c'est pas grave. Un baiser à la coco et tout. Il se met bien. Hein. Oh. Oh, tu vas me faire jouir, moi. Ah, déjà, à lui aussi, il est cinéma. Hein. Ils sont rapides. Oh, ouais. Moi, depuis le temps qu'on l'a plus. Non. J'adore. Oh. Oh, ça fait bonne vie. Le matin au petit-déj, ouais, c'est génial. Ouais, en vrai. Un petit café noisette, là. Hein? Oh, ouais, c'est juste parfait. Tu habites dans quel coin? J'habite à Brive, en Corrèze. Ou juste à, juste à côté de chez toi. C'est à deux rues. C'est à deux rues. C'est à deux pas. Ouais, oui, c'est à côté de chez moi, oui. Oui, bon, enfin, ah, ben je vais pouvoir venir te voir alors. Il habite dans le Val d'Oise, lui. Hein. Ah, c'est deux, ça vous donne une idée. Et puis on ira faire l'amour dans la forêt et tout. Oh, bah classe. Dans la forêt? Ah, bah oui, c'est l'été. Dans la forêt, oui, il y a avec un petit bois à côté de chez moi, là. Oh. Avec plein de petites bébêtes. Oh, ouais, tu verras, je te sortirai ma grosse bébête, là. Oh, on ira à la chasse tous les deux. Je prendrai mon furet. Je te mettrai dans ton petit carrier. Il est poète. Mais c'est ce que j'allais dire. Gilou est poète, contrairement à Jean-François qui est plus cru, quoi. C'est un légionnaire, lui. Ouais. Oh, ouais. Moi, je me vois déjà dans toi et tout. Ah oui, moi aussi. Tu aimes faire l'amour dehors, comme ça? Au pied d'un arbre? Oui. Ouais. Au pied partout. D'un arbre. Partout. Ah, t'es partout. Pas délicate alors. Ah bah non, pas du tout. Je pourrais peut-être aller te voir avec mon camping-car, non? Ah bah oui. Le camping-car. Le camping-car, c'est génial. Ah bah oui. Ah ouais. Tu sais conduire? Ouais. Oui. Ah bah justement, comme ça, le temps je sais, conduire. Je sais tout faire, moi, Gilou. Oh, c'est bien. J'ai rien à t'apprendre alors. Tu sais tout faire. Ah ben je sais pas, qu'est-ce que t'as envie de m'apprendre? Ah ben le temps que tu conduises, moi je te lécherai les seins. Ah. Tu verras. Je te prends et ton clitoris et tout. Clitoris. Je ferai des goulou-goulou, guili-guili. Goulou-goulou, guili-guili. Il y a Draki qui supplie de rire. On va jouer à la marelle? Ah ben oui. Non, ben oui, bien sûr, ouais. Ouais. Eric qui dit mort de rire, le père de mes enfants, il y avait longtemps. Je pointe aussi un peu. Ah il pointe. Ah ben c'est parfait. Ça va nous voilà rassurer alors, très bien. Bon, bah, c'est plutôt un couple qui s'avance pas mal, là. Ah, oh, on est prêts, oui, oui, oui. Ah, bah, oui. Là, ah, voilà, vous êtes bien prêts, là. Là ouais. Le père des enfants est là. Ah, il doit être tendu, là. Il doit être dur. Ah, oui. Il vous salue. Ah, bah, nous, tant mieux. Ah, bah, on est ravis. On est ravis, alors, du coup. Bon, bah, c'est parfait, ça, alors. Bon, Gilou. Oui. Tu veux rencontrer une autre ou tu restes avec Steph? Oh non, ah non, ben je préfère garder la première. Hein. Ah bon, bah alors d'accord, ok, bon bah tant pis alors. Oui, parce que... Bon, tant pis pour l'autre Steph alors. Ah, bon, bah, voilà. Non, recalé avant même d'avoir dit bonjour, l'autre Steph. On peut venir toutes les deux sinon. Hein. Oh, c'est pas vrai. Ah ben si. Oh. Ça y est, il est reparti là. Qu'est-ce que je vais faire de tout ça, dis donc, avec mon petit arène là. Avec mon arène. Ah mais je suis sûr que tu t'occuperas bien de nous. Oh ben bien sûr, bien sûr. Mais en plus, ma copine, elle est très gourmande, hein. C'est vrai. Ouais. Elle aime les grossesses ou quoi? Bah écoute, je te la passe, elle va tout expliquer. Ah, c'est gentil, ma chérie. Tu te fais des gros bisous? Hein? Tu fais des gros bisous? Oh là là, quel cochon. Ah oui. Allô? Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir. Ça va Gilou? Oh ouais, bien oui. Oh, bah avec Stéphanie, on fait tout ensemble, donc si tu prends l'une, tu prends l'autre. Hein. Oh. Je crois que tu vas assumer de fille. Lorraine qui dit waouh, j'ai cru que je m'étais trompé de radio, tellement c'était bizarre, mais non, c'était juste Gilou. Oh, oui, on va essayer. Hein. Sinon, faut être sûr. J'ai un petit copain, sinon. Hein. Je l'appelle. Ah, mais non, mais nous, on te veut toi, Gilou. Non, il me paraît ta vie. J'appelle mon pote, bah, j'essaierai, oui. Sinon, j'appelle mon pote. Je l'appelle comme ça, moi. C'est pour ma copine, toi. D'accord. Donc, et tu nous ferais quoi? Comment? Tu nous ferais quoi? On dirait un boîte d'offre. Tu nous ferais quoi? Tout, je te sucerais les seins et tout. Tu aimes, non? Ah, tu crois qu'il y a tu verras. Mais c'est un son. Tu aimes, non, non. C'est-à-dire que lui, il est vraiment en boucle. 95C. Oh là. Ah, ben c'est déjà bien, ça. Hein. Ah bah. Oh. Oh. Oh, dis donc, tu le vois là-dedans, là, au milieu, là. Oh. Sacré Gilou. Ouais. Ah, tu me vois là-dedans. On se sucerait toutes les deux en même temps. Non. Je pourrais jouir entre tes seins. Ah, oh, ben bien sûr. Ouais. Faut pas que tu ouvres la bouche aussi. Tu me conseilles. Ah, mais je couvrirais bien grande. Oh. Ah non, faut pas, après. Tu risques d'être enceinte après. Qu'est-ce qu'il raconte? Oui, parce que quand on avale. Bien sûr. Eh ben évidemment, oui. Non, ben, bien sûr, c'est. Non, c'est la puissance du jet. Ah, la puissance. Transperce son histoire. Je te souhaite une bonne soirée. Ah, il la vire. Toi aussi, Jean. Eh ben voilà. Et puis je te dis à la prochaine. Eh ben voilà, très bien. Eh ben voilà. Bon, ben salut les filles. Bonnes vacances les garçons. Salut, bonnes vacances à vous aussi. Merci d'écouter Fun et à la rentrée alors, Steph. Hein. Enfin, les deux. Ben moi, je passerai vous voir à la rentrée. Ah, bah d'accord, avec plaisir. Si t'as fait pas là, je viens. Ah oui, bah alors tu vas pas venir à mon avis. Enfin, quoique, il est toujours en négociation avec RMC hein, pour devenir commentateur sportif. C'est ça. Et avec Bean également, là, ils ont tous les deux appelé tellement il était bon, Tof. Ah, donc je suis parti là. Hein, oui. L'Euro 2016, c'est moi. Hein. Évidemment, évidemment, évidemment. Enfin, bon, bah salut les filles. Bisous. Ciao. Salut Gilou, merci d'avoir appelé. Hein. Bisous et bonnes vacances à tous. Ah, attends, Gilou, on a encore quelqu'un éventuellement pour toi après. Tu restes avec nous ou t'en as marre? Ouais, mais je vois plus le ballon là. Ah, tu vois plus? Ah oui, c'est vrai. Bon alors, bah, écoute, mais ça fait rien. Non mais reste au standard, mais regarde la télé. De toute façon, on te reprendra après la mi-temps, enfin après la deuxième mi-temps, enfin la prolongation quoi. D'accord. Bon, bouge pas, Gilou là. On va revenir avec vous toutes et vous tous en direct avec le son comme promis de Kessa sur Fun avec Hideaway. Ça va arriver dans un instant sur Fun Radio, vous restez là. Michael Nolimit, dernière heure. Et oui, 86e minute entre l'Allemagne et l'Argentine. Toujours 0-0, ça pue la prolongation. Bon, on verra dans 5 minutes. Ah bah, le temps de se mettre la pub en speed et on revient en direct juste après. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. 01-42-48-5000. Michael Nolimit. De 20h à minuit sur Fun Radio. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Le premier de nos deux qui rira aura une tape. Aïe! Tu te barres tellement avec Mickaël No Limit que tu pourras jamais gagner. Aïe! Mickaël No Limit. De 20h à minuit sur Fun Radio. Bon, eh ben, il reste 30 secondes pour le match entre. On pensait vraiment que les Allemands allaient avoir une. Ah bah oui, on pensait, mais non, en fait. Il reste 30 secondes là, entre l'Allemagne et l'Argentine avant la fin du temps réglementaire. Et donc, bah, ça ira aux prolongations. Là, on est. Bah, il reste 20 secondes. Hein, voilà, 20 secondes. Normalement, s'il y a un petit but là, éventuellement, là, ça tape entre l'Argentine et l'Allemagne. Hein, ils vont un coup à gauche, un coup à droite. Et on va voir comment ça va se passer. D'ailleurs, Toff devrait commenter là, pour montrer à BFM et RMC. Ah bah évidemment, là, alors, RMC je connais tous les joueurs par cœur. Allez, vas-y. Ah, mais je connais rien. Bah, s'en fout, improvise. C'est terminé. Ah, bah, ouais. C'est terminé. Ah, bah, voilà quel talent quand même. Ah, ouais. Putain. Oui. Sur ce score de 0-0. Un score minable hein, pour cette équipe qui a quand même mis 7 buts au Brésil. C'est vrai. C'est honteux. C'est vrai, c'est vrai. C'est honteux, mais ça, c'est parce que les Allemands se sont pas donnés à fond. Et... voilà, c'est ça. Ils n'avaient pas envie. Mais oui, ils étaient déjà fatigués. Ils sont pressés de rentrer. Ils voilà. Se sont pas donnés à fond, quoi. Ouais, ouais. Bon, enfin, c'est pas fini. Hein. On va faire les prolongations, là. Et vu comment ils ont l'air tous déjà crevés, je peux vous dire que les prolongations, je pense que ça va être chiant. Bon, il y a Megumi qui dit un big merci à toute l'équipe pour les bons passés avec vous. Bah, j'espère bien, Megumi, c'est gentil à toi. Je rentre de l'électrobeat, j'allume Fun et hop, y a Gilou, c'est magique. Ah bah, j'espère que tu t'es bien marré à l'électrobeat aussi, surtout. Et puis, oui, on a un petit. Bah, le dernier match d'impro. Je vous annonce, il n'y a plus de cadeaux. Oh. Donc, on va le faire vraiment pour le fun. Donc, si vous voulez vous marrer et qu'on se fasse un petit dernier là ce soir, un petit dernier match d'impro, bah appelez-nous et on en fait un. On cherche un garçon ou une fille comme d'hab. 01 42 48 5000 et pour la Belgique 02 851 4x0. Donc voilà, donc il n'y a plus de cadeaux, c'est pas la peine, hein, c'est juste pour le fun, pour se marrer qu'on fait ça avant minuit. Donc, bah appelez-nous 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique. Vous pouvez aussi envoyer Mickaël et votre message au 64 900. Et donc, le principe c'est très simple, hein, on vous donne un thème, il faut improviser dessus. Garçon et fille bien sûr. Et puis ben celui qui sera le meilleur, les auditeurs votent pour lui. Et puis ben, il repartira avec l'honneur. Voilà. C'est déjà beaucoup. Et c'est déjà pas mal. Et c'est déjà pas mal du tout, j'ai envie de dire. Bon, il y a Kevin avec nous là. Salut Kevin. Wow, salut Mickaël. Ça va bien? Wow. Ça va et toi? Bah ça va très bien, Kevin. Tu suis un peu le match là ou pas là? Bah ouais, je suis le match, mais de toute façon, c'est les Allemands qui vont gagner, hein, faut pas rêver. Hein. Ah bah ils ont bien tapé les Argentins, même si je préférais que les Allemands gagnent, hein, je dois bien l'admettre. On verra. Bah, ouais, mais bon, tu vois, moi j'étais pour les Italiens, mais on s'est fait voler, tu vois. C'est... Ah bah non. Les Italiens sont toujours volés dans la Coupe du Monde. C'est vrai qu'on s'est fait mordre et puis ouais, voilà, quoi. Ça c'est vrai, hein, ça on peut pas lui dire la... ça, on peut pas dire l'inverse pour le coup, effectivement. Suarez qui a les dents longues. Bah c'est ça, bah ouais, c'est un cannibale. Ah bah cannibale. Ouais, ça cannibale. C'est clair. Et apparemment il a signé au Barça l'année prochaine. Ouais, sauf que comme il est condamné à 4 mois de suspension, donc ça veut dire que les mecs ont déjà payé pour l'avoir, je crois, et il ne pourra pas jouer avant octobre. Donc ça c'est quand même pas mal. Et ça c'est bon. Une bonne affaire, une très très bonne affaire. Enfin. Bon alors Kevin, toi tu nous appelles pourquoi, dis-moi, sois le bienvenu déjà. Bah je vous appelle surtout c'est pour vous souhaiter une bonne dernière soirée à vous tous. Ah bah c'est gentil hein. Voilà, et puis bah aussi que bah, je vais bientôt me marier, donc eh oui les gars, c'est comme ça. Oh la la corde au cou Kevin. Bah non. Mais t'as raison, vrai. Vas-y, fais ton. Ça fait 5 ans que je suis avec ma femme et j'adore dans ma maison et tu vois. Ah déjà, mais t'as quel âge? Bah j'ai 20 ans. Wow. Putain, eh, écoute, mec, à 20 balais, t'as déjà la baraque et tout, c'est cool. J'ai 20 ans, j'ai déjà mon fils, qui a 2, qui va avoir 3 ans, et je vais avoir ma maison. Et putain. J'ai un boulot en CDI, ça fait déjà 2 ans que je suis là. Eh bah écoute, pas mal, putain. Eh, t'imagines un peu, c'est bien parce que au moins l'avantage, c'est que ton fils, quand il aura 23 ans, t'en auras jamais que 40, tu vois. Tu vas pouvoir aller en boîte avec lui et tout. Bah c'est ça, je vais pouvoir faire la fête avec le gamin, c'est ça. Ah ouais. Putain, ça va être bien ça. Ouais, c'est pas mal. J'ai halluciné par ça, moi. C'est beau, franchement, c'est beau. C'est bien. Moi, j'ai 23 ans et demi, mais bon. Ouais, oui, il a pas de vie encore, Polo. Enfin, 23 ans et demi, donc ça va encore. Et surtout, je voulais surtout dire à Toff que j'aime bien ces appels malveillants. Tous les soirs, je vous écoute, c'est extraordinaire. Ah bah, c'est gentil. Je suis mort de rire tous les soirs. Je suis mort de rire. Bah surtout que c'est pas prêt de s'arrêter parce que mais ça me fait chier parce que vous portez. Moi des fois je travaille la nuit et je peux pas vous écouter. C'est la merde. Ah ouais, je sais bien. Mais bon, t'inquiète pas, on sera de retour. Hein, on fera la nuit. Bah, on va Bah oui. On va vous dire la vérité. En fait, Tov va en prison pendant un mois. Ouais. C'est à cause des appels malveillants. Voilà. C'est pour ça qu'on arrête. Purger la peine. C'est pour ça qu'on arrête. Il va purger sa peine. Il va casser des cailloux. Voilà. Et puis bah nous du coup, on ira lui apporter des oranges. Voilà, on mettra une petite lame dedans, une petite scie dans l'orange, et puis on verra quoi. J'essaierai de m'évader. Bah voilà, c'est ça. Bon, bah, merci Camille. Vous déchirez tout, sinon c'est ça qui est gentil. C'est bon. Bon, c'est quand je peux rester. De quoi? C'est quand le mariage? Le 2 août. Ah, le 2 août, merde, ouais. Putain. Eh, Toff, il vient le 2 août, hein. Il parle le 3, je crois. Moi, je veux bien inviter. Moi, je veux bien inviter Toff, mais il veut pas venir. Moi, je l'ai invité. Bah, il veut pas. Parce que je t'ai déjà envoyé des messages et tu les as fait passer en direct, mais. Je t'ai rappelé, vous m'avez pas répondu. Ah et... bon? Ah bah si, parce que toi, tu peux aller bouffer gratos, lui. Ah bah oui, moi je viens, grave. Attends, évidemment. Ouais, c'est la fête, Nicole à volonté, ça bah va être voilà. Ça. Bah je viens, moi. Bah voilà, pas de problème. Oui. Bon bah merci en tout cas, bon mariage, félicitations. Ouais, merci. Respect. Je peux passer une petite dédicace? Mais bien sûr, allez, vas-y. Bah je passe une petite dédicace à la famille, aïe. Eh ben pas de problème, message passé sans problème. Salut Kevin, merci, à bientôt. Michael. À ciao. Bientôt, ça marche. Ciao, allez, ciao. À bientôt, ciao à toi Kevin. Bon, eh ben voilà une bonne chose de fait. Tiens, on a aussi Guylaine, ou Gilène, comment on dit? Gislaine. Oui. Guylaine. Allô Lyon? Oui. Bon, comment on dit ton prénom? Guylaine, Gislaine? Gislaine. Ah bah voilà, très bien. Comment ça va Gislaine, 21 ans? Bah ça va, enfin moyen. Bon, qu'est-ce qui t'arrive? Ça va, Gislaine? Pas ça va. Oui, ça va, moyen. Pas ça va, qu'est-ce qui va pas? Là je suis chez moi et en fait ça me démange un peu là. Qu'est-ce qui te démange? Ton entrejambe? Bah, en fait j'ai des petits problèmes au vagin, j'ai une maladie. Et en fait, ça me démange et je suis tout le temps obligée de me frotter contre un meuble parce que j'arrive pas à tenir au moins plus de 10 minutes. Quoi? Pourquoi contre un meuble? Bah parce que là, je suis chez moi et un meuble, bah, c'est au moins... Ouais, un meuble, c'est un meuble, quoi. Un meuble, c'est gros. Oh, mais c'est horrible, ça. Oui, contre un angle, en fait. Mais qu'est-ce que t'as des mycoses? Bah non, en fait, je suis allée voir mon médecin et... Contre un angle. Ouais, et quoi? C'est une maladie héréditaire, en fait. Dans ma famille, on a tout ça. Ça s'appelle comment, le gratchat? Non, c'est pas du tout ça, non. Oh, le quoi? C'est une maladie qui est héréditaire, je connais plus le nom, il est super compliqué. Et t'es obligé de te gratter dans un angle, tu prends un angle et tu grattes la chatte là-dessus. Bah ouais, j'ai pas le choix. Ou alors sinon on t'envoie Toff, hein, il peut se transformer en meuble. Ouais, mais c'est un angle, voilà. Il a un nez en angle. Eh ouais, tu pourras te gratter et tout. Ah, mais voilà. En fait, c'est bien de se gratter contre une table. Enfin, ça fait du bien. Ah ouais, bah oui, probablement. Si ouais, tu le dis. Oui, si tu le dis, attends, pourquoi je vais pas. Essayer pour voir. Vas-y, Tof, gratte-toi l'arrêt du cul sur le bord de la table. Ah ouais, non, c'est pas mal, elle a raison. C'est pas mal, le tapis pour se gratter, ça. Ouais, c'est vrai, ouais, le tapis, mais c'est pas mal. Sinon, ce que tu fais, tu vas chez Leroy Merlin, tu t'achètes du papier de verre. Bah ouais, mais ma maman, elle m'en avait acheté, mais ça fait trop mal. Ah bah ouais. Ah ouais, papier de verre, c'est un peu violent, hein. Mais qui c'est qui a la maladie dans ta famille? Bah ma grand-mère, elle avait ça, il y a mon frère jumeau qui a ça. Le frère jumeau qui a ça aussi? Ouais, mais c'est plutôt dans l'anus. Ah lui, c'est dans le fion. Alors, c'est normal parce qu'il peut pas se gratter la chatte, le frère. Bah ouais, c'est ça. Et du coup, il se gratte le fion, enfin, contre le vous avez chacun votre coin de table. Voilà, exactement. D'accord. Il y a une table, chérie. Ah bah bien sûr, non mais c'est bien. Par contre, t'imagines l'angoisse, tes parents décident de prendre une table ronde. Ah ouais, là, c'est merde, la catastrophe. C'est pas grave, je sais pas, je trouve un moyen pour me gratter. Mais ouais, mais bon, après. Mais ça dure depuis combien de temps, ça? Bah, ça, c'est depuis première fois, parce qu'avant, ça me faisait pas ça. Ah ouais, et du coup, cette maladie héréditaire est arrivée lorsque t'as fait ta première fois? Ouais, voilà. Donc, ça s'appelle une mycose, mais c'est pas grave, ouais, ça soigne. C'est une mycose, non, voilà, c'est ça. C'est pas une mycose, je connais, j'en ai pas, c'est pas ça, c'est pas ça. J'en ai plus, c'est ça que tu voulais dire. Ouais. Ouais, c'est plus, voilà. Ah, d'accord, ok, très bien. Et t'as été voir qu'un seul médecin, bien sûr. Bah oui, quand même. Oui. Bah oui, bien sûr. Mais non, mais c'est bien d'avoir un avis qu'un seul. Ça sert à rien d'en avoir plusieurs, quoi. Bah non, ça sert à rien. Bah voilà. Et du coup, quand t'es en bahut ou tout ça, ou au travail, tu te frottes aussi, alors? Bah ouais, c'est super gênant parce que après, les gens, ils se demandent pourquoi je fais ça et tout. Et du coup, je suis obligée de m'absenter pour aller aux toilettes pour me frotter, je sais pas, avec du PQ, c'est horrible. Mais ouais, pourquoi tu fais pas avec tes doigts? Y a pas de table. Bah, des fois, je fais avec mes doigts quand j'ai pas le choix. Par exemple, quand j'ai passé mon bac il y a 2 ans. C'était horrible parce que j'ai dû me gratter avec ma trousse tellement me grattait. T'aurais dû prendre une règle, c'était plus facile. C'est la soirée ce soir. Bah j'ai essayé la règle. Ah ouais, d'accord, trousse. Ok. Bah oui, bah écoute, pourquoi pas. Après, attends, qu'est-ce que tu peux essayer? Bah tu veux qu'on t'envoie, parce qu'il nous en reste là, on peut t'envoyer des petits cadeaux passagedudésir.fr. Ouais, je veux bien. Ah bah, on a une planche, on peut t'envoyer. On a une planche en bois, si tu veux, on t'envoie, on fait un angle et on te l'envoie, on la colle. Ah oui, oui. Ah non, mais c'est bon, hein, pas de soucis, mon papy, il est menuisier. Donc, ah bah voilà. Et quand tu demandes à ton papy de te faire une planche pour ça, il le fait, bien sûr. Bien sûr. Non, mais il est pas au courant, lui. Ma maman, elle lui a Il lui a fait un gratte-chat. Ah. Voilà. C'est comme les chats, ils ont un truc pour gratter les. Ah ben, pour s'accrocher dessus. Il y a l'arbre à chat et. Et l'arbre à chatte. L'arbre à chat. L'angle. Ça fait mal. Ah non, ça, c'est avec fou, ça, c'est non. Le gratte-chat de Ghislaine. Bah voilà, c'est ça, exactement. Mais ça coupe un peu ou pas? Ça t'irrite? Bah oui, ça m'irrite. Ça saigne des fois. Et tu mets une capote à la table ou pas? Comment? Est-ce que tu mets une capote à la table? À la table? Bah non, c'est trop grand là. Je peux pas. Ouais, bah des grandes capotes, je sais pas. Non, je peux pas. Ou des capotes de table. T'as pas une capote de table? Oui, pourquoi pas. Ouais, pourquoi pas. Bah, tester quoi, en tout cas. Non, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Bon, et donc du coup, tu dois vivre avec ça, là, de vitam aeternam. Ouais, mais bon, je suis pas la seule, hein. Mon frère, il est là pour me soutenir, hein, parce que lui aussi, il a la même maladie. Bah oui, normal. Et, bah ouais, donc du coup, vous frottez, quoi. Ouais, voilà. Ça doit être sympa, les fêtes de famille à la maison, quand même, hein. Ouais. Ah bah c'est, il faut que je te gratte, tu me grattes. C'est spécial, c'est spécial. Hein. Ah oui, ça, pour être spécial, c'est spécial, hein, ça, ce côté-là, effectivement. Bah, écoute, si tu nous invites à NC4, nous, on vient manger à la maison. Hein. Ah bien sûr, on viendra se gratter. Ah bah j'espère que réunion de famille, tout le monde se gratte. Ah bah voilà, bah nous, on s'adaptera. Hein, bah, on grattera aussi. Bah voilà, Tof se grattera, tout le monde se grattera. Voilà. Ça va être bien. Bah écoute, Ghislaine, bah écoute, bonnes vacances à le gratter alors. Bah super, merci beaucoup. Et si t'as besoin d'un doigt, t'hésites pas, tu rappelles. Oui, voilà, c'est ça, hein, si on peut rendre service. Et vous voulez pas appeler mon frère? Tu veux qu'on appelle ton frère pour? Bah pour qu'il vous explique lui aussi son problème. Comment il s'appelle ton frère? Il a la gratte-cul quoi. Andy, il s'appelle Andy. Andive? Andy? Ah Andy. Non bah je sais pas, attends, je demande. D'accord, bah oui si tu veux. Attends, t'as déjà le numéro ou pas? T'as déjà fait le numéro à Sandro? Oui, est-ce que j'ai son numéro? Non, oui ça je me doute que tu l'as, c'est ton frère. Mais est-ce que tu l'as déjà filé à Sandro? Non. Eh, bon bah écoute, alors attends 2 secondes, hein, on va le reprendre dans un instant là. Eh ben c'est la soirée ce soir, on est bien ou pas? Non, on est bien, mais on sent que c'est la dernière, que les gens ils se sont dit j'ai pas appelé de la saison, faut que j'appelle aujourd'hui. Allez c'est parti, je vais lâcher toutes mes conneries aujourd'hui, là je pense que ça va être pas mal. Bon, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre Nicolas qui est avec nous également, là encore un fidèle de l'année là qu'on a rencontré à Marseille là quand on a fait l'émission en direct. Ça va Nicolas? Oui, ça va très bien. T'es en forme? Oui. Bon, tu regardes un peu le match ou pas là? Non, pas du tout. Pas du tout. T'aimes pas le foot ou tu peux pas regarder? Non, j'aime pas du tout le foot. Eh ben très bien, c'est 0-0 pour l'instant là. Bon, alors Nicolas, toujours à la recherche de filles, de femmes? Oui. Toujours rien trouvé, donc toujours à la recherche. Parce que j'ai quelqu'un éventuellement qui pourrait t'intéresser. 30, oui, pourquoi alors, pas. J'ai quelqu'un de 50 ans comme toi. Oui. Eh ben Christine, attends, je te la passe. Allô Christine. Ouais. Ouais, je te présente Nicolas qui était avec nous là. Ça va Christine? Oui, qu'est-ce qui arrive, Nicolas? pour l'autre qui vient de passer là. Donc là, c'est elle qui parle beaucoup. En fait, elle ne sait que parler. C'est vrai que le gratin de chat, tu m'as piqué le truc. Oui, non mais Christine. Non, c'est pas le même. Oui, quoi, Christine, attends, il faut parler à Nicolas qui est avec nous là. Il cherche une femme. Une femme. Oui, Nicolas. Oui. Je te présente Christine. Oui. Bonjour Nicolas. Comment est-ce que ça? C'est pas mal qui pète, hein? Combien tu pètes deux fois par jour, toi? Oh putain. Quoi? Combien tu pètes par jour? Je pète. Quand c'est les 26 fesses là qui passent. Oh là là. Combien C'est vraiment la soirée ce soir. Je ne pourrais pas dire correctement français parce que je ne comprends rien du tout. Il n'y a pas de réseau, puis il y a le 26 fesses. Oui, il n'y a pas de réseau, ouais. Ouais, c'est la faute du réseau toujours. Ben bien sûr. Bon, tu sais, allez. Mais on papa. Explique. Qu'est-ce qu'elle raconte? Qu'est-ce qui arrive, Nicolas? Tu veux savoir combien je pète? Non, c'est pas grave. C'est pas grave. Bon, qu'est-ce mais que torché, tu veux, là, c'est pas possible. L'adresse de... J'habite sur le bassin d'Arcachon. Donc, bon, qu'est-ce qui arrive? Explique-moi. Allez. Non, elle est bourrée. Droite au but, c'est le cas de dire, puisqu'il n'y a pas de but. Oh là là, droite au but, c'est le cas de dire, puisqu'il n'y a pas de but. Comment veux-tu, que je t'encule? Allez, écoute-toi. Ah, voilà. Alors là, d'accord. Je viens de faire un but. Nicolas. Oui. C'est un problème ici. Il doit répondre. Mais je ne comprends rien du tout. Bon, alors Nicolas, est-ce qu'elle t'a plu, Christine, ou pas? Non. Je ne comprends rien du tout de ce qu'elle m'a raconté. Ah bon? C'est bizarre quand même. Oui. Bon, alors attends Christine deux secondes, là il y a Joël également qui a 49 ans. Salut Joël. Oui, salut. Salut, je te passe Nicolas. Salut. Coupe la radio Joël. Voilà. Oh, je sais pourquoi. Mais bah parce que Sandro vient de te le dire et sinon ça t'a pas perturbé que ça hurlait là, non? Non, ça va comme ça. Excuse-moi, j'adore le son fort. Hein. Oui, enfin, nous on aime bien le son fort aussi, mais enfin bon, pas du Larsen quoi. Bon, je te présente Nicolas, Joël. Joël, Nicolas, Joël. Pourquoi? Bah pour rencontrer. Mais j'ai besoin de rencontrer quelqu'un d'autre. Mais c'est pour discuter, Joël. Oh là là là. Ah, vous êtes tous d'accord. Ok, let's go. Vas-y. Allez. Bonjour, Joël. Je suis là. Allô. Bonsoir, Joël. Bonsoir. Oui. Comment tu vas? Très bien. Dis-moi, c'est quoi tes fantasmes que tu racontes à la radio? Oui. Qu'est-ce que t'attends d'une femme? Sérieusement. Parlons. Oui. Mais oui, mais réponds. Oui. Excuse-moi, mais réponds quelque chose. Oui. T'es toujours là? Oui. Devine à quel tenue je suis. Les fruits? Des fruits. Oh devine à quel tenue je suis. Non, mais je t'ai entendu à la radio. Tu veux des fantasmes? Tu veux quoi? Qu'est-ce que t'attends d'une femme? Oui, mais les fantasmes, j'ai envie de te faire jouir. Mais c'est pas seulement ça, mais est-ce que tu veux quelque chose de sérieux ou quelque chose de pas sérieux? De passage, je sais pas moi. Qu'est-ce que tu veux exactement? Les deux. Ah, il veut du passage, mais occasionnel. Mais si tu veux être heureux, sérieux. Il faut faire le choix. À gauche ou à droite? Ou le chemin tout droit? T'as le choix. Excuse-moi. Oh, ils sont loin les deux là. Dans la vie, c'est comme ça. La vie, c'est une bataille, hein. Putain, l'autre, il veut simplement se branler. Tu ne peux pas jongler comme ça avec les sentiments, les gens. Parce qu'un humain n'est pas un robot. Ah, putain. Femme, c'est pas une poupée non plus, qu'on jette comme un Kleenex. Voilà. Alors, attends, Joël. Bon, alors, Nicolas, tu préfères Christine ou Joël? La seconde. Ah, quand même. Attends, parce qu'il y a aussi Alexandra. Tu veux que je te la présente? 37 ans, Alexandra. Oui, très bien. Ah, bah, parfait. Présente-la-moi. Bah, Alexandra. Oui. Salut Alex, je te présente Nicolas qui est là. Nico, Alexandra, Nico. Oui, mais moi tu sais, Mika, que je suis en couple depuis 7 ans. Oui, mais c'est pas grave, il veut simplement. Il veut du passage. Il veut simplement se présenter, voilà, discuter un peu pour voir. Ok. Il n'y a pas de souci. Et toutes les meufs sont bourrées ce soir. Qu'est-ce que c'est, quoi ce bordel là? C'est 14 juillet. Hein. Bah, enfin, non, c'est 13 là encore. Alors. Oh, oui. Est-ce que tu serais d'accord pour faire l'amour un soir avec moi? Pourquoi pas? Elle a dit qu'elle était en couple depuis 7 ans. Hein. Ouais. Elle vit tout. Ah, déjà. Secret. C'est secret. Pardon? Secret pour le moment. Et qu'est-ce qu'il dit con, lui? Ça, c'est en Belgique, non? Non. Ah oui, secret, une belle ville belge. C'est la plus belle ville que je connais. Parce que moi, j'habite à Cannes. Ah oui. Ah oui. Mais bon, ça peut pas empêcher les choses, hein. Oui. Oh, et devine en quelle tenue je suis. Ah, on va y arriver. En petite nuisette. Oh, bah oui. C'est un homme à nuisette, moi je l'avais tout de suite vu. Bah alors, dis-moi. Quoi? Bah oui. Oui, je t'écoute. Cassons. Oui, mais devine en quelle tenue je suis. Et ben, je t'ai dit un truc, tu m'as dit non. Donc maintenant, j'attends. Bon, alors Nicolas, tu préfères laquelle? Alors Alexandra, Joël, bah attends, Christine. On sait pas dans quelle tenue il est. Bah oui, mais enfin bon, on va pas y arriver là. Ouais, il est tout nu. Exactement. On croit que ça se voit pas. Il est à poil d'apoil. T'es tout nu là, Nico? Oui, à poil. Donc t'as la bite à l'air qui voilà. Parle. J'ai gagné. Ça te gêne que c'est la bite à l'air? T'as gagné une chope. Ah non, non, pas du tout. Attends, Alexandra, deux secondes. Elle est chez Thor de torche. Voilà. Alexandra, reste avec nous deux secondes. On a également Cristal pour toi, Nicolas. Là. Nicolas? Oui, je voulais savoir une chose. Oui. Sandro, elle est en quelle tenue? Elle est nue, là. Elle est nue, les seins à l'air. Le téton à fleur de peau. Voilà. Est-ce que tu peux me la pâter? Oui, bien sûr. Bien sûr. Oui, allô? Allô? Choupinou? Non, je voudrais Sandro. Ben oui, c'est moi. Non. Mais si. Oh. Dis. Allô. Bon, est-ce que tu peux me passer l'autre auditrice? Laquelle? Mais moi je suis là. Moi je suis là pour toi. Pourquoi tu veux pas me parler? Allez, tu vends du balai. Oh non. Oh, tu es trop méchant. Pourquoi tu me fais ça? Allez. Mais dis. Bon, attends. Bon, Sandro, attends deux secondes. Il y a Mélissa avec nous de Dijon, là. Salut, Mélissa. Salut. Je te présente Nicolas. Enchantée. Enchantée, Mélissa. Ça devine va? Dans quelle tenue je suis? Oui, tu as quel âge? Oui, moi j'ai 18 ans. Ah, 18 pas le cul. 18 ans. J'ai pas compris. Moi non plus. Oui, j'ai compris. 18 poils au cul. Non, pas vraiment. Tu as quel âge? 18 ans. 18 poils au cul. Oui. Tu sais quoi là? Est-ce que t'aimes moi faire l'amour avec un homme de 50 ans? Ah oui, j'adorerais. J'adorerais faire l'amour avec toi. Oui, et là t'es en quelle tenue? Là moi je suis toute nue. Tu es à poil? Ah oui, extrait pour toi. Et devine en quelle tenue je suis? Mais enfin tu l'as déjà dit. À poil aussi. Oui, exactement. Ah oui. Et qu'est-ce que tu en penses? Que je sois à poil? Bah moi j'aime bien. Oh, cette conversation. Qui n'a ni que ni tête comme Tof. Oui. Oui, oui, je t'ai dit que j'aimais bien. Oui, et qu'est-ce que tu fais en ce moment? Bah là, je suis au téléphone avec toi. Oui, non, mais qu'est-ce que tu fais? Tu touches? Tu fais quoi? Ah oui. Dès que j'ai entendu ta voix, j'ai commencé à me toucher partout, Nicolas. Il se touche pas. Oui. Il est perturbé. Et... Ça va plus. Tu touches quoi? Bah, partout. Qu'elle se touche. Du haut comme en bas. Ah oui. Bon, et on va lui demander de choisir. Alors, tu choisis laquelle, Nicolas, là? Alors, Christine, Joël, Alexandra, Sandro ou Mélissa? La dernière. Mélissa? Oui. Eh ben, bravo, Mélissa, t'as de la chance, hein. Ah oh ouais, franchement, je serais trop heureuse à ta place. Ah ouais, ouais, ouais, là c'est top, hein, là c'est top du top. Hein. Bravo, Mélissa. Bon, reste avec nous, Mélissa. Nico ? Oui ? Tu vas faire quoi là ? Tu vas te branler ou pas ? Je suis en train de me branler. Ah, oh, parfait, parce que ça s'entendait pas comme ça à première vue. Eh ben, c'est parfait, très bien. Nous voilà heureux. Eh ben voilà, tu vas te branler en pensant à Toff ? Oui, est-ce que tu veux me repasser en antenne la dernière, Mélissa ? Et bien sûr, je te repasse sans droit, avec plaisir. Non, pas sans droit. Bon, d'accord, ok, Nico. Allez, bonne branlette, hein. Oui. Allez, salut, Nico. La bonne vacances, Nicolas. Hein. Oui, est-ce que tu peux me repasser en rentrée? Oui, oui, oui, oui, Mélissa, oui, oui, s'il te plaît. Oui, et Nicolas. Bonne vacances à toi. Oui, bah, pas de problème. Salut, Nico. C'était dur. Oui. Allez, pouf. Ah oui, c'était drôle. C'était dur. C'était drôle aussi, cela dit. Mais c'était bon, dur. C'est la mi-temps des prolongations, là. Toujours 0-0. Ça traîne, ça va finir. Au tir au but. Un match de Coupe du Monde de merde, donc, qui nous attend. Il y a, qu'est-ce que ça? Je l'ai jamais mis ou pas? Je sais plus maintenant. Mais ça dépend, c'est qui? Kessa. Oh la vanne. Oh la toffe. Ah, Kessa avec Hideaway, je crois que je l'ai pas mis. On va se le mettre dans un instant juste après la pub sur Fun Radio. Vous restez bien sur Fun. Dernière ligne, enfin dernière ligne droite, il reste trois quarts d'heure avec les appels malveillants qui arrivent dans quelques instants sur Fun Radio. Et puis le retour de tout le monde là. Putain, c'est Radio El Colo ce soir, c'est cool. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. 01 42 48 Samy. Mickaël, nos limites. De 20h à minuit sur Fun Radio. Toutes les nuits, au lieu de compter les moutons pour vous endormir, venez compter les têtes de cons. Ah oui, carrément. Vous allez kiffer vivre avec nous. Ah Mickaël, de 20h à minuit sur Fun Radio. Allez, c'est parti. Dernière tentative là, pour savoir lequel des deux entre l'Allemagne et l'Argentine va être championne du monde. Et ben, c'est parti pour la dernière mi-temps des prolongations. Il reste 15 minutes pour départager. Sinon, ce sera tir au but. On suivra ça, bien sûr, en direct avec vous. Dans pas longtemps, Drakit qui dit: je viens de réveiller mes parents à cause de vos conneries. Là, passe un message de bienvenue pour Marlène, avec plaisir. Attends. Fais de connard, de mange-merde. De trou du cul que tu es. Voilà, avec plaisir. Et Nadia qui dit: vous avez trop manqué, c'est Youssou à la rentrée pour retrouver le best des best émissions radio. Bah, merci Nadia. Et Dilek qui dit: Jean-François et Gilou sont les vrais horreurs de l'émission. Bah oui, malheureusement, Jean-François n'a toujours pas payé sa ligne. Donc on risque fort de ne pas la voir, malheureusement. C'est dommage, mais c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez? Dans un instant, le retour de Ghislaine là, avec son frère qu'elle veut appeler là. Ghislaine qui se gratte sur les coins de table. Hein. C'est quand même assez exceptionnel. On fait ça dans un instant. Le temps d'écouter Kessa, Hideaway, 23h17 sur Fun. C'est la dernière de la saison. Alors profitez, on est là jusqu'à minuit sur Fun. Taking me higher than I've ever been before. Le son de Kessa à l'instant sur Fun. 20h minuit. Fuck Mickaël, no limit. I don't fucking care. Sur Fun Radio. Fun Radio. Ouais, on est en direct évidemment là avec Jack Ilio, Sandro Nu, le rêve avec ses beaux seins. Ah oui, c'était pour notre ami Nicolas là qu'on a eu il y a quelques instants en direct à la radio. Bon, alors retour avec Ghislaine. T'es là, Ghislaine? Oui. Oui, très bien. Bon, Ghislaine qui donc se gratte sur les coins de table, c'est ça, hein? Voilà, c'est ça. Ouais. Et là, tu te grattes actuellement ou pas? Bah, pendant que vous me parliez pas, oui. Ah d'accord, ok. Mais tu peux le faire pendant qu'on te parle, hein, ça me dérange pas. Hein. Te dérange pas pour nous, hein. Voilà, nous fais comme si on n'était pas là. Mais hein. Peut-être que t'as des morpions. Ah oui, peut-être. Des petites bêtes qui te courent dans les poils. Non, des vers. Bah, oui, ah, des vers. Bah bien sûr, bien sûr, bien sûr. Dans le cul. Voilà. Non mais ça c'est ton frère, ça par contre, c'est Andy. Comment? C'est ton frère qui a des trucs dans le cul. Oui, mais ça, il y a que lui qui peut vous en parler. Ah bah bien sûr, évidemment. Bah écoute, on va l'appeler alors. Bah écoutez, allez-y. Bon bah alors on y va alors. Il s'appelle comment, tu m'as dit? Andive. Ah oui, Andive. Andive. Andive. Andia. Andia. Andia. Bondia. Bon, on y va. Andia. Andia. Andia. Ça va, Andy? Cochon, non, mais, non mais c'est parce qu'elle est sur sa table là. Et ça ne téléphone pas chez Andy. Il a pas payé non plus. Ah peut-être. Orange, ah bah bonjour. Voilà. Ah bah on est bien. Ah bah voilà, ça a servi à grand chose, Serge Gislaine, hein. On est bien là. Bah si, ah bah oui, mais là c'est le répondeur. Rappelez, c'était le répondeur, Ghislaine. Ah bon, encore une fois, et puis sinon tant pis, hein. Oui, c'est vrai. Faudrait que tu te caresses sur ta table toute seule. Ouais, malheureusement. Mais je peux toujours te prêter un doigt si tu veux. Ah bah merci, c'est gentil. Bah avec plaisir. Toi, c'est toujours pour rendre service, hein, tu sais bien. Ah oui. Bah voilà. Un homme altruiste. Il y a l'effort, hein. Pas beaucoup, hein. Ouais, mais t'inquiète. Ah bah voilà. Eh bah voilà. À mon avis. C'était parfait. Bah il doit, à mon avis, être en train de se gratter à son tour, hein. Bah oui. Et est-ce que vous avez le bon numéro? Il se gratte avec les vibrations du téléphone. Bah on a le numéro que tu nous as filé. Donc oui. Bah, appelé normalement et il m'a dit qu'il attendait votre appel, je comprends. Oui, mais là pas. Ça fait deux fois, Ghislaine. Bon, on essaiera tout à l'heure, Ghislaine. Bah, essayez une dernière fois. Mais c'est toujours le répondeur, Ghislaine. Bah, bon, écoute, on rappelle après. Ghislaine, bouge pas parce que sinon il y en a d'autres, on n'aura pas le temps de passer tout le monde. Reste avec nous, d'accord? Ouais, mais moi bon. Je dois bientôt partir donc. Eh bah, ça tombe bien. Attends, on essaiera après. Bouge pas. Mais on sait pas comment se débarrasser. Voilà. Attends, on va essayer de récupérer Georges. Georges! Oh putain. Georges qui est donc à la fête de son village là pour le 14 juillet. Et but de l'Allemagne! À 8 minutes de la fin, 1-0 pour l'Allemagne. Je pense que la choucroute est cuite. Ah oui, on va pouvoir sortir les saucisses et le lard. Exactement. Angela Merkel également est au Brésil. Elle a lâché une grosse plaque de jouissance. Et oui, la quatrième étoile de l'Allemagne est là, presque pressante. Bon ben voilà, 1-0 pour l'Allemagne. Ils sont bien nos amis allemands. Voilà. Le bâtard, il en a profité pour lui mettre une batte. Ouais, non mais c'est entre équipiers. Ou à moi qu'il avait vraiment la rage, hein, c'est possible aussi ça. Voilà, donc 1-0 pour l'Allemagne, on vous tient au jus, ça se termine dans 8 minutes. Et c'est un beau but en fait, pour le coup, c'est un beau but, c'est pas un but de châteux, on va dire. Donc bravo, bravo l'Allemagne. Pour l'instant, l'Allemagne est championne du monde. Reste 8 minutes. Voilà. Oui, en plus c'est le Michel. Toff, regarde. Comment t'as pas l'image là? Ah bah un très beau but, hein, tiré de la droite vers la gauche par Furle. Non, c'est Goethe. C'est pas grave, c'est le même. Non, c'est pas le même. Non. C'est pas normal, c'est le seul qui est pas normal. Voilà. Je savais pas que Goethe faisait du football. Ah oui, bah voilà. Donc c'est Goethe. Il écrivait des livres. À la 113e minute. Ah, voilà. Oui. C'est pas Goethe, c'est Goethe. Goethe. Ah, Goethe. C'est pas Goethe. Ya. Bon, bah 1-0 en tout cas. Donc on vous tient au jus, je vous l'avais promis. Voilà, c'est donc chose faite. Pour l'instant, l'Allemagne est championne du monde. Bon, Georges. Ouais. Ah, t'es de retour, Georges. Oui. T'es en direct de ta fête là? Ça y est, je sors, ça y est, c'est fini. Ah, ça y est, c'est fini. Ouais. Très bien. Bon, Georges, parce que oui, j'avais une fille à te présenter, là. Ouais, c'était qui? C'est Mélissa. Ouais, j'ai entendu. Ah bah voilà, elle a 18 ans. Mélissa. Oh, ça tombe bien. Et allô? Mélissa, il y a Georges qui est là. Enfin. Ah bah oui, Georges, enfin. Tu peux pas te mettre dans un endroit où il y a moins de bruit? Oui, ça y est. Oui, vite fait alors. Ouais, là ça va mieux ou pas? Ouais, ça va, ouais, ah ça va ouais, mieux. Là, c'est, on est au top. Là. Non, là ça va un peu mieux là. Bon, alors Mélissa, parle un petit peu plus fort puisqu'il est dans un endroit où il y a beaucoup de bruit là. Ouais, ok, ça marche. Alors, Georges, je te présente Mélissa. Mélissa, Georges. Bonjour Mélissa. Salut Georges, ça va? Salut, ça va et toi? Ouais, très bien. Je sors de la soirée là. Ouais, j'ai entendu, c'était bien. Ouais, c'était trop bien. Et demain, je vais à Paris aux Champs-Élysées. Ah bah ouais. C'est génial. Avec Polo, il va être avec Polo sur les Champs. Il va défiler. Ils feront la fête. Non, pas avec Polo. Tu seras avec des meufs, toi, Georges? Ouais. Ah ouais, bien sûr, toi, t'es un beau gosse, toi. Peut-être avec... Elle fait quoi? T'es là J'ai oublié son nom. Allô? Elle s'appelle Mélissa, Georges. Mélissa? Oui, enfin. Mélissa? Oui. Oui, tu fais quoi de beau, toi? Là, je sais rien. Ouais. Ça te dit de venir? Comme ça, on fera connaissance. Ça te dit qu'on se voie? Comme ça, on fera connaissance, tout ça. On se voie. Ah, mais oui, mais tu habites où, genre? Dans le 93. Ah, bah, ça marche. Alors, tu me dis quand tu veux. L'année prochaine, peut-être. Et sinon, t'as déjà eu des relations sexuelles? Oui, ça a duré 2 ans. Déjà eu des relations, ça a duré 2 ans. Sa relation, il a abusé pendant 2 ans non-stop, le bâtard. Il a jamais arrêté. Pendant 2 ans, il a niqué. Ouais. Mais je crois que t'as pas bien compris ma question, en fait. La relation amoureuse? Non, sexuelle. Non, ça, j'en ai pas encore eu de rapport sexuel. Ah ouais, ben, faudrait t'y mettre, hein. Mais c'est pour ça qu'il te contacte. Il comptait sur toi? Bah oui, c'est ça, t'es une professionnelle, toi. Tu as l'habitude. Je vais l'initier, le petit homme. Bah voilà, ouais. Tu vas l'initier à tout ça. Ouais. Allô? Oui, allô? Ouais, et ça te dit ou pas? Bah oui, bien sûr. Sinon, tu fais quoi de beau demain? Oh putain, c'est pas vrai. Il y avait longtemps qu'il n'y avait pas demandé. Je fête le 14 juillet, et toi? Tu veux que je vienne avec toi? Ouais. Bah ouais, tu veux? Comme ça, on le fête ensemble. Puis Dijon, c'est à côté. En plus. Mais par contre, j'espère que... Que je suis beau. Parle bien, etc. Ouais, je parle très bien. t'inquiète pas. Ouais, il est propre sur lui. J'ai entendu à la radio et en fait, je trouve que tu poses beaucoup les mêmes questions, etc. Ouais, c'est vrai. Donc, faut que j'arrête les mêmes questions, en fait. Ah bah ouais, faut que t'arrêtes et vite, là, genre. Ouais, c'est vrai. Ouais, donc je vais arrêter. Surtout avec toi, si on s'entend bien et tout ça. Ah bah, oh là là. C'est mieux pour tout le monde. Pourquoi, en fait, je fais ça. Tu vas comprendre tout de suite. Parce que j'en ai marre de pas avoir de copine, en fait. Tu fais quoi de beau? Moi? Allô? Allô? Tu m'as dit, je fais quoi de beau? Oui, oui, je t'entends. Tu fais quoi de beau? Tu m'as déjà demandé, Zor. Il faut arrêter tout ça. Il m'a engueulé. Allô? Oui, Georges. Tu m'entends? Oui, je t'entends très bien. Ça fait trois fois que tu me demandes. Tu fais quoi? Ah, mais tu m'as déjà posé la question. Je n'ai pas fini de te poser des questions. Ah ben, pose-en d'autres. Moi, j'attends. Demain, t'es contente de me voir? Ben oui, je suis très contente de t'entendre. Ma soirée était fichue jusqu'à ce que j'entende ta voix, Georges. J'espère que ça va être bien demain. Ah ben, j'espère aussi. T'es contente que je suis contente de te voir demain. Ah bah moi aussi je suis content que tu sois content, que je sois contente de te voir demain. Allô? Oui, Georges? Tu fais quoi Allô de beau? Allô, Georges? Tu fais quoi de beau? Ben je suis au téléphone avec quelqu'un qui s'appelle Georges, je sais pas si tu le connais. La deuxième fille? Ouais, en fait tu m'as tapé dans les doigts et... Mais demain c'est pas sûr pour demain. Ah pourquoi t'es overbooké? Je m'en doutais. J'ai pas fini de te poser des questions. Ouais. T'as entendu que c'était une autre voix? Que c'était une autre voix? Allô? Oui. Ah d'accord. J'ai pas compris en fait. Tu fais quoi de beau? Mais c'est une cata là genre. Là, là allô, je pense que de la médecine, hein. Je peux plus rien faire pour toi moi. Allô Céphine? Allô quoi? Allô Céphine? Mais c'est pas Cécile là, c'est Mélissa. Ah d'accord. Georges, tu fais quoi de beau? Ah, toi, je te connais, je crois. Mais tu parles à quelqu'un d'autre en même temps, parce que là, je comprends pas trop en fait. Ah d'accord. Ben, on va remettre le vrai parce que là c'est tous mes pissons. Moi aussi, j'en ai des questions. Vas-y, Mélissa, pose-les-moi. Ben, pourquoi tu me poses toujours les mêmes questions? C'était enregistré, c'est pas moi. C'est un enregistrement. C'est comme quelqu'un qui dit... Oui, mais c'est quelqu'un qui m'a dit dans ma tête. C'est un enregistrement. Ah, sérieux? Mais oui. On voit pas tellement la différence, en fait. En fait, tu vois pas la différence, mais c'est enregistré. D'accord. Sinon, t'aimes bien faire quoi dans la vie? Moi, ben... Un peu tout, Ouais, t'aimes bien aller en boîte? Ah oui, ouais, j'adore. Tu fais quoi de beau? On y va. Et toi, tu vas en boîte? Moi, je vais à la Costa du Sol. Costa du Sol, c'est quoi en ça? Boîte Costa du Sol. J'ai 18 ans. Ah, d'accord. Et sinon, t'as pas entendu que c'était un enregistrement? T'as cru que c'était moi qui te parlais, en fait? Oui, oui, j'ai bien compris, genre, je c'était un enregistrement. Bah alors, il reste une minute de jeu. Hein. Ça te dirait que si t'as Facebook, comme ça tu vois à quoi je ressemble. Oh bah. Et puis comme ça tu dis. Ouais, mais parfois c'est mieux de rester dans l'imagination. Hein. Ouais, c'est vrai. Bah oui, c'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. Bon, alors du coup, ça, elle te plaît, Georges Mélissa, ou pas là? Ça va, elle est trop charmante. Ah oui, en plus elle est belle. Hein. Ouais, je l'ai pas encore nue, je peux pas dire. Ouais, mais juste sa voix, tu sens qu'elle est belle. Ouais. Tu sens, c'est une bimbo, c'est une bombe. Ah, c'est une bombasse. Je sens qu'elle me correspond. Ah bah parfait, alors écoute. Bon bah alors on va vous laisser au rentaine et puis... Vous allez faire connaissance. Voilà, c'est... Ok, y a pas de problème. Attendez, mais je suis bête. Ouais. Ça aurait été au top là, vous voulez pas faire un petit match d'impro à deux? Oh non. Franchement, si. Ah bah parfait, alors attendez, bah alors bougez pas Georges et Mélissa là, bougez pas de là. Alors attendez, avant de se mettre le son de Both avec Straight on the Line, avant de faire les derniers appels de Toff, on va suivre cette Coupe du Monde en direct, il reste 10 secondes. On a déjà vu pire dans cette compétition. C'est Lionel Messi qui va tirer un coup franc, s'il le marque, ça va au tir au but. S'il le marque pas, l'Allemagne sera éliminée et donc l'Argentine pardon sera éliminée et l'Allemagne sera championne du monde. C'est Lionel Messi. Putain, s'il réussit, ça va encore. Oh, Lionel Messi, oh là là, j'espère qu'il va rater. Donc il va. Oui, je n'aime pas Lionel Messi. Hein. Ça s'entend pas, je te rassure. Ah bon, bah tant mieux. Non, non. Parfait. C'est excentré et loin. Bon, allez, c'est excentré et loin. Et donc le commentateur, lui, est argentin. Et bravo à lui, parce qu'il ne donne pas son avis malgré tout, tu vois. Ça, c'est, non, bon. C'est vrai, c'est bien. Il aurait pu être pro-Argentine, tu vois, alors que pas du tout. Allez, c'est parti, on vous tient au jus. Dernier tir, dernier coup franc. C'est Lionel Messi qui tire. Et est-ce que si ça rentre, ça va au tir au but hein. Si ça ne rentre pas, l'Allemagne est championne du monde. Oh, le sifflement. Ouais, bah tu m'étonnes. Bon, alors oui ou merde, Lionel. Allez, hop, c'est parti. Et c'est trop. Et l'Allemagne. C'était la dernière chance, très certainement, pour l'Argentine. Mais voilà. Si ne l'a pas concrétisé. L'Allemagne est championne du monde. Ce qui fait qu'il est fort sous sa frappe. On s'entraîne voilà. Encore un peu là, mais à mon avis, c'est plié là. Ça n'ira pas au tir au but. De la jouer directement. Voilà, ben, on vous l'annonce en exclu total. L'Allemagne est championne du monde. Rizzoli qui regarde son chronomètre. Et. Le long dégagement du monument allemand. Ah, c'est pas fini encore. Un autre dégagement de l'autre côté. À destination. Ou alors c'est l'arbitre qui a envie que l'Argentine gagne. Le retour de Garcia. Elle dit bah non merde, c'est la finale là. Sifflé. Biglia qui met ce ballon dans. Ah, il veut pas donner le coup de sifflet final. Est arrivé plein fer là. Oh là là, putain, dans deux heures on est encore là, dis donc. Ah, Schweinsteiger. Il a sifflé. Terminé l'Allemagne. Ah bah voilà. Et oui, c'est récompensé, cette génération allemande est récompensée. Et bah voilà l'Allemagne championne du monde. Oui, désolé pour tous ceux qui ont un maillot de l'Allemagne, là, il va falloir le jeter, puisqu'il y a une quatrième étoile maintenant qui vient s'y ajouter. Et Angela Merkel est très contente. Ah, oui. Bravo. Oh là là. Et bravo également à ceux qui ont vu l'info, à la Corée du Nord également qui vient d'être championne du monde chez elle. Ah ouais. Puisqu'ils ont quand même dit, il faut. Apparemment, c'est ce que j'ai vu sur un site d'info, apparemment il faut quand même courir le. Enfin, il faut pas courir le bruit. Ils disent à tous les Coréens du Nord, vous savez que la télé là-bas, il y a que la télé coréenne du Nord gérée par l'État et par Kim Jong-il qui est autorisée. Et donc pour les habitants, c'est Corée du Nord, Portugal ce soir en finale. Et donc la Corée du Nord, bien sûr, va gagner, bien entendu. Enfin, a gagné, évidemment. Hein. Donc voilà, donc c'est quand même un pays de ouf, quand même, il faut le savoir. Bon, allez, bravo à l'Allemagne, en tout cas, qui est championne du monde ce soir. On écoute Both Raid Online juste après. On se fait les derniers appels malveillants. Et voilà, Both à l'instant, Straight Out of Line sur Fun Radio. Il y a Polo contre le reste du monde qui va arriver. Les derniers appels malveillants maintenant, là, on y va, Cash, là, sportif. Allez, on y va allez, direct. Et c'est à base de sextoy. Ouais, 18% des femmes garderaient leur sextoy en permanence avec elles, genre dans leur sac à main, dans leur valise pour partir en vacances. Et on vérifie ça comme tous les soirs. Exact. Allez, c'est parti. On y va, on appelle maintenant, là, go. Allô. Oui, bonsoir, monsieur. Oui. Oui, voilà, en fait, je vous avais, parce que je voulais savoir si votre femme avait des sextoys, monsieur. Ah non, hein, avec moi, ça suffit, hein. Ah oui, elle n'a pas besoin de plus. Non. Ah non, bon, mais toi, t'es un connard. Mais pourquoi vous dites ça, monsieur? Parce que t'as un trou de cul, on le voit d'ici, t'as un trou de balle comme un ballon de football. Oh non, monsieur, je peux pas vous laisser dire ça. Ah si, oh, non. Trou de cul. Oh non, monsieur, non. C'était notre fameux trou de balle. Ah oui. Allez, on le rappelle. Ouais, ah oui, il arrive, là. Oh là là, il... arrivée imminente. Encore joué? Bah non, monsieur, mais c'est pas gentil. Encore joué, trop de balles. Mais c'est trop de balles. C'est pas gentil ce que vous me dites, monsieur, enfin. Trop de balles. Mais enfin, trop monsieur. De balles. Pourquoi vous êtes si méchant avec moi? Trop de balles. Trop de balles. Trop de balles. D'accord, mais. Allez, au revoir. Ah bah oui, il se raccroche au nez lui-même, du coup. On l'avait rappelé encore une fois. Oui, c'est vrai. On le rappelle. Trop de balles. Trop de balles. Trop de balles. Trop de balles. Trou de balle. Trou de balle. Trou de balle. D'accord. Trou de balle. Trou de balle. Trou de balle. Vous êtes sur un numéro. Trou de balle. Trou de balle. J'aime bien pourquoi il dit vous êtes sur un numéro qui s'arrête trop de balles, c'est dingue. Bon bah voilà, c'était le dernier appel malveillant qui reviendra évidemment le 17 août avec tout le monde. Hein. Mais bien sûr, avec plaisir. Évidemment. Bon, et puis on a Mélissa et Georges là pour le match d'impro. Alors attention, ouais. Georges et Mélissa, le thème, vous êtes. Qu'est-ce qu'on met comme thème d'ailleurs ce soir? J'avais mis. Ah oui, ouais, baise-moi une dernière fois, fais-moi du sale. Voilà. Ok. D'accord. Maître Gims qui m'a tout appris. Bah oui, bien sûr. Bon, on y va. Donc vous avez, deux minutes, Georges et Mélissa. Draguez-vous, faites ça dégueulasse, d'accord. Et il faut que ça baise, hein. Ok. Ok. Allez, sois bon. Et c'est surtout Georges qui m'inquiète, mais sois bon, Georges. Hein. Ok. Allez, go. Écoutez bien les auditeurs, puisque vous allez devoir voter après. On vous écoute. C'est parti, go. Allô, Mélissa. Ouais, Georges, tu veux pas qu'on aille dans un coin? Si, je te baise. Ah, vas-y, mets-moi ta bite dans la bouche. Si. Allez, va. Vas-y, je te baise, putain. Ah, tu vas me baiser? Si, je veux te démonter. Oui, je te démonte. Ah oui. Bah, fais-le. Je te suce la chatte. Tu suces, non, non, c'est je te bouffe la chatte. Allez, c'est pas je te laisse la chatte. Vas-y. Allez, mets-moi tes dents dans le cul, va. Vas-y, je te le mets dans le fion. Je te le mets dans le fion. Ah oui, va. Allez. T'aimes ça, hein? Ah oui, j'adore. Je te baise. Ah oui, encore. Je te baise. Allez, va. Je te démonte. Qu'est-ce qu'il est violent, ce Georges. Tu vas me faire quoi après? Georges. Non, elle est tombée. Ouais. Ouais. Moi j'en peux plus. Ouais, je te. Allô. Ouais, allô. Allez. Ouais. Georges. Oui. C'est tout ce que t'as? Non. La télé derrière, il peut pas être partout. Allez, continue. Oui. Allez, Georges. Ouais. Allô. Ah oui. Oh, ils sont mauvais. Bon, enfin, la pauvre Mélissa, elle fait ce qu'elle peut, mais. Oh, Georges, c'est pas très bon. Pas très en forme ce soir. Non. En train de vient de rater la meuf de Goethe. Oh là là là là là. Allô, Georges? Non, Georges nous a mis en double appel. Ah, il nous a mis en double appel. Oui, Georges. Il nous a mis en double appel. Bon, bah voilà. Eh bah écoute, Mélissa, bah reste là deux secondes. On va demander l'avis des auditeurs. À vous de voter maintenant. Lequel des deux vous avez préféré, Mélissa ou alors notre célèbre Georges? Vous envoyez M-I-K-L suivi du message au 64 900, par SMS. Ou alors, si vous êtes en Belgique, vous envoyez aussi M-I-K-L espace votre message au 3044. Bon, Mélissa, tu restes avec nous. On va essayer de récupérer Georges dans un instant. Et puis, on va prendre Anthony. T'es là, Anthony? Ouais, je suis là, Mickaël. Ça va? Bah, on peut dire ça, oui. Bon, alors Anthony, le spécialiste du foot aussi, qu'on a eu qu'on a eu plusieurs soirs, ouais. sur Fun, surtout en cette fin de saison là. Spécialiste du foot. Alors, qu'est-ce que tu as pensé du match d'hier d'abord entre le Brésil et les Pays-Bas? Bah, ça a été un match fermé, mais les Pays-Bas ont quand même gagné, donc je suis quand même un petit peu content que le Brésil n'a pas gagné parce que il méritait pas de gagner. Ah, bon, ok. Et alors Allemagne, Argentine? Bah, je suis quand même un peu déçu pour l'Allemagne, mais pour l'Argentine, mais je suis quand même content que c'est l'Allemagne qui a gagné. En fait, c'est bien parce que tu te mouilles jamais. C'est quoi? Tu ne te mouilles pas. C'est-à-dire que t'es content pour l'un, triste pour l'autre. Voilà. Ah bah oui, il n'y a jamais de problème. Non, il n'y a pas que ça, mais je voulais pas que ce soit un des deux qui gagne, mais bon, c'est obligé, donc. Oui, tu voulais que c'est le principe de la compétition. Tu voulais qu'il n'y ait aucun des deux qui gagne cette finale. T'as raison. Ouais, j'aurais préféré que ce soit l'Italie ou l'Algérie ou la Belgique, mais bon. Bah ouais, mais ça on peut pas tout avoir, hein. Non, c'est sûr. Bah non, non. Et c'était qui pour toi le meilleur joueur de ce soir? C'est qui a marqué. Et qui s'appelle? Gueux, je crois. Ah, Gueux, exactement. Gueux. C'est Gueux qui a marqué. Gueux, exactement, ouais. Bon, et ben voilà, ben merci pour cette. Je pense que ceux qui n'ont pas pu voir le match sont quand même ravis d'avoir pu entendre ton commentaire et ton avis sur ton résumé du match. Une très belle analyse. Très belle analyse à chaud. J'aurais pas pu faire mieux. Ah bah non, ça c'est certain. Hein. Donc c'est parfait. Bah écoute Anthony, là on te récupère à la rentrée avec d'autres matchs bien entendu, pour les matchs italiens, les matchs turcs. Pas de problème, mais même pour la Ligue des Champions et la Ligue Europa. Ah bah parfait. Pour la Ligue Europa. Eh ben on te tient au courant et puis merci en tout cas pour tout ce que tu nous as donné cette année, hein, Anthony. Hein. Ouais, c'était bon. Franchement, non, vraiment, on ne sait comment te remercier. Hein. Ben c'est moi qui vous remercie de m'avoir appelé. Oh non, écoute, c'est nous qui te remercions, Anthony. D'accord. Bon. Eh ben merci beaucoup, Anthony. Mickaël ? Ouais. Je peux passer un petit message ? Bon allez, vas-y. Alors pour toutes les filles. Que t'as connu avant. Qui cherche de l'amitié, je suis là, donc on peut envoyer mon numéro et pour les garçons qui sont gays, qui veulent des sérieux, ben, je suis là aussi. Voilà, en fait il est toujours là quoi, il est toujours disponible. Ouais voilà, donc t'es là pour tout le monde quoi. Voilà. Et bah voilà. J'ai besoin d'amitié parce que j'ai personne, donc. Oui, bah. Oh bah écoute, très bien. Bah alors le message est passé, donc appelez-nous 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0 depuis la Belgique. Bon bah salut Anthony. Salut Mickaël. Ah bah salut Anthony. Allez, Polo contre le reste du monde à suivre dans un instant sur Fun Radio. Vous restez tous là. Il y a Party Fun qui arrive également juste après ça sur Fun. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. 01 42 48 5000. Mickaël, nos limites. De 20h à minuit sur Fun Radio. 20h minuit. Fuck Mickaël, nos limites. I don't fucking care. Sur Fun Radio. Oh là là, et cette remise de médaille là pour foutre un peu plus la honte aux Argentins, c'est, ils vont recevoir une médaille, ils s'en battent les couilles de leur médaille de merde là. Mais c'est déjà pas mal qu'ils soient arrivés là. Oui, non, oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Ils ont pas été énormes non plus. Mais bon, ils partent avec un joli chèque quand même. Ah oui, oui, oui, ah bah c'est clair. Mais oui, je pense qu'elle a dû une depuis tout à l'heure. Ouais, ouais. Mais apparemment, les Allemands ils prennent 160 000 euros. Et puis après, alors les meufs des joueurs allemands là. Oh là là là là, c'est le mec, grosse mec il a eu le pur bombe en dessous de lui. Qu'est-ce qu'il fait? Il regarde la coupe. Non non, il s'en branle, il regarde la coupe plus loin là, il s'en branle. Oh là là là là. Il a déjà une coupe dans son lit là. Mais ouais, scandaleux. C'est super méga bonne. Polo, s'il peut avoir le quart de la moitié de ça. Ah, mais moi j'ai pas le quart du dixième de la moitié du centième. Mais c'est parce que j'ai pas de sous moi, je suis pauvre donc ouais, j'ai pas de meuf. C'est vrai, c'est vrai. Bah, fais une coupe du monde, tu prendras de l'oseille. C'est vrai. Bah l'année prochaine, dans 4 ans, non, dans 2 ans on fait équipe de France. Je vais faire ça ouais comme métier. Coupe d'Europe. Bah voilà, ça me paraît un bon plan ça. Bon, avant de partir, il y a Marc qui est avec nous là. Marc, t'es là? Eh, je suis là les gars quoi. Ah, oh, ça va chicoter là. Eh oui, comment ça va Marc? Ça va nickel comme là, j'ai vu toutes les femmes des footballeurs, c'est bon ça. Eh oui, bah bien sûr, évidemment. Bon, alors, quoi de neuf? Bah la moitié de 18 hein, mon frère, ça va. Oui, bah non, oui. Écoute, ça va, tranquille, je vois, j'ai regardé la coupe du foot là. La coupe du foot. Oui. Là, très très bon match quoi. C'était ah bah exactement. Mais t'as paniqué une meuf là ce soir, Marc? Ah Dieu, pour fêter ça. Ah je sais pas, je demande. Je parlais de ça. Mais dans ce cas-là, tu me demandes le feu d'artifice, ça va péter dans tous les sens ce soir. Ah bah voilà pour le 14 juillet bien sûr. Ça va péter les gars. Ça va exploser. Bon, avec madame ou avec une nouvelle? Avec une autre demoiselle là. C'est la Coupe du Monde quoi. Tous les 4 ans, tu changes un peu de demoiselle quoi. Ah bah évidemment, évidemment, évidemment, c'est normal. Ça va péter les feux d'artifice là, vous êtes où vous les gars là? Ah bah nous on est à la radio hein, comme tu peux le remarquer. Et on voit super bien les feux d'artifice. Ah là on est au top du feu d'artifice, on a une vue sur rien en fait hein. Voilà, donc on a une vue d'artifice de rien. Enfin une vue sur le feu d'artifice de rien. Moi les gars je vous propose quoi, c'est le 14 juillet, c'est la dernière. J'amène quelques gonzesses quoi, on fait un petit chouka-chouka là, tranquille. Eh ben écoute, je te laisse t'arranger avec Polo, ne bouge pas, d'accord? Est-ce que tu es chaud mon frère là? T'es mais chaud, bien quoi. Sûr, évidemment. T'es pas chaud, depuis tout à l'heure j'écoute là, j'ai entendu les deux qui faisaient l'histoire là, c'était nul. De quoi? Ah le match d'impro? Bah c'était nul les gars. Eh ben putain, et figure-toi. Non non ils ont rien gagné. Figure-toi que c'est Georges qui a gagné, Mélissa, c'est dingue hein. Mais sérieux? Eh ouais, pourtant t'as fait tout ton possible et je l'ai trouvé. Mais les gens ont voté Georges en masse. Eh ouais, ils ont voté Georges en mars. Georges en masse, Mélissa, c'est dingue. Mais bon, bah écoute, c'est comme ça, c'est pas grave, hein. C'était pour l'honneur de toute façon. Hein. Bah oui. Bah oui, bon. C'était pour le plaisir, grave. Donc c'est pas grave. Bon, en tout cas, allez, non, on a un lot de consolation pour Mélissa. Un sextoy? Oui, à faire part. Passagedudésir.fr. Bah voilà, comme ça tu ne repartiras pas les mains vides, ma belle. Ah cool. Bon ben voilà, avec plaisir. Bon, je te fais des gros bisous. Attendez, je pourrais faire une dédicace avant. Allez, vas-y, ouais. J'ai le droit à combien de personnes? Bon, allez, vas-y, fais péter, ce soir c'est open bar. Sérieux, bah alors dédicace à Dounia, à Lucia, aux Hortensias, à ma ça mère, va être chiant. À tous ceux qui me reconnaîtront, et puis bon ramadan à tous les musulmans. Très bien, et ben voilà, pas de problème. Le message est passé. Salut Mel. Au revoir. Gros bisous, à bientôt. Elle est partie déjà. Bah voilà, elle est partie. Bah, très bien, très bien. Bon, Polo against the rest of the world. On y the va. Last one, motherfucker. Ouais. C'est parti. Pourquoi ça ne marche pas? Ah voilà. Salut, c'est Clara Morgan et vous écoutez Polo contre le reste du monde. Et bienvenue dans Polo contre le reste du monde. Vous êtes sur Fun Radio. On commence tout de suite. Je suis Polo et voici le reste du monde. La grosse. La grosse. Bonsoir. Vous aurez remarqué qu'il y a une musique de la choucroute derrière. Ah oui, Zalman a gagné. Ça me donne très très fort. Bon, la grosse, qu'est-ce que tu veux? Vas-y, vite, là, on n'a pas que ça à faire. J'ai envie de choucroute et de flamme-cuche, là. Tu veux de la flamme-cuche? Bah ouais, parce qu'elle a joué un ramadan à tous les musulmans. Mais tu l'es pas, là, elle me saoule. Aurélien. Ouais, Polo, ça va ou quoi? Ouais, et toi? Bah ouais, ça va. Non, mais en fait, j'appelle juste pour te dire que tu vois, un jour, il y a Dieu qui a ordonné que le Coca-Cola et le Coca-Cola. D'accord. Samir, welcome in the ouais, polo of the against the rest of the world. Je t'écoute. Je te comprends pas, Samir. Maëva, la douce fada, je t'écoute. Ouais, ça va ou quoi? Bien, et toi? Ouais. Vas-y. Oh putain, oh putain. Quoi? Hier, t'as vu, je me baladais tranquille à Paris. Ouais. Et là, qu'est-ce que je vois? Quoi? Je te vois en train de faire les trottoirs au bois de Boulogne. Oh, c'est drôle ça, c'est très drôle. Maëva? T'as de la chance d'être une fille de moins de 14 ans, sinon je te remets une baffe dans ta gueule. Baptiste, welcome. Ouais, ça va Polo? Bien et toi? Je peux avoir une bonne assise de bienvenue pour la dernière? Non. Oh si, attends, on va te mettre ça. Ouais, trou de balle. Trou de balle. Eh hey, Polo, t'es te fait enculer. Avec plaisir. Corentin, welcome. Je t'écoute. Qu'est-ce que tu veux, Corentin? Corentin? Bon. Jérémy? Ouais, Polo, bienvenue. Ça va, chez tout Fun Radio. Ouais. Je suis venu lundi au studio, comment ça va? T'es mou comme ça à l'année ou c'est juste pour me faire chier? C'est pour te faire chier. Bon allez dégage. La grosse, welcome. Ouais là je suis en drive de quick là, tu veux passer ma commande en direct? Non, Marc. Salut mon frère, quel bonheur de t'avoir là. Salut Marc. Quel bonheur de t'avoir au téléphone Polo là. Super. Putain, t'es la dernière mon frère là. C'est la dernière. C'est la dernière. Putain, y'a que des gossesses là, dis-moi ça là. Dis-moi y'a que des gossesses. Non, y'a que des mecs, désolé Marc. La grosse, de retour. Ouais, donc bonsoir, je prendrai 50 menus longfish. Ouais. Avec de la salade et des poissons panés. Vous mettrez dans le plastique, parce que moi j'aime pas les fruits. D'accord, Aurélien. Ouais, bon bah vous avez déchiré les mecs cette année, hein. Merci. Samir. Ouais, j'ai battu un record. C'est quoi? J'ai réussi à faire en 15 jours un puzzle sur lequel il y avait écrit de 3 à 5 ans. Il y a écrit quoi? De 3 à 5 ans. Eh bah bravo Samir, félicitations. Maëva, la douce fada, je t'écoute. Big up à Corentin et Zufix. Super, Baptiste. Ouais, Polo, elle est un peu casse-couille, la grosse, on comprend rien à ce qu'elle dit. C'est vrai, mais qu'est-ce que tu veux, tout le monde est le bienvenu ici, Baptiste. T'as quelque chose à dire? Ouais, pourquoi on fait, y a l'armée des doux et pas l'armée des durs? Parce que ça n'existe, parce que c'est comme ça. Et fais pas le jaloux à ton âge, t'as 21 ans, t'es pas un gamin. Corentin. Ouais. Ouais, je t'écoute. Je fais une dédicace. Vas-y. Une dédicace à GG, à Tiffen, à Alan et à... Voilà. Super, Jérémy. Ouais, moi je fais une dédicace à toute l'équipe parce que vous êtes les meilleurs. Oh merci Jérémy. Marc, le retour. Ouais, dédicace à Issos quoi, y'a que des man là. Ouais. Allez, on fait gros. Ouais, tu m'as voulu me couper ou quoi? Pas du tout. La grosse, le retour. Mais moi lui là, mais moi, là, ce connard de Baptiste là, il m'a insulté. Mais non, la grosse, qu'est-ce que tu veux? Allez, vas-y. Je veux lui parler. Non. Aurélien. Ouais, moi je fais une dédicace à ma bite et puis je donne plein de chocolat à la grosse. Super, Samir. Ouais, bah dédicace à Andrea et... Maëva. Putain, t'es un bâtard, tu m'as même pas laissé finir sur ma... Mais vas-y, parle, ou d'ouvrir ta gueule, là. Avec des fruits, Corentin, je m'ouvre, c'est... Hop là, Baptiste. Ouais, Polo, c'est quand que tu vas faire les 24 heures du monde, là? On t'attend sur le circuit. J'arrive, là, demain? Ouais, demain, ouais, mais ça va être un peu tard, hein, je pense. Ok, Corentin. Polo. Ouais. Ça fait quoi d'être chauve? Je sais pas, pourquoi? T'es chauve, toi? Non, toi t'es chauve. Non, je suis pas chauve, je me rase la tête. Ouais. Hop là, Jérémy. Ouais, Polo. Oh là là, allez, dégage d'ici. Hein. On va terminer ce Polo contre le reste du monde. Le dernier de la saison avec Marc. Marc, conclusion, s'il te plaît. Ok, conclusion, je voulais juste avoir la taille de ton sexe, dis-moi. Oh, petit. Ah putain, mais c'est quoi cette conclusion alors? Ah ouais, c'est comme ça, Marc. Marc, au revoir. Salut, un coup là. Ciao, la grosse... Ouais, je fais le générique et McDonald's. Ok, d'accord, Aurélien, conclusion. Ouais, et tu vois le film Intouchable? Ouais. Tu vois, Omar Sy. Allez, dégage. Samir, conclusion. Je vais être doux à ton retour. Ok, d'accord. Ciao. Ciao. Maëva, conclusion, s'il te plaît. Dédicace au Brandon et s'il te plaît, laisse-moi finir. Baptiste, conclusion. Je peux passer une dédicace? Vas-y. Je passe une dédicace à Morgan, Hugo, Vincent, Mathieu et tous les gens du monde et tous ceux qui me reconnaissent. Super. Et ne changez pas, les gars. Ok, ciao. Et pour terminer, Corentin? Ouais, dédicace à tout pour moi. Super, ainsi se termine ce Polo contre le reste du monde. Merci à tous ceux qui ont écouté. Salut, c'est Clara Morgan et vous écoutez Polo contre le reste du monde. Et bah voilà, plein de messages qui arrivent. Il y a Johan qui dit: je vous écoute tous les soirs, vous êtes vraiment super, continuez comme ça. Il est sacré demoiselle. On manque jeune comme vieille. Oui, bah surtout on manque d'alcool hein, pour certaines hein, cela dit hein. On dirait bien ouais. Eric Elia: enfin c'est fini cette fucking coupe du monde, on va pouvoir passer à autre chose. Mister Steven: on est perdu entre les enregistrements et le vrai Georges de tout à l'heure. Ah bah non, pourtant en même temps c'est sur la même chose hein. Tu fais quoi, qu'est-ce que tu fais en ce moment, t'as va, tu m'entends, etc. Corentin qui dit: Georges c'est un ouf. Et Romain qui dit: salut Mickaël et toute la team, je regarde la finale tout en écoutant le top. Tu peux me passer un petit message de bienvenue, je vous écoute depuis le début et tu ne me l'as pas encore salué. Bah bien sûr Romain, avec plaisir. De mange-merde de trou du cul que tu es. Eh ben voilà, tout simplement. Et puis des messages aussi qui nous remercient d'avoir été là. Bah, c'est surtout moi qui vous remercie d'avoir été là. Il y en a qui sont là depuis le 22 juillet quand on a commencé. Et puis il y en a qui sont arrivés au fur et à mesure. Il y en a qui viennent d'arriver aussi ce soir. Bah, bienvenue en tout cas, merci d'écouter Fun tous les soirs. C'est Party Fun qui va débarquer dans quelques instants sur Fun Radio. Et puis bah, sera Party Fun aussi la semaine prochaine. On sera de retour le 17, nous, à partir de août, hein, pas juillet. À partir de 20h, dimanche soir, 20h minuit, tous les soirs de la semaine entre 23h et 2h du mat. On se fait le générique de fin ? Allons-y. Allez, générique de fin avec... bon, la grosse et Maëva, vous êtes là ? Mickaël, je t'encule ! Oui, d'accord, ok, on y va ? Mickaël, moi, il est que t'arrière, Mickaël ! Allez, c'est parti, on y va, 3, 4 ! Mickaël, je t'encule ! Mickaël, je t'encule ! Mickaël, je t'encule ! Mickaël, je t'encule ! Mickaël, je t'encule ! Mickaël, je t'encule ! Mickaël, je t'encule ! Mickaël, je t'encule ! Mickaël, je t'encule ! Mickaël, tu vois, bon homme en face de toi, qui va faire. Il va te niquer, toi et ta mère, et puis moi, ta bande de connards. Mickaël va niquer ta mère, enfant de putain. Ta femme va niquer ta mère aussi. Ta grand-mère, elle s'en va. Ils sont canadiens. Ta grand-mère, c'est une chienne, Mickaël. Ton grand-père, c'est un bâtard. Enfant de putain, elle va niquer ta mère et tes mères. Mickaël, mange ferme. Mange ferme. Enculé. Eh, casse-toi, la grosse. Hein. Allez, hop, hop, là. J'ai même j'ai encore dû le raccrocher le dernier soir. C'est dingue, quand même. C'est, oh, là, il sait pas s'arrêter. Hein. C'est dingue. Bon, la douce Fada. Oui. Bonne nuit, la douce Fada. Et puis, bonne vacances. Vous êtes trop manqué. Oh, mais non, boulou, boulou, boulou. On sera de retour. Et puis, par du... Eh, dis-toi aussi que pendant les vacances, tu devras pas entendre la voix de ce connard de Toff. Voyons le côté positif. Je l'aime, Toff. Oh, quelle horreur, quelle horreur. Moi bon, aussi, je t'aime. Bon, bah, je te le repasse, la douce Fada, alors. Hein. Bon, bah, écoute, profites-en, là. Profites-en de ces congés pour aller voir un psychologue qui t'aidera oui. À oublier cette horreur de Toff. Ouais. Bah, oui, oui, oui, il va falloir, il va falloir. Oh, bon. Ça a l'air dur, ça a l'air dur. Gros bisous, la douce Fada. Oh, salut, on t'embrasse pas. Oh là là là là là là là là. On t'envoie une boîte de Kleenex. Mais oui, bon ben merci en tout cas comme je le disais à tous ceux qui étaient à l'écoute ce soir. Toff qui va faire quoi les vacances là? Et ben rien jusqu'en août. Ah si, il va se marier, il va se marier. C'est ça, donc rien jusqu'en août et puis après je vais à Las Vegas me marier pour Polo pour lui faire plaisir. Oh, arrête ton cinéma pour faire plaisir à Polo. Je rappelle qu'il y a un pari en cours. Polo a dit si Toff se marie, Polo me paye. Ouais, en Europe et pas cher. Oui, bah oui, mais tu me payes quand même. Je vais pas t'envoyer. En première. Non, on s'était mis d'accord sur l'Europe, bien sûr, pas de problème. Ouais, donc, un voyage. T'es excité. Peu importe, un voyage en Europe. Il va te payer à Paris-Bruxelles, tu vas voir, ça va être bien. Il n'y a pas en avion, c'est possible. Donc voilà, moi j'ai pas de problème avec ça. Polo qui va faire. Non, tu iras à Nice. Ouais, bah peu importe, ouais. En Europe. Je sais pas encore, j'ai pas d'argent, je fais rien pour l'instant. Je suis pauvre, je suis sans le sou, moi monsieur. Très bien, bah il va essayer d'aller trouver quelques petites pièces sur les champs demain. On va essayer, ouais. Ah oui, c'est défilé. Je défile, moi. Eh ben, oui, mais t'as raison, défiler. Et puis Sandro qui va se mettre au régime ou pas, en fait Je sais pas, je vais voir. Mais non, alors déjà, c'est mytho, puisque quand même, juste après, avec Cécile qui termine son stage, d'ailleurs, c'est aujourd'hui, qui a dit « Ah, on va se faire une crêpe après l'émission !» Une crêpe, Nutella. On hésite. Ah bah ouais, donc autant dire que ça commence bien, quoi. Ouais, bah on va... Ça commence très bien, vu le nombre de chocolats qui reste dans la boîte. Ouais, donc je rappelle que... À la radio, tout le monde le voit, Toff, la boîte. Je rappelle qu'à l'auditeur nous a ramené des chocolats jeudi, et que bah, la boîte est vide, hein, mais c'était deux étages, un double étage des GF de Bruges, et une boîte énorme, et donc il n'y a quasiment plus rien. Bah, prends-les pour la maison, Sandro. Oui, je vais les emporter avec moi. Voilà, me voilà rassuré. Alors très bien. Bon, bah bonnes vacances. Cécile également qui a fait le, qui était au standard pour faire le, pour son stage, hein, en l'occurrence. Oui, stage de merde. Approche-toi du micro, on t'entend pas. Dans le micro. Bah, merci beaucoup. Le stage n'a pas vraiment servi, quoi. Bah oui, c'est ça. Physiquement, t'as pensé quoi de Toff? Mais après c'est lui qui note Mais non t'inquiète pas, il note rien, c'est un bouffon non c'est bah c'est top, on s'y habitue au bout de 6 mois ça pue hein. Ouais ça pue un peu quoi. Et c'est pas grave. Elle s'y est fait. On a pas trop le choix là pour le coup, effectivement. Ouais. Bon, bah bonnes vacances en tout cas. On se tient juste sur le Facebook. De toute façon, quoi qu'il arrive, hein, connecté dès demain, pas de problème. Enfin, même dès ce soir. Sur le Facebook de l'émission, tapez M.I.K.L. officiel. Sortez couvert, protégez-vous, tout ça. Abusez-vous en tout cas. Et puis c'est Party Fun qui vous fera bouger le fion là pendant tout l'été. On se retrouve en pleine forme de toute façon le 17 août à partir de 20h. Ce sera le dimanche soir et la semaine 23h, 2h. Profitez bien et donc rencard sur le Facebook, Twitter et Instagram tout au long des vacances. Envoyez-moi les photos de vos vacances, tout ça, et puis moi je posterai les miennes avec grand plaisir. Salut tout le monde. Ciao. Ciao. Et Toff s'en fout, il est parti, il va déjà se marier. Moi j'étais déjà parti, moi j'étais déjà son costard dans la voiture, et tout le bordel. Allez, bravo l'Allemagne également là. Salut tout le monde. À lundi, non pas du tout. Rendez-vous le 17, ciao. Party Fun avec Sam. Celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas.